nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est quoi ça, mon petit balai? Je suis vraiment un gros tas de merde. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Oh, je ne cherche pas à te vexer. Je cherche simplement à te faire comprendre ce que t'as pas compris. Car tu ne l'as pas compris, c'est ça le plus fort. Mais bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ils ont toujours raison. N'essaie pas de me baiser, mon vieux, je te fous dans un tel état qu'il faudra déboutonner ton col pour chier. Mais ne... Ou ne le fais pas. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau numéro de la guerre des claps. Avec moi autour de la table aujourd'hui, Alex. Salut. Issam. Salut. Et Necro. Salut. Messieurs, comment allez-vous? Ça va, ça va. Bien. Prêt à enregistrer un numéro spécial comédie romantique? Oui. Ouais. Non. Qui colle parfaitement bien avec Halloween. Ne nous abandonne pas, reste là. Avant de rentrer dans le sujet principal et avant d'enchaîner avec les news d'Issam, on va faire un petit tour de table, savoir vos dernières activités hors cinéma. Et si on commençait par Issam? Je suis venu ici, j'ai acheté le pain sur le... J'ai acheté un nouveau... Nouvelle activité hors cinéma, pas grand-chose, parce que je suis surtout sur l'archiviste du cinéma en ce moment, j'ai enfin pu reprendre le travail, j'ai un nouveau PC, et ça change la vie. Voilà, et c'est quand même très cool d'avoir un nouveau PC. Nous sommes tous contents pour toi. Ah oui. Mais un PC, il est 4 fois mieux que le mien. Il est 10 fois mieux que l'ancien que j'avais. Ouais, mais bon. Ne fais pas ta jalouse. Niveau temps d'allumage, il est 10 fois plus rapide. Ouais, bah ça va. C'est quand même plus rapide les meilleurs. Et toi? Ah bah ouais, en ce moment, je suis en train de découvrir les jouets de The Witcher. Ah, en commençant par le 1, qui a été refait. Il date de quand, là? Je sais plus du tout. Je sais qu'il a été remasterisé, donc c'est la version remasterisée que j'ai. Par contre, je dirais facilement 2005-2006. C'est un DLC ou c'est carrément la version complète? C'est la version complète, ouais. avec en plus les DLC. Mmh. Et j'en chie avec les combats. C'est-à-dire, pour l'instant, mon personnage, il fait de la merde parce que j'ai toujours pas compris comment combattre. Mais sinon, ça va. Ouais, c'est dur, la mécanique, au départ, dans Witcher. Ah bah, c'est pas du Skyrim. Ah non. Mais franchement... Mais non, c'est pas du bourrinage, c'est pas t'avances, tu tapes. Voilà, on sent qu'il y a vraiment une implication particulière dès le premier opus. Sachant qu'ils étaient partis sur un moteur de jeu dégueulasse, si je me souviens bien, ils étaient partis sur C'est pas le moteur de Stalker? Je crois que c'était le moteur de... Le premier, je crois que c'était le moteur de Netherwinter Night qu'ils avaient retravaillé. Ouais. Donc déjà, tu vois Netherwinter Night et tu vois le jeu, tu te dis, mais ils sont fous. Ils sont complètement cons. Mm. Et sinon, ça peut être sympa si jamais je suis encore en la galère à ce moment-là. Je cherche toujours des personnes qui ont joué à des jeux improbables. Et là, en ce moment, c'est Front Mission et je galère, je trouve pas. Ah, je croyais que tu cherchais les gens qui avaient joué à Custer Revenge sur Atari. Non. Ce jeu de la honte. Ce jeu où le but du jeu est de violer une indienne. Alex, et toi? C'est une bonne transition, ça. Donc The Witcher, oui, 2007 pour la sortie. Par contre, si on est dans les jeux, moi, je suis toujours autant sur Binding of Isaac Afterbirth. Ah. Enfin, Rebirth et version Afterbirth. C'est assez impressionnant à quel point chaque DLC ajoute énormément dans ces jeux-là, quand même. Là, surtout le dernier où tu crées tout, en fait. Bah, c'est ce que les DLC devraient faire à chaque fois. C'est-à-dire que ça devrait apporter un contenu, je veux dire... Bethesda a appris, par exemple le Skyrim, les deux DLC, enfin il y a deux DLC quand même sur les trois qui sont excellents et là où t'as l'impression que ça dure plus longtemps que la quête principale et t'as vraiment du contenu, du stuff, mais qui est bien, c'est pas du stuff super cheaté, c'est du stuff RP qui est super cool. Et mais c'est dommage hein, quand tu vois des jeux où ils te font payer 3€ pour juste que ton personnage il ait des cheveux de telle couleur ou une brosse à dents, une voiture, un truc sur le pare-choc, enfin tu t'en fous, de toute façon ce sera même pas personnel, ce sera même pas personnalisé vu qu'il y en a 15 000 qui vont acheter le même, donc ça c'est con. T'énerve pas Nécro, t'énerve pas. Il en a gros sur la patate. Il en a gros le Nécro. Alex. Ouais, les DLC. Moi, pas vraiment grand chose. Je suis toujours sur Overwatch et Hearthstone en même temps, vu qu'avec le travail qui me prend. Eh ben, mon temps, justement, toute la journée, le soir. Monsieur a un travail. Ouais, monsieur. On a quand même. Alors, t'es toujours pas classé. Hein, quand on regarde pas des films, on fait des jeux vidéo, ouais, on travaille. Ouais, c'est pas très varié. Hein. Ouais, je dis, il se trouve des excuses parce qu'il est pas passé platine. Ouais, c'est vrai, en plus, je galère. On est en fin de mois et je galère à monter, quoi, c'est chaud. Voilà, puis en plus, c'est cool en ce moment. Ils sont en période Halloween sur Overwatch, donc t'as tout plein de skins. Petit remaniement des décors, des maps et tout, c'est sympa. Très bien. Voilà. Et toi, donc, oui, que fais-tu? Il nous regarde comme ça. L'air de rien, en mode, ça va passer. En mode chien battu. Que fais-tu? Bah moi, actuellement, je suis sur le nouveau RPG South Park. Il est bien, alors. Qui est très, très bon. Tu l'as mis en VO, j'imagine? en VO, parce que bah, bah, les voix VF, bah, j'ai écouté la VF, elle est un petit peu dégueulasse. Moi aussi, la VF. Elle est vraiment pas terrible. Ils essaient d'imiter les vraies voix ou bah, pas le doubleur de Cartman essaye d'imiter le doubleur vraiment de Cartman. Ouais, ça imite mais, trop. Ouais, des fois, il y arrive, mais des fois, sa voix nazie un petit peu, alors que les autres essayent même pas, quoi. Et donc, du coup, t'as des voix totalement différentes, donc ça ne sert à rien, c'est pour faire ça. Donc oui, en VO. Heureusement, on a la possibilité de le mettre en VO. Mais je me suis jamais trop renseigné sur l'histoire. Pourquoi, en fait, il n'y a pas les doubleurs originaux? Alors, en fait, à la base... Enfin, y c'est avait sous, un... c'est ça? Non, c'est pas ça. En fait, à la base, il y a un contrat qui a été fait entre la société pour laquelle travaillent les doubleurs et Ubisoft. Contrat qui, en fait, n'a pas été respecté, puisque à la fin, au moment d'enregistrer les voix, la société, c'est la société, a voulu augmenter son tarif, alors que le contrat était déjà fait, quoi. Ouais. Donc, bah, quand toi, t'es une compagnie, que t'as signé un contrat avec quelqu'un et que la compagnie en face décide de te la faire à l'envers et de modifier le contrat au dernier moment, bah, tu dis non et tu te barres. Donc, pour le coup, c'est pas du tout de la faute d'Ubisoft. Ouais, c'est ni de la faute d'Ubisoft, ni de la faute des doubleurs, en fait. Les deux étaient partants. J'en vois beaucoup comme ça, à dire que Ubisoft est dégueulasse, tout ça. Ah, Ubisoft, c'est beaucoup de conneries, mais pour une fois qu'il n'en faut pas, on va éviter de les engueuler. Ce qui fait que, du coup, il n'y a pas boycott, mais les gens achètent le jeu en y jouant en VO. Voilà. Voilà. Parce que, mais, voilà. Ce que je serais curieux de savoir, c'est... Enfin, j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui n'a jamais regardé South Park en VF, oui, pour savoir si la VF est vraiment mauvaise ou si c'est juste qu'on est tellement habitué aux voix françaises. Je pense que c'est parce qu'on est habitué. Je pense que c'est vraiment d'habitude. Et puis peut-être le forçage des voix quand ils veulent coller, par exemple, à Cartman, le truc comme ça. Quoique, c'est pas si dégueu que ça pour Cartman. Je veux dire, ça aurait pu être pire. Mais voilà, il y a... Ouais, mais comme il a dit, il y a des moments, tu le sens que ouais, c'est trop joué. Ouais, c'est dégueu. C'est que la voix part un petit peu en couille. Mais sinon... très drôle, vraiment une grosse impression d'être dans un épisode comme pour le premier jeu, quoi. Et plein d'idées à la con. Oh, j'ai vu des attaques combinées. Ah oui, mais c'est complètement fou. Avec Kyle, je crois. Ah, mais c'est complètement barbe. Et... Non, mais par exemple, petite anecdote, au début du jeu, la première cinématique, tu peux la passer. Si tu veux la passer une première fois, Cartman t'engueule en te disant que tu dois la regarder. Tu réessayes, il t'engueule encore. Tu réessayes une troisième fois, il se fait ah ouais, tu veux la passer. Bah voilà, hop, t'as le générique de fin du jeu, game over. Voilà. Extraordinaire, et des petites idées comme ça, mais il y en a partout. Il y a un moment où tu dois faire un QTE, si t'échoues le QTE, game over. Et tu tapes le générique direct. Et du coup, tu joues un blanc ou un noir? Ah, mais moi je joue un blanc. Parce que dans le jeu, en fait, selon la couleur de, selon voilà, la couleur de peau, les interactions, oui, les interactions sociales voilà, sont de plus en plus compliquées au fur et à mesure que ton personnage a la peau de plus mais en la plus difficulté, foncée. Mais la difficulté des combats, elle reste la même, par contre. Alors, ce qui est super, c'est qu'il y en a qui sont retrouvés le cul entre deux chaises là-dessus. Tu sais qu'ils commençaient à dire « Ouais, putain, c'est raciste, merde, c'est vrai, en fait. » Et « Ah !» Mais ils se sont retrouvés comme ah, des non, cons. Il y en a qui ont maintenu que c'était raciste. J'ai lu des trucs qui maintenaient que c'était totalement raciste et que c'était un scandale. Alors qu'en fait, non, c'est juste le monde est raciste dans ces pays-là. Et du coup, c'est une façon de dire... Dans ces pays-là, enfin, dans les pays, pays du monde, oui, hein, je pense. Après, du coup, pour en avoir discuté avec des personnes de couleur, forcément... Ce qui est triste, c'est que eux, personnes de couleur qui veulent jouer bah, quelqu'un qui leur ressemble, c'est-à-dire un personnage noir, bah, elles sont obligées de jouer au jeu en mode difficile. Tu vois. Et ça leur rappelle la vraie vie. Ouais, mais justement, tu ne joues pas au jeu vidéo pour avoir envie d'être dans la vraie vie. Bah, dans ce cas-là, ils ont qu'à pas prendre un avatar qui leur ressemble s'ils veulent pas être dans la vraie vie. Ils prennent un blanc. Voilà. Ils peuvent pas faire comme tout le monde si c'est des mecs qui prennent une fille à gros nichons et puis voilà, c'est tout. Ah, les filles à gros nichons, des. Dans les RPG, c'est bon, on a tous ça, fait ça. Ça, ce serait intéressant aussi que tu puisses choisir qu'il y ait une différence selon le sexe. Ah oui. Alors là, d'un coup, ce serait le mode hardcore, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, alors j'ai choisi une femme noire. Mais il y a un passage dans le jeu où tu peux choisir si tu es cis hétéro, si tu es voilà. Ah, ils ont fait ça. Ah, ils ont fait ça. Il y a un moment où tu te retrouves devant comment il s'appelle le conseiller d'orientation avec la grosse tête. Monsieur McKee. Monsieur McKee, oui, ouais. Où il te pose plein de questions et tu peux choisir ton genre en fait. Ok. Voilà, on va arrêter parce que on n'est pas là pour parler jeux vidéo. Mais ça se passe l'anal du destin, très très très bien. Si on enchaînait direct avec les news de ce cher Issam. Bon, oui. Ouais. Il va falloir qu'on mette un petit générique pour toi aussi. Bon, ouais, c'est ça, faudra qu'on... Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire le jingle à la bouche, là. Les news de Issam. Doubiloua. Tcha. Bah voilà, c'est bon. On est bien dans l'ambiance Halloween. Donc on va commencer sur les deux news pas fun du mois que j'avais envie d'évoquer. Première. Ah, pardon. La première, c'est l'affaire Harvey Weinstein. Alors, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte au cours du dernier mois, Harvey Weinstein, c'est un très gros producteur hollywoodien qui dirige la société de production, alors qui s'appelait Miramax, et maintenant c'est la Weinstein Company. Qui va encore changer de nom, du coup. Probablement, ouais. qu'il a dirigé avec son frère Bob Weinstein. Ils sont notamment les dans les années 90, ils ont eu une énorme influence sur le cinéma indé américain parce qu'ils ont été effectivement lancés, entre autres, Tarantino. Alors maintenant, Tarantino, c'est la machine qu'on connaît, mais à l'époque... Il n'y avait pas aussi les frères Wayans, hein. Si, je crois, il y a aussi celui qui a fait Clerks, comment il s'appelle ? Merde, oui... Ah, considéré comme un gros geek. Transition recherche. Considéré comme un gros geek. Oui, il fait une petite musique de recherche. Qui écrit des comics, il écrit des comics, il a fait celui qui a fait Dogma aussi. Oui. Ah, on mettra une petite musique de recherche. Enfin, du coup, c'est il y avait quand même beaucoup d'humour underground dans ce truc là aussi. Après, c'est un gros monsieur. Dogma, c'est Kevin Smith. Kevin Smith. Voilà, Kevin Smith, c'est lui qui a lancé Kevin Smith. Les Weinstein, ils ont aussi en fait été énormément distributeurs, donc c'est eux qui ont distribué beaucoup de films européens, italiens, Le Dernier Empereur, des trucs comme ça. C'est eux qui les ont distribués en Occident, donc voilà. Et Harvey Weinstein a été accusé par beaucoup de monde, beaucoup de femmes. Ça a fait beaucoup de neige, quoi. C'est ça. Dès qu'il y en a une qui est sortie du silence, après ça. D'agression sexuelle, voire de viol. Et donc ça a lancé énormément d'accusations, non seulement contre Weinstein, mais c'est un peu en train de libérer une parole globale, on va dire. Et pas que dans le milieu du cinéma. Et pas que dans le milieu du cinéma. C'est, voilà, ça crée une sorte de grosse mouvance de dénonciation d'agression sexuelle en tout genre. Notamment sur les réseaux sociaux. Bah, sur les réseaux sociaux, justement, là, sur Twitter, par exemple, il y a eu le hashtag balance ton porc qui est arrivé, mais puissance 1000, où d'un seul coup il y a tout le monde qui allait dénoncer quelqu'un, le patron, machin, le truc. Ça devient un peu malsain. Là, mais... Certains qui ont même balancé des photos et des numéros personnels. Hein, je veux dire, oui, là, des numéros personnels, c'est l'exemple qui va trop loin. Là, ça a été un peu. Voilà. Mais, c'est là que je suis mitigé sur le truc. Si ça permet de libérer la parole, de voir l'importance du mal, en fait. Voilà. À ce niveau-là, c'est intéressant. Après, mais... j'ai toujours tendance à beaucoup me méfier quand une affaire, quelle qu'elle soit, a tendance à soulever trop les foules, parce qu'une foule, même animée de bonnes intentions, ça a tendance à être très con. Mais t'en as toujours qui vont exagérer, qui vont profiter, etc. Et emporter les autres souvent, c'est ça le problème. C'est pour ça que Polanski a dit « Oh, quand même, laissez-le un peu tranquille. L'embêtez pas trop, c'est pas moi. C'est mon frère. Moi, je le comprends. Entre trous de balle, on se comprend. Tu m'étonnes, Polanski, là, il se chie dessus, quoi. Merde. Bon, Polanski, il risque rien, en soi. Ah oui, tant qu'il est planqué par le gouvernement français. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, tu vois, vu que ça commence un peu à se rebeller... Ouais, je sais pas, parce que Polanski, de toute façon, il avait avoué. C'est là que c'est encore pire. Il y avait rien de caché autour de Polanski. C'est là que c'est encore pire dans son cas à lui, quoi. Ah ben non, c'est l'État qui a fait « Ouais, non, il est cool quand même !» Puis maintenant, c'est « Ah bah, il y a prescription !» Ah bah maintenant, non, il n'y a pas prescription. Ah bah, de fait, si. Non, parce que prescription, c'est quand il n'y a pas eu de jugement. Oui, alors que là, il y a eu un jugement. Il y a eu jugement. Ah ouais, mais je crois que... Ah oui, il ne peut pas retourner sur le sol américain. Ah ouais. Il ne peut pas retourner sur le sol américain. Dès qu'il va poser un pied, il va se faire défoncer. Il y a eu jugement, et puis c'est une vraie fuite de la justice, quoi. Ouais. Pour le coup. Et toi, c'est même pas que sur le sol américain. Il suffit qu'il est dans un pays qui ait passé un accord avec les US et c'est bon, quoi. Ouais. Je suis sûr que rien qui va en Angleterre, c'est bon, hop là. Bah, je crois qu'à un moment, il était passé en France et il était pas loin, non, de se faire choper, hein, un truc comme ça. Bah, tiens, il est en France. Il est en France, là. Il est protégé par la France. Hein. Ah, ouais, c'est dans quel pays qu'il a failli se faire choper et s'il fait encore des films, c'est grâce à tes impôts, mon gars. Mais à un moment, il devait être président du jury. Ça m'a fait marrer, ça. Oui, c'est. Je crois que c'était à Cannes. Non, c'était pour les Oscars. C'était Cannes. Bah, les Oscars, ils l'auraient même pas appelé. Ah non, justement, c'est César. C'était César. Oui, c'était César, effectivement. Ah, ça aurait été marrant qu'ils le fassent venir juste pour les Oscars et qu'en fait, c'est. Non, c'était un leurre, c'était juste pour vous arrêter. Mais bon, pour en revenir à ce très cher Weinstein. Comment dire, ça faisait depuis longtemps qu'on savait que le mec était pas droit dans ses bottes. Ah bah oui, c'est déjà. Il avait une réputation de connard bien avant l'affaire. C'est ça, bah justement, j'avais lu un bouquin. Je vous le conseille grandement. C'est Sex, mensonges et Hollywood. C'est un excellent bouquin sur justement la naissance du renaissance du cinéma indé américain dans les années 90. Donc ouais, si vous aimez Tarantino, si vous aimez Soderbergh, si vous aimez Kevin Smith, tous ces gens-là, c'est vraiment un excellent bouquin. Je couperai ça au montage. Et voilà, Weinstein, tous ceux qui en parlent le présentent comme un mec dominateur, qui avait tendance en fait à garder les films de son côté et à mettre les réalisateurs et tout dans la merde financièrement, jusqu'à ce qu'ils disent si vous faites les coupes que je veux, je vous rends votre film. Et il faisait ça alors qu'il était que distributeur des fois des films. Voilà. Donc non, il est super limite le mec. Donc on savait depuis longtemps qu'il y avait des problèmes. Aller jusqu'à l'agression sexuelle, c'est récent. Enfin, apparemment, oui. Tout Hollywood était au courant. Oui, voilà, tout Hollywood était au courant. C'est ça que, de ma position, je trouve incompréhensible. C'est que tout le monde le sait, tout le monde dit qu'il le sait, mais... Ah, mais c'est le pouvoir... Oui, voilà, c'est le pouvoir, fait, oui, je sais pas. Je veux dire, la starlette qui se faisait agresser, on lui disait, non, mais écoute, ferme ta gueule. Quoi, ouais, parce mais qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et puis avant? Bah, le fait que c'est juste qu'il y a un journaliste qui a eu les couilles de sortir le truc. Quoi. Bah, tout à fait ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a réussi à avoir un moment plus de pouvoir que lui au niveau médiatique et qui a pu sortir le truc au bon mais moment. Je pense que ça aurait pu être sorti beaucoup plus tôt. Fin. Ou beaucoup plus tard, ou ne pas sortir. Hein, c'est ouais, voilà, c'est ça. Mais justement, pour en revenir au bouquin dont je parlais, vu que Weinstein savait qu'on dirait du mal de lui dans ce bouquin, il a quand même, c'est raconté dans le livre du coup, il a invité l'auteur, il lui a proposé beaucoup d'argent pour faire un autre projet. Quand l'auteur a dit non, il l'a insulté, quoi. Ouais. Il lui a dit tu feras jamais rien de ta vie, tu seras toujours dans la misère, connard. Voilà. Un bon gars, quoi. Puis ça doit pas être le seul, c'est ça qui est triste. Bah non. Oh, bah, c'est clairement pas le seul, il y en a d'autres qui sont... De toute façon, c'est que sortir, la partie là. Émergée de la vie. Bah, il suffit de voir, là, ça n'arrête pas d'éclater. Là, ça commence même à éclater chez nous, maintenant. Mm. Voilà. Il y a un réalisateur, alors qui est pas connu en France, et j'ai oublié son nom, qui, pareil, il y a une trentaine d'accusations qui sont tombées d'un coup. Bah oui, là, ça commence même chez nous. Puis il y a des gros noms qui ont été touchés dans l'affaire Weinstein, donc on peut même pas se dire que c'était juste des femmes sans pouvoir. Il y a des Asia Argento, il y a quand même un monde. C'est ça, c'est un problème qui touche pas que le cinéma et qui ne touche pas que les États-Unis, quoi. C'est ça le truc. Du coup, si ça peut permettre ce qu'il y ait une prise de conscience, tant mieux. Moi, c'est juste ça, de mon point de vue. Ah. Je trouve que c'est incompréhensible que ça tombe que maintenant. Ah oui, que maintenant, oui, effectivement. Oui, ça aurait dû répéter beaucoup plus tôt, quoi. Le truc, c'est maintenant. Oui. C'est maintenant quelles vont être les conséquences de ça. Effectivement, est-ce que ça va juste être un pétard mouillé et que ça va entraîner aucune modification concrète? Est-ce que ça va se transformer en truc populaire assez malsain? Bah là, vu comment ça prend vraiment niveau taille, quoi, il faut quand même penser à faire des lois, quoi, maintenant. Il va quand même falloir y penser. Oui. Ouais, mais... Des lois qui encadrent bien, quoi. Des il y a lois, tellement d'argent et de corruption. Mais surtout des lois qu'il faut respecter. C'est surtout ça, c'est le problème. C'est, en fait, c'est extrêmement compliqué à légaliser ce genre d'affaires. Bah, en plus, le milieu du cinéma, c'est un milieu très fermé. Donc. Ouais, mais pas que dans le milieu du cinéma, vu que là, avec le hashtag. Balance ton port. Oui. On voit que c'est dans plein d'autres milieux, mais en fait, c'est des trucs excessivement durs à. Approuver. À légaliser, approuver. Voilà, oui. C'est un attouchement sexuel, une agression sexuelle. C'est très très dur à prouver en réalité. C'est ça. Bon, après, c'est peut-être exagéré ce que je vais dire, mais je pense qu'on va rentrer dans une période où toutes les femmes maintenant vont être de moins en moins sur la défensive, se rebeller beaucoup plus, et la jante masculine va en prendre plein la gueule. Ah oui, de plus en plus sur la défensive, du coup. Oui, non, ce que je. Non, je veux dire, moins en moins sur. Oui, pas la défensive, sur le retrait, prendre sur elle-même, et plus s'affirmer. Et montrer que voilà, elles ont été des victimes, et tant mieux, justement. Oui, tant mieux. Et de mettre en cause les criminels, quoi. Bah, ça pouvait s'assainir. Ah, bah oui, totalement. Ça pouvait permettre effectivement d'assainir un petit peu ça, parce que le clivage, de toute façon, homme-femme, il a toujours été dans les milieux de pouvoir, déjà. Mmh. Et donc, justement, ce rapport de pouvoir en patron et employé, ça, c'est un truc qui rajoute malaise. Bon, après, j'espère, mais. Que le revers de la médaille, que toute la gente masculine soit mise dans le même panier. Mais c'est vrai que je vois passer des trucs des fois, genre on peut pas être un homme et être féministe. En fait, j'ai l'impression que pour toute une partie des femmes, alors qu'on a probablement vécu des trucs qui font qu'elles pensent comme ça, mais pour toute une partie des femmes, si on est un homme, on est forcément du mauvais côté de. Et ça me fait chier parce que j'ai l'impression en fait de devoir. Après, toutes ne pensent pas comme ça, heureusement. Non, heureusement. Enfin, je pense même que c'est une minorité, mais une minorité assez bruyante. Et des fois, j'ai l'impression que on m'accuse de tout le sexisme de la société. Et ça me fait un peu chier. Par contre, je pense que c'est quand même à elles de prendre la parole et que c'est pas à nous de leur prendre la parole. Ah non, ça, je suis parfaitement d'accord. Mais il faut s'exprimer sur des sujets sexistes, enfin de sexisme, il faut mieux inviter des femmes pour en parler qu'inviter des hommes pour en parler. Oui, mais certes, mais ça interdit pas. T'as toujours des femmes qui vont me dire. Oui, non, voilà. Mais t'as toujours des femmes qui vont me dire justement que les hommes ne sont pas intervenus sur le sujet. Oui. Alors que tu viens de dire justement qu'il fallait pas intervenir. Voilà. Tu vois, et ça, c'est la contradiction qui arrive tout le temps et qui m'énerve à chaque fois. Et puis. C'est qu'on t'interdit de participer au sujet, mais après, on te reproche de pas l'avoir fait. Oui, mais encore une fois, toutes ne t'interdisent pas. Oui. Ah, il faut juste pas faire des. Mais c'est sûr, c'est certain. Mais voilà. Bref. Moi, je profite de mon anonymat, juste comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tant que position d'homme, ayant vécu avec une femme qui avait subi des sévices sexuels quand elle était mineure, Bah, si, on prend quand même dans la gueule aussi quand on l'apprend, et puis aussi tu sens, enfin, t'as une empathie avec la personne avec qui tu vis pendant des années, donc oui, on comprend des choses quand même, on les ressent, on se les prend dans la gueule, et effectivement, dans ce cas-là, tout ce qu'on peut faire, c'est vouloir soutenir la cause. Donc si derrière, on dit, ouais, de toute façon, t'es qu'un connard parce que t'es qu'un mec, va te faire foutre. Voilà. Ouais. Et puis même la réaction un peu plus mesurée qu'il y a des fois qui dit que si t'es pas une femme, t'as, du coup, alors là c'est logique, t'as jamais vécu, enfin t'as jamais subi le sexisme. Oui, ça c'est logique. Ça c'est logique. Ouais. Mais il y en a qui disent si tu l'as pas subi, tu peux pas le comprendre. Et là je suis pas d'accord. C'est pas parce que t'es pas noir que tu peux pas comprendre ce qu'est le racisme. Enfin à ce moment-là, c'est tout le procédé. Ouais. À ce moment-là, c'est triste si tu penses comme ça. Disons parce que tu vas dire moins, que tu vas pas le percevoir de la même manière. Quoi. Si t'es un Mexicain de 42 ans, tu peux comprendre que les Mexicains de 42 ans, c'est triste si tu penses comme ça. Alors, et puis, certes, c'est pas forcément perçu de la même manière. Oui, voilà, c'est ça le truc en fait. Mais l'empathie, ça existe. La compréhension, ça existe. Voilà. Ouais, ouais, c'est compliqué. Ah, vas-y. Si on pousse ça à fond, chaque communauté gère. J'ai pas pu arriver. J'étais soufflé, hein. Si on pousse ça à fond, chaque communauté gère ses problèmes à elle, sans jamais s'occuper des autres, soi-disant qu'elle peut pas les comprendre. Et je pense que si on fait ça, on renforce au contraire les écarts entre communautés, plutôt. Et puis même, il y a des contextes très cons, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé dans une association contre le racisme quand j'étais petit, dont ma mère était présidente, et il y a quelqu'un dans l'association qui a sorti un truc très intéressant, il disait « j'ai rejoint l'association contre le racisme parce que j'étais moi-même raciste ». Et oui, des fois, on va militer dans des associations parce qu'on sait que nous-mêmes, on a un problème et on aimerait comprendre comment ça fonctionne, pourquoi, et se débarrasser de cet a priori ou de ces a priori. Et donc, oui, bah, accepter justement les hommes dans les associations féministes, bah, ça ferait partie du truc. Hein. Si c'est juste pour les rejeter, bah, dans ce cas-là, effectivement, ça dessert la cause féministe. Parce qu'en seul coup, on renforce le clivage. Hein. Mmh. Ce qui est con. Et puis, ouais, et puis encore une fois, on arrive à un nombre de clivages absolument hallucinant si tu pousses par là. Parce que chaque minorité, chaque communauté va s'isoler des autres. Ça, je pense que ce serait triste si c'était poussé trop loin. Voilà. C'est même si je comprends le ressentiment, je pense que. Hélas, il va falloir essayer de... On ne fait pas des lois avec de la colère. On ne fait pas avancer une société, je pense, avec de la colère. On ne fait pas une juridiction avec ça. C'est au bout d'un an. Oui, pour que ça ait des conséquences légales, il va falloir que des gens se penchent là-dessus de manière totalement froide et dépourvue d'émotions et de... Mais ce serait que de la raison. Qu'il faut être dénué d'émotions, quand même. Et puis, je sais pas, faut quand même en avoir un petit peu sur ce genre de cas. Et puis, des bons coups de colère, ça peut permettre de faire sortir des affaires ça, comme ça. Oui, du ça, coup, voilà. Ça peut être là. Mais après, je pense qu'il faut que la colère sortir et que soit remplacée par quelque chose de plus maîtrisable. Ah, oui. Non, mais on peut réagir à froid, par exemple, tout en prenant en conséquence l'empathie. Mm. Là, c'est pas non plus. Mais c'est le principe d'un médecin. C'est un médecin, il peut avoir de l'empathie pour ses patients. Pourtant, quand il est en train de les traiter, il est bien obligé de se mettre dans une situation de froideur. Oui, sinon, ça devient n'importe quoi. Oui, il te sculpte et puis basta, quoi. Oui, plus tu vas dans des... Enfin, le cancérologue, il est bien obligé de faire preuve de froideur envers ses patients. Non, j'imaginais le médecin. Ah, pour traiter votre rhume, du coup, je me suis mis une méchante grippe dans la gueule, comme ça, je ressens bien ce que vous ressentez, là. Non, mais c'est ça. Et si on enchaînait ? Parce que hein, je t'avais dit que ça durerait longtemps. Oui, c'était qu'une seule news. Je t'avais dit que ça durerait longtemps. On a bien dévié. Alors ça. La deuxième news. Pas drôle. Pas drôle. C'est vraiment pas drôle pour le coup. Vraiment pas drôle, mais moins malsaine. Ça va. T'es chiant comme mec. J'avais envie de revenir un peu sur la mort de Jean Rochefort. Parce que il était vieux, il a eu une belle vie, mais fait chier. Pour le coup, autant Weinstein c'est un connard et on le sait depuis des années, autant Jean Rochefort on sait que c'est un mec qui avait un cœur énorme, quoi. C'est ça, on le sait depuis des années aussi. Et voilà, et c'est un mec qui a fait énormément de trucs, que ce soit pour les sans-abri, pour les laisser pour cause, et voilà quoi. Il avait la classe. Et comme d'habitude, ça fait partie des. Bah, c'est, comme on dit, c'est les meilleurs qui s'en vont en premier. Quoi. Très souvent. Du coup, il n'est pas dans les premiers quand même. Il avait 89 ans, on ne peut pas dire qu'il était dans les premiers. Je suis tout à fait d'accord avec Terry Gilliam, il aurait fait un parfait Don Quichotte. Bah, justement, ce qui est triste, c'est qu'il meurt avant la sortie du vrai Don Quichotte de Terry Gilliam, quoi. Mais il reste quand même le making-of hein, du film raté. Oui, et du coup, Lost in La Mancha. Lost in La Mancha. En gros, le film existe quand même quelque part. Et ça, c'est beau. C'est, et du coup, oui, j'avais envie de faire un petit sondage rapide. Si vous deviez parler d'un film très rapidement avec Rochefort, lequel vous voudriez mettre en avant? Un éléphant, ça trompe énormément. Mmh. Vachement bien, effectivement. Ouais, à mourir de rire. Très, très bon. Je parlerai du premier que j'ai fait au cinéma avec Jean Rochefort, Le Bal des Casse-Pieds, que personne pratiquement n'a vu. Si, si, si. Bah, de Yves Robert aussi, d'ailleurs. Ouais, même réal. Ah, bah. Mmh. Ouais, moi, pareil. Un éléphant, ça trompe énormément, toi aussi. Et moi, alors, c'en est deux rapidement du même réal. Non, tu triches, tu nous as dit un, et t'en prends deux. Eh ben, vous en rajoutez. Très rare aussi, si vous voulez. Et le gourmand. Toujours. C'est ça. Dans n'importe quelle situation. Alors, Tandem et Le mari de la coiffeuse. Oui, c'est vrai, Tandem, oui. Voilà. Et bon aussi, oui. Dans Tandem, parce qu'il arrive à jouer un personnage qui devrait être détestable, mais qui l'est pas, parce que c'est Rochefort et qui joue ça super bien. Et Le mari de la coiffeuse, ben, on va parler de comédie romantique tout à l'heure, là c'est plus un drame romantique. C'est juste une histoire d'amour entre une coiffeuse et du coup un homme qui a le fantasme des coiffeuses en fait. Et le fil, il se passe à peu près rien, c'est juste leur histoire d'amour, et ils s'aiment, ils se disputent pas, donc c'est très atypique dans le romantisme, parce qu'il n'y a pas l'aspect... Il n'y a pas d'enjeu quoi, limite. C'est ça, il n'y a pas de phase de drague, ils ont le coup de foudre, il n'y a pas de moment où ça descend, où ils se disputent ou un truc comme ça, c'est ils s'aiment, c'est tout, et c'est super beau. Et Rochefort est génial dedans. Voilà. Rochefort est génial dans tout ce qu'il a fait. Les interviews de Rochefort, c'est... Mais oui, c'est... Et puis Rochefort, c'est aussi Winnie l'ourson, pour les plus vieux. Oui, tout à fait. Pour les plus vieux, c'est Winnie l'ourson aussi. Et c'est le narrateur de Winnie l'ourson. Bah, pour les plus jeunes, c'est Les Boloss des Belles Lettres. Ça allait pas bien loin, mais c'était rigolo. Il y a le château de ma mère. Ouais. Où il avait... Où il était Robert, un excentrique. où il était un excentrique accro à l'absinthe. Tant qu'on y est, il y a le Grand Blond et le retour du Grand Blond. Ah oui. Yves Robert encore. Décidément, Yves Robert. Avec un autre vieux qui est très très bon aussi d'ailleurs. Oui, et lui aussi, ça fera quelque chose. Quand il va falloir s'y préparer un jour. Et puis lui aussi, je pense qu'il dirait sur la fin, malheureusement. Mm. Ah bah là, ça nous en fait quelques-uns quand même, hein, en peu de temps là. Bah, on perd toute une génération en fait. Une autre news? Oui, alors on va passer à des trucs moins tristes. Alors c'est quoi le prochain film de Kev Adams? Vas-y. Non, ça j'ai pas. Je crois que c'est la 2 ou Serial Lover. D'ailleurs, il y a un film comme ça dans le Kev Adams Verse là, qui va sortir. Le Kev Adams Verse. C'est Cendrillon, un truc comme ça. Oui, c'est ça, Cendrillon. Il joue pas dedans et il paraît que c'est nul à chier. Mais c'est dans l'univers. Voilà, c'est le Kev Adams Verse. Voilà. Et il paraît que c'est catastrophique. Si tu veux, on ira le voir. Est-ce qu'ils vont faire un Avengers, mais façon Kev Adams, avec Aladdin et Cendrillon et machin et truc. C'est une catastrophe. Donc non, c'est sur un film qui sera probablement meilleur, enfin j'espère, qui s'appellera Phantom Thread. C'est le prochain film de Paul Thomas Anderson. Mmh. Et ce sera le dernier rôle au cinéma, d'après ce qu'il a annoncé, de Daniel Day-Lewis, qui après prendra sa retraite. Daniel Day-Lewis, je vois pas. There Will Be Blood, c'est lui qui jouait le moustachu de There Will Be Blood. Bah, le rôle principal. Le rôle principal. D'accord, j'ai pas vu. si t'as vu le Lincoln de Spielberg, c'est lui qui jouait Lincoln. Ah oui, d'accord. J'ai vu. J'ai vu Abraham Lincoln, chasseur de vampires. C'était pas Daniel Day-Lewis. Mais il faut voir Zero Will Be Blood. Il faut aussi voir le film que j'ai dit. Hein. Il est bien aussi. J'ai trouvé ça marrant. Ouais. Il est génial. Ah oui, c'est rigolo. Il est pas parfait, mais génial. J'ai pas jusque là, mais c'était marrant. Donc c'est un acteur qui a toujours très très attentivement choisi ses rôles. Donc il a une carrière qui doit contenir peut-être une cinquantaine de films maximum, si ce n'est moins. Il en fait un par an, des fois il en fait pas, parce qu'il fait très mal, attention à ce qu'il choisit. C'est moins que beaucoup d'acteurs en fait. Et très souvent c'est des grands films quand même. Ouais, mais je veux dire, si c'est que de la qualité tout le temps. Voilà, bah, il fait très attention à ses choix de films. Ouais. Et puis 50 films, ça fait déjà une belle carrière. Hein, Et apparemment, le film se passera dans le Londres des années 50 et suivra un couturier, Reynold Woodcock, qui fréquente beaucoup les grands milieux, donc le cinéma, les milieux royaux, enfin voilà, les milieux très riches. Les mondains. Et il croisera une jeune fille qui va devenir sa nouvelle muse, sa nouvelle obsession et sa nouvelle amante, et ça va foutre en l'air son univers et sa tranquillité en tant qu'artiste. Voilà, on n'en sait pas plus pour le moment. Il y a une bande-annonce qui est arrivée, elle est très belle, je vous conseille de regarder. Donc j'attends avec pas mal de curiosité, ça sort en France le 14 février 2018. C'est ça. Monte dans la voiture, Marty. Voilà, alors ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas du tout aimé les deux précédents, P.T. Anderson. J'ai trouvé The Master horrible. J'ai pas vu. Celui d'après, Inherent Vice, c'est très bien pendant 2 heures. La dernière demi-heure, on a l'impression qu'il ne savait pas comment finir. qui s'est dit on va torcher un truc, ça devient ignoble, ça gâche tout le film. Donc je suis un peu inquiet à cause de ça, mais bon. À voir. C'est ça. Rien à en dire ? Non. Non. Ah, bah, non. Bien, en fait, c'est du Thomas Anderson, donc j'adore quand même. Oui. Cinéma un peu moins d'auteur. Vous vous rappelez de Jumeaux de Ivan Reitman avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito ? Ouais. Non, je crois que j'ai échappé à ça. Ah, oh, c'était c'est marrant. Pas si mauvais que ça. C'était marrant. C'est une petite. Tu sais, quand t'as Danny DeVito qui va voir Schwarzenegger et qui dit oh les jumeaux ! Déjà, tu. T'as un moment de. Ok. Ouais, ça a l'air bien. Et donc, depuis quelques années, il y avait une rumeur qui circulait sur Triplé. Oh non. Oh non. Non, là, par contre, non. Et donc là, j'ai une citation de Schwarzenegger. Avec Michael Jordan. C'est vrai en plus. Hein. Quoi ? Bah, je sais plus si c'est Michael Jordan, mais c'était. C'est quoi cette connerie ? L'acteur évoqué pour jouer le troisième triplé, c'était effectivement un noir. Voilà. C'est... Un afro-américain. Un afro-américain, pardon. Soyons politiquement corrects. C'est ça. Et donc, j'ai le résumé. J'ai discuté hier. Enfin, j'ai une citation de Schwarzenegger, pardon. J'ai discuté hier avec mon agent et il m'a dit que le script serait fini d'ici 15 jours. Ivan Reitman est extrêmement satisfait de ce qu'il a vu jusqu'ici. Il veut seulement procéder à quelques modifications, ce qui me ravit. Je pense que nous pourrons tourner le film dès le début de l'année prochaine. Tout le monde est content de faire ce film, donc on aura bien triplé, messieurs. Pourquoi pas ? Dans les infos loufoques, j'en rajouterai une, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu que ça parlait beaucoup d'un film ou d'une animation Dora l'exploratrice. Oui, hein, mais... Voilà. C'est produit par Michael Bay. Michael Bay va le faire. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, il y avait déjà eu une vidéo humoristique qui imaginait ce que donnerait un film d'action avec Dora, mais en mode bien bourrin, avec des explosions, des insultes et tout ça. Faites par le site Collège Humour. Voilà, et Collège Humour avait fait quelque chose de super là-dessus. Et là... Bah, d'ici qu'on nous annonce que ce sera Megan Fox dans le rôle de Dora. Ouais. Ah non, mais... non, faut arrêter. Un crossover avec les Transformers après. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que. Alors, ce sera un film live, effectivement, pas un film d'animation. Ah la vache. Et ce que j'ai hâte de voir, c'est si elle fera comme dans la série, si elle pètera le silence de 10 secondes au milieu de la salle. Vite ! Les acteurs immobiles, ça te regarde comme ça, là. Une expérience hyper traumatisante. Vite, il faut poursuivre le méchant avant qu'il parte. Les enfants, où est le méchant? Mais putain, attrape! Oh la vache. Ça, je pense que si ça sort, j'irai le voir dans une séance où je serai sûr qu'il y ait plein d'enfants dans la salle. Je pense que l'expérience peut être ma plus belle expérience de cinéma depuis Star 80 à l'avant-première. Mais... Ça va être malaisant, ils vont choisir une super belle actrice et tout. Fin... Bah, on verra bien. Hein. Elle a quel âge, Dora? Disons qu'il y a un risque de whitewashing. Ça, c'est. Ouais, déjà. Oui, parce que à la base, elle est pas. Ans, quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment. Si... Techniquement, s'il respecte l'âge. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire un débat sur Dora l'exploratrice, là ? Ouais. C'est peut-être la masterpiece du 21e. Personnellement, j'attends plutôt triplé. Ah, je suis sûr qu'en secret, t'attends Pacific Rim 2. On passe à mieux parce que une autre star de film d'action des années 80-90. Oui, c'est vieux, mais. Il y a un épisode qui a été fait il y a deux ans déjà. Oui, mais c'était un pilote. Et maintenant, il va y avoir toute la série. Oui, bah enfin. Arrêtez de parler entre vous, là, dites. Depuis le temps que je l'attends. C'est lui qui me coupe la parole. Faites péter. Oh putain. Effectivement, il y a un moment. Ce podcast part en couille. Il y a eu un. J'en ai marre, je me casse. Bah si c'est ça, je me barre. Il y avait eu sur Amazon... Elles sont pourries, tes news. Mais tu vas la dire, ta news. Oh, maintenant, on en retire. Il y avait eu le pilote d'une potentielle série télé appelée Jean-Claude Van Johnson, avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle principal. Okay. Le pitch, c'est bah, Jean-Claude Van Damme se serait joué lui-même, plus c'est ou ça. Moins. Mais l'histoire aurait été, en réalité, il aurait été un agent secret qui tourne dans des films d'action pour pouvoir s'infiltrer en fait dans les différents pays où il doit aller. Il y a eu un épisode pilote et apparemment ça a plu. Et le pilote était à mourir de rire. Ah, c'était très il était à mourir de rire. Mais... Ça a l'air tellement d'ailleurs comme idée que ça m'intéresse parce qu'il y a Jean-Claude Van Damme. Il y a Van Damme. Voilà, il y a Van Damme. Ça suffit à vouloir le voir. L'eau, c'est la vie. Mais oui, le pilote a été fait il y a déjà plusieurs années maintenant. Mais du coup, on n'avait plus vraiment de nouvelles. Et maintenant, c'est sûr, il y a une série. Parce que Amazon met du temps. C'est Amazon qui va la faire. C'est une série Amazon, ouais. Après, les séries Amazon que j'ai vues étaient plutôt pas mal. Donc. The Iron Man in the Castle, je crois, c'était Amazon ça. Le maître du château, c'est Amazon. Pas regardé. Moi je pensais notamment à Tokyo Vampire Hotel, voilà, qui est une excellente série faite par Amazon. Ah, ouais. Et par Sonocean surtout, produite par Amazon et Sonocean qui fait. Oh là, mais tu voilà. American Gods, je crois que c'était Amazon. Non, c'est une série AMC mais qui est distribuée par Amazon dans les pays européens. Okay. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Moi aussi, c'est un truc que j'attends du coup, parce que oui, Van Damme, il y a tellement un capital sympathie chez cet acteur. Ah oui, j'adore cet acteur. C'est extraordinaire, Van Damme. De toute façon, ça va être un ovni ce truc. On va tous le regarder. Complètement, hein. Oui. Il y avait déjà eu JCVD un peu dans le style de Van Damme qui joue lui-même et qui était très bien. C'était un très très bon film, JCVD. Tu prends l'une des pires boosts de Van Damme, Street Fighter, le film, même dans ce film-là, Van Damme, tu sens qu'il fait des efforts pour jouer son rôle quand même. Une des pires boosts de Van Damme, on reparle de Double Team ou... Ah, je l'ai pas vu celui-là. J'en parle bientôt dans l'archiviste du cinéma. Voilà. Ouais. Restez connectés, restez informés. Ah bah si tu veux voir Van Damme avec un basketteur aux cheveux verts, Double Team quoi. Ok. Mmh. Mais c'est bien dans celui-là où, oui, c'est où il est accompagné de je sais plus quel basketteur de la NBA. Dennis Rodman. Dennis Rodman, ouais. Qui avait une superbe teinture verte. Et il change de teinture plusieurs fois pendant le film. c'est dégueulasse. Si c'est pas entre deux scènes, ça me va. Allez, bah, dernière news. Faux raccord. Et dernière news. Putain, on y arrive enfin. En fait, c'est un podcast news. Ouais. Le mois dernier, on avait terminé avec un projet improbable de nanar avec Nicolas Cage. Cette fois-ci, c'est un projet improbable de nanar sans Nicolas Cage. Ça s'appellera Snake Outta Compton. Je vous lis le résumé tel qu'il a été donné. Hein. Un jeune groupe de rappeurs se retrouve face à un serpent mutant géant qui menace d'interrompre leur quête de célébrité. Point d'exclamation. Aidé par deux flics pourris, un gangster taré et un savant fou, le groupe n'a plus qu'une chose à faire avant de signer le contrat dont ils ont besoin. Et je précise que je suis toujours en train de citer là. Virez cet enculé de sa mère de serpent hors de Compton. Préparez-vous à des beats de malade, Des beats. Bah oui. Même t'as dit des beats. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai dit des beats. À des beats de malade, des tirs inamicaux et le plus gros vicieux serpent que vous n'ayez jamais vu dans cette satire choquante. Des films de monstres, des films de gangsters et de la culture hip-hop. Alors ça, c'était un résumé d'un épisode de South Park. Alors, tu t'es trompé. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, je dirais Camoulox. Mais donc ça va se faire. En plus, ils ont rip le titre de l'album de NWA. Là, c'est... Ah bah, c'est tout à fait volontaire. C'est vraiment des enculés. Hein. Donc voilà la dernière news, le film qu'on attend tous avec impatience, j'en suis certain. Merci pour cette news extraordinaire. Fait par la compagnie Automatic Pictures, qui est une sorte d'Asylum en moins connu. Ouais, je pense qu'à la place... Ah oui, c'est la relève d'Asylum même. Mmh. Je pense qu'à la place, je vais quand même regarder Pacific Rim 2. Non. Non. On va bien avoir Atlantic Rim 2 aussi. On va on va se laver les yeux à l'eau de Javel plutôt. Je regrette de l'avoir vu cette bande-annonce. J'ai toujours pas vu le premier Atlantic Rim. Mais en fait, si je l'avais pas vu, je serais allé voir le film, donc je me dis que c'est un mal pour un bien. Et donc tu aurais vomi. Ouais, c'est ça. Je parie que t'as les yeux. En plus, j'aurais payé pour ça. Je parie que t'as vomi devant la bande-annonce. Ah ben oui, j'ai saigné les oreilles, saigné les yeux. On n'a pas envie de savoir par où tu saignes d'os. D'accord. Peut-être dans un autre podcast, on en parlera. Voilà, c'est ça. Alors. Dans le podcast des maladies intestinales. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus malade? Maladie intestinale podcast. Pacific Rim. C'est ça. Bon, et si on attaquait le cœur de cette émission et qu'on parlait comédie romantique? Oh, le cœur, comédie romantique, c'est joli. Ah putain, j'avais même pas cité. Ah, t'es mignon quand il... J'adore mignon quand tu fais des métaphores. Ah, t'as des moments de génie des fois. Ah, je vous aime les amis. Mais c'est très rare, hein. Ça a été enregistré. Hein, mais ça mérite d'être souligné. C'est ta gueule, toi. Ça a été enregistré, mais c'est toujours coupable au montage. Hein. Ouais. Ah ouais, il y a que quand on te fait des compliments à toi que c'est pas coupé. Hein. Bah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que l'émission fera une dizaine de secondes. Hein, c'est pour ça que d'habitude, c'est moi qui les monte tout le temps. En fait, nous, on a l'air pourri à côté de lui, mais on dit des trucs très bien, mais il les coupe. Mais sauf quand c'est moi qui monte l'émission. Ah, ouais. Là, il dit que de la merde. Mais dans ce cas-là, c'est des trucs intelligents. Ah non, dans ce cas-là, c'est toi qui coupes nos trucs à nous. En fait, ils sont ligués tous les deux contre nous. Parce qu'on monte pas les trucs. Ah bah mets-toi au montage. Ah mais vous avez le droit si vous voulez. Comme ça on aura chacun nos armes. Toi tu monteras le podcast sur la vésicule biliaire. Un vaste sujet. Bientôt dans vos oreilles. Dans vos oreilles. Bon, du coup pour ce podcast, en fait un podcast recommandation tout simplement, on a chacun sélectionné 3 films. On va essayer de vous en faire les éloges. Alors il y a des films sur lesquels on risque de pas être d'accord forcément. D'autres sur lesquels on va tous être d'accord. Ah, moi, dans comédie romantique, je suis un peu sceptique face à la présence de Freddy, déjà. Bah moi, tu vois, c'est plutôt Gorge Profonde qui me fait poser des questions, mais bon. Non, c'est Gorge Profonde, c'est une histoire d'amour. C'est une glotte et C'est la recherche du désir. Entre une glotte et un gland. Exactement. Mais le pire, c'est que Gorge Profonde a fait beaucoup pour le cinéma pornographique. Oui, mais oui. Hein. Mais là n'est pas le sujet. Majeur. Moi, c'est la liste de Schindler, j'ai pas compris. Oh bah moi je me suis marré. Oh entre parenthèses, la petite fille en rouge. Alors là. Oh la vache. Vous êtes très sale. Non, pourquoi ? Très sale. Alexandre. Et donc, quel est le premier film ? Eh ben, on va commencer. On va si tu nous écoutes. Ah, putain de merde. Ah, ce podcast déraille complètement. Dédicace pour toi. Ce podcast déraille complètement. On va commencer avec Pretty Woman, qui fait partie de mes recommandations à moi, qui est quand même un grand classique de la comédie romantique. Tout le monde l'a vu autour de cette table ? Bah, c'est ça qui est génial, c'est un des films que tout le monde a vu quasiment. Oui, de toute façon, tu échappes pas. Hein. Pretty Woman. En général, quand tu parles de comédie romantique, c'est Pretty Woman. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film, ils connaissent la musique. Au moins. Oui, au moins. Réalisé par Gary Marshall, et donc avec Richard Gere et Julia Roberts dans les rôles principaux, film de 1990. Sans toute ma sélection, c'est que des films des années 90. Est-ce que tu peux faire un résumé marrant du film ? Ah bah c'est simple, c'est un homme d'affaires qui est blindé de thunes, qui un jour se barre d'une soirée mondaine parce qu'il en a ras le cul, donc il se barre avec une belle bagnole qu'il a du mal à conduire, il se paume dans les rues de Beverly Hills, et il demande son chemin à une prostituée, qui du coup lui fait payer pour lui filer le bon chemin. Il l'embarque chez lui, et finalement elle lui demande de passer la nuit sans commettre aucun acte sexuel, bien entendu, parce qu'il est très gentil au début. Et au fur et à mesure, une petite histoire d'amour va commencer par les lier. Et c'est-à-dire qu'il est gentil au début, c'est-à-dire qu'après c'est un salaud, c'est ça ? Ah bah à la fin il la déglingue. À la fin, c'est elle qui le paye. À la fin, ça devient son slave. Oh putain. Non, alors le film est vraiment très propret. Vraiment, il est toujours propre sur soi. Propret ? Ouais, propret. Propret, ça existe. Oui, ça existe. Okay. C'est vraiment un film qui, à aucun moment, sombre dans la vulgarité ou quoi que ce soit. Mmh. C'est vraiment un film très, très soft. Et même dans son humour, en fait, c'est pas un humour qui fait exploser de rire. C'est un humour très posé. En fait, le truc, c'est que bien que ça soit un film ricain, ça se rapprocherait même plus d'un humour anglais, un humour très très propre, très très pincé sans rien. Bah, c'est entre l'humour, il y a de l'humour new-yorkais. C'est entre l'humour new-yorkais et l'humour anglais, quoi. C'est un truc entre deux. C'est moi, je le rapprocherais pas mal d'un truc comme Coup de foudre à Notting Hill. Il y a eu tout un courant des comédies romantiques à l'époque. Tout à fait. Effectivement, très proprette, très feel good. Mais ce que j'aime bien avec Pretty Woman et ce qui manque dans beaucoup de comédies romantiques, c'est que Jane Marshall, on sent qu'il aime Beverly Hills parce qu'il nous montre la ville, mais dans tous ses états, de jour, de nuit, on voit énormément d'endroits de Beverly Hills. Ça fait partie de ces films, comme un film qu'on va parler plus tard, un film signé Woody Allen. Woody Allen, lui aussi, il a cette passion de filmer les villes dans lesquelles ses histoires se passent. Bah, là, c'est pareil avec Pretty Woman. Enfin, en même temps, ça peut être bien pour l'équipe. Hey, les gars, on va passer plusieurs semaines à filmer dans Beverly Hills. Ouais, voilà, c'est... Attends, j'ai le générique de la série maintenant dans la tête. Alors moi, le truc avec Pretty Woman, c'est que la fameuse scène de shopping, maintenant, je ne peux plus la voir sans avoir... La musique en tête ? Non, mais je ne peux plus voir cette scène sans avoir sa parodie dans La Cité de la Peur en tête. Ah oui. Sans imaginer les trois cons en train de tester leur costume, voilà. Une bien belle parodie. Donc La Cité de la Peur, vous m'avez gâché, Pretty Woman. Et ce qui est tel, c'est Pretty Woman. Pretty Woman a tellement mis son empreinte que dans beaucoup de films romantiques sérieux, on va dire, on retrouve des clins d'œil à Pretty Woman. Ouais. Bah typiquement le montage shopping, on le retrouve dans beaucoup de comédies romantiques. Hein. Exactement, et des fois même avec la musique de Pretty Woman, comme ça au moins on est sûr que l'hommage est à 100% là. C'est ça. Non, et puis au-delà de l'histoire sympathique, il y a surtout ces deux acteurs, Richard Gere et Julia Roberts. Déjà Julia Roberts dans ces années-là, elle était juste magnifique. Mm-hmm. Et puis même Richard Gere, c'était la belle gueule de l'époque. C'est ça, voilà. C'était la belle gueule du cinéma américain de l'époque qui tournait. Il faisait quelques policiers, quelques thrillers, mais il a eu quand même sa grosse période comédie romantique. Bah, il a vu que ça marchait bien, donc. Bah, c'est ça. Ça lui a forgé sa carrière. Hein. Quelques années après, toujours par Gary Marshall, ils ont fait Just Married, qui est une autre comédie romantique, quand même beaucoup moins appréciable que Pretty Woman. Je sais pas si quelqu'un l'a vu autour de la table, Just Married. Ça me dit rien, c'est quoi le titre français ? C'est Just Married. D'accord, maintenant. Il n'a pas été traduit. Et Pretty Woman aussi, on retrouve des deux personnes qui cherchent à aussi lutter contre leur milieu. Oui, c'est vrai. Lui cherche complètement à quitter son milieu de playboy millionnaire, crois qu'il est millionnaire, un truc comme ça. Enfin, il a plein de thunes. Bah, il rachète des compagnies pour les revendre ensuite, quoi. Et elle, elle quitte complètement son image de prostituée pour devenir effectivement quelqu'un de normal, quoi. Et sa transformation est bien amenée, en fait, tout au long du film, avec la relation qu'elle entretient avec le propriétaire de l'hôtel, avec même les autres employés de l'hôtel, qui au début la voient du mauvais œil, genre, mais vous revenez plus ici après, hein. On va faire comme si vous étiez le neveu de monsieur, et puis. Comme si vous étiez la nièce de monsieur, et puis après on vous revoit plus jamais, et puis au final, à la fin du film, il lui dit, bah vous revenez quand vous voulez, quoi. La relation est très très bien amenée tout au long du film. Mais lui aussi, oui, c'est vrai que le film est pas mal consacré sur sa carrière, en fait. Il y a pas mal de passages où on le voit faire des affaires. Et donc oui, on comprend que lui aussi cherche à s'évader de son quotidien. Ouais, mais c'est un film plus intelligent qu'il n'y paraît. Ah oui, complètement, ouais. C'est pas qu'un film romantique. C'est un pilier du genre, hein, de toute façon. Complètement. C'est ça. Fait une référence. Bah, c'est pour ça que j'ai voulu en parler déjà, et c'est pour ça que ça paraissait logique de l'aborder en premier, en fait, tout simplement. Alors que pourtant, c'est pas le film le plus vieux de la liste. Non, mais c'est un des plus connus, l'un des plus vus. Donc, ça fait, c'est quand même pas loin de l'être, non? Bah, ça va être celui-là le plus vieux. Ouais. D'ailleurs, années 70. Ouais, effectivement, ouais. Je pense 77, qu'on a parlé de... celui-là. On va parler de beaucoup de trucs qui ne sont pas que romantiques en plus. Hein. Là, j'ai vu la liste, c'est. Voilà, déjà. Bah, romantique, si, quand même, pas juste comédie, tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont d'autres messages à apporter. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas juste une comédie romantique, c'est toujours mixé, il y a toujours quelque chose avec. Heureusement, parce que sinon, on se ferait chier. Bon. Oh merde. Ah bah ça devient relassant, quoi. Mais encore heureux, oui, que les comédies romantiques savent faire passer des messages par moment. Putain. Des fois, il y en a non, mais. En regrette. On dit, mais pourquoi j'ai regardé ça? Je ne sais pas à quoi tu penses. À certains films type Valentine's Days, par exemple, ou ce genre de trucs. Il y a toute une mode. Il y a eu toute une. Les films chorales. Des films choraux comme ça. On dit choraux ou chorale? Bah, un film choral. Chorale. Ouais, mais un des film chorale, je sais pas si on dit choraux. Parce que les films choraux, en fait, ce seraient des films qui seraient au fond de la mer. Et tout. Bon, avec des vagues de films chorales. Des films choraux. Et là, en plein milieu du film, tu vois un poisson qui passe. Un peu bizarre. Tu vois des algues. Donc, spéciaux pour les fêtes, il y a eu Valentine's Day, il y a eu Happy New Year, enfin, plein de saloperies de ce genre. Avec les mêmes affiches, bah, ils sont tous dans des petits carrés. Ouais, c'est ça. Avec Robert De Niro, donc quasiment tous. Oh, putain. Love Actually aussi, c'est peut-être l'un des tout premiers, même Love Actually. Ouais, hein, et c'est en dessous qui passe à peu près bien. Ouais, mais celui-là est plutôt correct, ouais. Et sinon, il y en a eu d'autres, des Paris Je T'aime, ce genre de choses, mais là, ouais, c'était plutôt ça. Centré sur l'amour de la ville en elle-même plutôt que les vraies comédies romantiques. Oui. Mais oui, il y a un moment, ils ont fait des. Et puis, il y en a plein qui n'arrivent pas en France, ils en ont eu pour toutes les fêtes, c'est insupportable. C'est vrai que des comédies romantiques sur Pâques, tu cherches le. Tu cherches le concept, quoi. Ouais, mais disons qu'il y en a par exemple beaucoup sur Thanksgiving, par exemple. Nous, on n'a pas. Ça nous touche pas. Parce que nous, on s'en fout, vraiment. Mais surtout qu'en plus, c'est des trucs qui ont des super bons acteurs au casting. Oui, Mais qui font n'importe quoi, qui sont là pour cachetonner et prendre. Bah, bien sûr, parce que je pense qu'au final, ça leur demande pas tant de tournage que ça, pour les acteurs, je parle. Oui. Parce qu'en général, vu que c'est que des scénettes, bah voilà, ça doit leur prendre 2-3 jours à être sur le tournage, puis basta, après ils se barrent. Mmh. Au pire, ils étaient déjà sur le studio d'à côté, voilà, c'est ils ça, arrivent. Au pire. Mais je me demande s'il en a pas fait, hein, le réalisateur de Pretty Woman, des trucs comme ça. Bah si, c'est lui. C'est lui, hein, qui a fait... Mais il me semble que c'est lui, là, c'est lui qui a fait... Ouais, et je crois que Valentine's Day, c'est peut-être lui aussi, Valentine's Day. Je vais vérifier, et... On mettra le jingle recherche. Le jingle recherche. Est-ce que tu veux nous le faire, Alex? Oui, non, mais il va falloir parler aussi en tout temps, parce que là, ça commence à devenir glauque, cette histoire. Moi, je suis en train d'imaginer ceux qui se disent « Ah tiens, un podcast sur le cinéma, c'est super !» et qui vont sélectionner aléatoirement un rôle qui va tomber là-dessus. Mais c'est de la merde. Il est pas mal, celui-là. Bon, tu fermes ta gueule. C'est, on a du budget, on a du budget. C'est la scène bruitée à la bouche. Ouais. La cité de la peur, pour y revenir. Non, mais pour conclure un petit peu sur Pretty Woman, je pense qu'on est tous d'accord pour le recommander. Oui. Ouais. Donc oui, Valentine's Day, c'est bien lui. Oh, je pense que tout le monde l'a vu. Et ce n'est pas lui qui a fait Love Actually, par contre, apparemment. Mais c'est bien Valentine's Day. Bah, tu sais, tout le monde l'a vu, on n'est pas à l'abri. Hein. Oui, il y aura toujours des cas, de toute façon. Voilà. Ah oui, ça, il y aura toujours des cas. Je le disais pas dans ce sens-là. Vous voyez comment on vous traite, cher auditeur. Bande d'incultes. Mais oui, donc Pretty Woman, un film à voir, tout le monde est d'accord? Ah, ouais. Carrément? Ouais. Donc on va passer du coup à un second film. C'est Alex qui va s'y coller avec le premier film de sa sélection. Ah, c'est moi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres Alex autour de cette table? Qui est Alex? Oui, non. Bon. Donc oui, je voulais parler de Cashback, un film de Sean Ellis avec Sean Biggerstaff, Emilia Fox, Stuart Goodwin, Sean Evans. Donc des petits acteurs un peu connus, mais pas non plus trop mainstream. C'est même le premier film du réalisateur. Donc. Ouais. C'est un film qui est pas trop connu, j'ai l'impression. Et surtout dans les festivals, etc., qu'il a été un peu repéré. Bah, autour de cette table, je crois qu'on est que deux à l'avoir vu, du coup, toi. Moi, je l'ai vu cet été, donc ça a été une découverte récente. Parce que ni Necro, ni Sam ne l'avaient vu. Non. Ah oui, non. Et l'histoire est assez classique, en fait, puisque c'est un étudiant qui est en rupture, tout simplement, et qui est un peu perdu dans sa vie, tout ça, et puis, il commence à être... comment on dit déjà ? Insomniaque, voilà. Oui. Et il va se trouver un boulot dans une espèce de supérette du coin qui est ouverte la nuit, puis il va lui arriver plusieurs choses, des petites péripéties comme ça, il va rencontrer une fille. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce film, c'est que la relation amoureuse, en fait, elle démarre pas dès le début du film. Elle arrive plutôt vers le milieu. Ouais. Le début du film s'intéresse beaucoup au personnage, en fait, au développement. À sa précédente rupture. Ouais, c'est ça. Alors, je saurais pas trop définir si c'est un peu de fantastique ou pas, le côté... Le côté, il obtient un pouvoir. Ouais. Il faut le dire, ça, quand même, qu'il obtient un pouvoir suite à ses insomnies répétées. En fait, le pouvoir d'arrêter le temps. Ouais, c'est pas précisé si c'est juste dans sa tête. Non, c'est vrai. Ou si c'est vrai. C'est vrai, puisque à la fin, il fait une expo avec les dessins qu'il a fait. Non, donc c'est vrai. Donc le pouvoir est réel. Donc il obtient le pouvoir d'arrêter le temps, en fait, quand il veut, suite à ses insomnies. C'est comme ça qu'on le comprend, quoi. C'est le côté qui rajoute un peu de poésie au film, en fait, tout simplement. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Toi, si j'ai bien compris, t'as pas du tout aimé. Alors moi, c'est un film que j'exècre. Bah vas-y, je t'en prie. Alors... c'est un film que j'aime pas. On va chercher pourquoi. Un kebab, Necro, pendant qu'il se tape dessus. Ah non, Alexandre et moi sommes des êtres très courtois, n'est-ce pas, enculé? Oh oui, non, mais. Je te laisserai t'exprimer, connard. Alors, alors, déjà, je trouve que les 15 premières minutes du film sont parfaites. Ouais. Tiens quand même à dire ça. Donc, qui traite uniquement son ancienne rupture. Là, on sent vraiment l'expérience du réal sur ça. On sent vraiment la tristesse d'avoir perdu un être cher. Enfin, perdu. Qu'un être cher nous ait quitté. Bah son incompréhension, en fait, il comprend pas trop. C'est ça. Il est un peu paumé, on dirait un petit enfant comme ça. C'est ça, tout ce passage-là du film est très très bien. Moi, c'est vraiment après que j'ai du mal. Donc là, attends, je résume ce que t'as dit. C'est la plus grosse qualité du réal, c'est de se faire larguer comme une merde. Il y a un peu de ça. Et en fait, après, alors, c'est personnel, la raison qui fait que je déteste ce film. Vas-y. Parce que pour moi, il y a un truc qui est très important dans la vie. Et ça s'appelle le consentement. Et le personnage oui, a les pouvoirs d'arrêter le temps. Moi aussi, ça m'a mis un peu de malaise. Et donc, ouais. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrête le temps? Il déshabille les nanas. Donc, sans leur demander leur avis. Ouais. Il les dessine, sans leur demander leur avis. Mm-hmm. Et à la fin, il expose ses dessins, sans demander leur avis aux nanas. Bah oui, mais enfin, à la fin, la personne dont il est amoureux, tout simplement, elle le quitte à cause de ça. Quand elle se rend compte qu'il l'a, entre guillemets, espionné, violé, quoi. Oui, mais elle revient quand il voit ses tableaux, quand il voit les dessins qu'il a fait d'elle dans la galerie. Il fallait une... Donc bien, elle revient, c'est un petit peu là, hein. Il fallait une fin un peu... Et puis, c'est aussi l'écriture des personnages féminins qui me dérange dans ce film, en fait. Parce que ce personnage-là, qui se fait engueuler par son patron dès qu'elle arrive un petit peu en retard, qui se fait mettre des mains au cul par son patron, bah, un personnage comme ça, tu l'écris pas comme allant à la fête d'anniversaire de son patron, ça colle pas, c'est complètement con. Là, c'est vraiment écrire un... Enfin, c'est... Quelle femme réagirait comme ça? Alors, si, ça peut être intéressant de l'écrire comme ça, mais de traiter le sujet, justement. Non, mais là, justement, il n'est pas du tout traité. C'est parce que sinon, ça aurait pu... Si ça avait un message derrière, ça aurait pu être vachement intéressant. Donc ouais, c'est un film que je trouve malaisant, en fait. Pour toutes ces raisons-là. J'irais pas dire qu'il est malaisant, parce qu'il y a quand même beaucoup de passages vachement rigolos, notamment avec son compère qui fait tout le temps des conneries, qui retrouve une ancienne copine, tu sais, quand il était petit. Lui est rigolo comme personnage. Lui, il est vachement rigolo. Et puis la scène au fond, aussi, qui est génial, je trouve. Ah non, par contre, là, cette scène. T'as pas du tout. Ah ouais, c'est la scène qui. C'est la scène qui m'a achevé. Hein, le match de foot interminable avec de l'humour pas drôle, non. Ah, moi j'ai bien rigolé. Qu'est-ce qu'il y a comme match de foot? Bah, ils font un match de foot entre sociétés. Ouais, c'est entre supermarchés. Voilà, en fait, ils font un match de foot et puis le patron il s'en prend plein la gueule. Ouais. Bon, bah après, voilà. Ça arrive. Ah oui, ça, on peut les pas avis être divergent. On peut pas être d'accord sur tous les films. Après, justement, vu qu'on a deux avis distincts, on peut quand même encourager les gens à essayer de le voir se faire leur propre avis eux-mêmes. Après, la réelle, je la trouve vachement sympa. Il y a des moments assez cool. Un moment où il tombe dans son lit, comme ça, il y a un effet vachement sympa. C'est dans les 15 premières minutes du film. Ouais. Et la fin aussi est jolie. Les 15 premières minutes, génial. La fin est jolie, je trouve. Ah, la fin est super classique. Oui, elle est classique, mais elle est belle. Elle est classique et cliché. Elle est classique, mais cliché belle. Ouais. C'est une belle fin. C'est un beau classique. Quoi. C'est une belle fois cliché. Mais, moi, c'est... Oui. Mais oui, je te rejoins sur le côté un peu malaisant. C'est vrai que moi, au départ aussi, ça m'a un peu rebuté. Quoi. Pourquoi quoi ? Surtout que, pour le coup, c'est le seul véritable... Bah, si il est vraiment dans la fascination, mais le problème, c'est que... C'est... Non, quoi, ça se fait pas. Ah oui, voilà. Ça se fait pas. Et en plus, il en fait que ça, de son pouvoir. Quoi. Mm. Si, il y a une scène rigolote, c'est quand il arrête le temps et que du coup, il fait n'importe quoi dans le supermarché. La scène où, à un moment, il y a ces deux bolosses de collègues là qui sont jamais marrants pendant tout le film, voilà, c'est dit. Qui, à ouais, un moment, ils sont dans la réserve, il y en a un qui balance une brique de lait sur l'autre, et c'est à ce moment-là où il coupe le temps, et donc du coup, patron, il va chercher le patron, il ramène le patron, il le fout devant la brique de lait. C'est lui qui se prend la gueule. Ça, c'est lui qui se prend le truc dans la gueule. Mm. Et il fait plein d'autres conneries dans le centre, dans la supérette. Ça, cette scène-là est plutôt rigolote. Mais c'est vraiment la seule scène, pour le coup, qui m'a fait rire. Mm. Après, c'est tout comme Pretty Woman, c'est pas un humour, enfin, le film se veut pas comme étant une comédie complètement barjot. Ah non, pas du tout. C'est un humour très posé, voilà. C'est un humour à la limite de l'absurde. Ouais, mais de toute façon, on peut pas en dire plus. Hein. C'est ça. Après, oui, c'est un film à essayer de voir quand même, histoire de se faire son propre avis. Mais c'est bien, au moins, on a donné les deux visions, je pense, du film qui existe. Hein, toute façon. Ouais, c'est ça. Bah, typiquement, je pense que c'est un film que tu peux soit aimer, soit pas aimer. Clairement, ouais. Je pense pas que ça soit un film que tu puisses qualifier de moyen, sans plus. Non, c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mm. Ça fait partie de cette catégorie de films qui, voilà, t'es obligé de trancher. Enfin, voilà, pour moi, c'était une jolie découverte cet été. Bon, bah, pour toi, malheureusement. Voilà. Ça a pas marché. C'est ça. Mais bon, on va pas se lamenter. Hein. Oui, bon. On a d'autres bons films en commun. C'est ça. Qui veut prendre la suite ? Ok. Ça se bat ici ? Ah non, je bats même pas. C'est faire un duel de regard. Et ça passera super bien à l'audio. On est pas dans les Lascars. C'est énorme, mais je tenais juste à dire. La baston de regard. Le mélange romantisme et temps figé, ça me rappelle cette très belle scène dans Big Fish. Ah oui. Ah, quand le temps s'arrête. Quand le temps s'arrête, elle est magnifique cette scène-là. Oui, enfin, le cashback est pas aussi beau quand même. Oui, non, mais c'est, c'est juste un petit. Oui, oui. Petit j'ai envie de te dire, Big Fish est un film magnifique. Ouais. Oui, voilà. C'est, mais je suis pas objectif avec Burton. Moi non plus. Ni avec Danny Elfman. Mais Big Fish, il y a beaucoup de personnes. Hein. Enfin, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas plus que ça aimé Big Fish. Hein, mais moi, ça fait peut-être partie de mes Burton préférés. C'est le film où Burton commence à se ranger, donc je comprends qu'il est. Et pourtant, il y a énormément d'idées très burtoniennes dedans. Mais qu'est-ce qu'il pourrait reprocher à Big Fish ? La lenteur, l'aspect très contemplatif, le scénario cucu. Il y a plein de trucs que tu pourrais reprocher à Big Fish. Hein. À côté de ça, en fait, Big Fish, il y a réellement une inversion, je trouve, au niveau de Burton. C'est-à-dire avant, enfin, à deux niveaux. Déjà, avant, il se plaçait plutôt du point de vue des fils dans ses films. Big Fish, il passe du côté des pères. Ouais. Et il y a le fait que c'est le premier Burton où le rêve des personnages principaux, c'est d'avoir une vie parfaitement normale. Mm. C'est les personnages veulent se ranger. Et effectivement, c'est à partir de là que Burton a commencé cinématographiquement à se ranger. C'est peut-être son film le plus adulte, entre guillemets, en fait. Ouais, peut-être. Il serait pas aussi vieux. Avec Big Eyes. Tu sais, il aurait pas été aussi âgé en le réalisant. On pourrait dire que c'est son film de la maturité, quoi. Mm. C'est l'expression ultra cliché. C'est là cliché. Où il est passé de l'enfant à l'âge adulte. Bah, c'est le film qu'il a fait juste après la mort de son père, donc je pense que. Ça a dû jouer, ouais. Mais voilà, après, beaucoup. En fait, ceux qui reprochent des trucs à Big Fish, dans l'ensemble, c'est surtout qu'ils reprochent ce qui est venu après Big Fish. Ouais. Après, moi, je continue à adorer Burton, donc. Mais encore une fois, pas objectivement. Mais Big Fish, c'est un des films qui me fait chialer vers la fin. Ah oui, mais moi tout le temps. Je peux pas voir cette scène-là sans voir. Ah ! Donc, du coup, je regarde plus la scène en entier. C'est-à-dire que je fais une coupure maintenant. C'est-à-dire que je fais une pause. Stop ! Je vais en griller une, je reviens. Voilà, maintenant je regarde la suite. Parce que sinon, c'est pas possible. Puis encore une fois, la musique est magnifique, mmh. Big Fish. Ouais. C'était Danny Elfman qui avait fait Big Fish. Ouais. Bah, de toute façon, c'est pas dur. Burton, il y en a trois où c'est pas Elfman. C'est Ed Wood, Sweeney Todd et Peregrine. Alors, sinon. Le joli aparté. On va parler d'un magnifique film, donc. Hop, Soleil Vert. Alors. Une bonne comédie romantique où le héros va jusqu'à manger sa compagne. Il va jusqu'à manger sa compagne pour. Un daltonien. Non, on va parler de Prête-moi ta main. Donc, film c'est français. C'est sur des lépreux. Moi, je t'en fous, je me bats. Je suis plus là. Je pars vraiment! Hein. Oh putain! Oh la vache! Pas mal! Oh la vache! Oh le con! Vas-y, je t'en prie! Ah, là, là. Après la connerie que t'as dit, tu peux lui en prier! Oui. Allez, essaye de rattraper tout ça, vas-y! Donc, prête-moi ta main, donc un film d'Éric Lartigot que je ne connais pas du tout pour d'autres. Alors, bah, tu vois, j'ai fait des recherches, il a réalisé plein de trucs que j'aime. Déjà, il a réalisé Mais qui a tué Pamela Rose? Ah oui, d'accord. Un ticket pour l'espace et surtout l'homme qui voulait vivre sa vie, qui est un thriller génial avec Romain Duris. Mmh. Eh ben, c'est super cool. Donc en fait, c'est plus un artisan qu'autre chose, l'Artigo, mais c'est un très bon artisan. Pas du tout aimé contre un ticket dans l'espace. Un ticket pour l'espace, c'est pas un truc avec. Cadet Olivier. Si, ah, Cadet Olivier, ouais. Bah, comme qui a tué Pamela Rose. Voilà. Celui-là a bien aimé prendre Pamela Rose. Moi, j'aime bien. Un humour très absurde, mais plutôt sympa. Mais ticket pour l'espace, non, j'ai pas du tout. Je préfère le 2 d'ailleurs, le Pamela Rose. Ah, j'ai pas vu. Mais sinon, du coup, les acteurs de noms principaux, c'est Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Mmh. Donc, surtout centré sur Alain Chabat, parce que c'est lui qui vit une situation de merde au début, puis qui se retrouve dans un... Au niveau familial, il se retrouve dans une situation de matriarcat total, avec... en fait, il a juste sa mère... Je sais plus si c'est la grand-mère qui gère le truc. C'est la grand-mère, c'est la grand-mère, la mère, il y a tout non, ses non, c'est, la... c'est sa mère. Non, c'est sa mère. C'est sa mère. Ah, oui. Donc, il y a la mère... Et il y a les tantes éventuellement, les... Surtout les sœurs, les cinq sœurs. Enfin, ouais. Il est le seul mec et c'est la mère qui gère la famille. Et bah, vu qu'il est seul mec, bah, ses avis ne comptent pas du tout. Et ils ont décidé, elles ont décidé qu'il fallait qu'il se marie. Qu'il était grand temps qu'il se marie. Voilà. Sachant que c'est un peu un... Enfin, il vit un peu à leurs dépenses. C'est ses sœurs qui font sa lessive et compagnie. Ah, donc c'est aussi pour ça qu'elle se rebelle. Il est complètement assisté par... Voilà, c'est complètement assisté par elle. Et du coup, ben, il décide de leur faire un petit coup... Attention à ce que tu dis là. Comment ça? Précise ta pensée. Une petite entourloupe de façon à... Alors, bah, une petite pipe, voyons. Ah, une petite entourloupe, mais voyons. Il va pas faire une pipe à sa mère. Entre frères et sœurs, ouais. Mais on va quand même parler de prostitution. Ceci n'est pas une pipe. Donc, il va payer une femme pour faire croire qu'il sort avec quelqu'un. Voilà. Et l'idée, c'est de faire une rupture absolument tragique pour lui, de façon à ce qu'il puisse dire aux autres « Après une rupture comme ça, je ne pourrai plus jamais aimer une autre femme » et qu'on lui foute la paix. Sauf que bah, cette femme-là plaît à la famille, ce qui fait que la famille se range du côté de cette femme-là, en disant « Faut absolument que tu te remettes avec et tout, elle nous manque terriblement, en plus elle était super bien, elle était géniale. » Et du coup, il se retrouve dans la merde parce que... Elle a trop bien joué son rôle. Elle a trop bien joué son rôle et du coup, il doit se remettre avec s'il veut faire plaisir à la famille. Donc il faut qu'il essaye de dégoûter la famille. Et ce film, bah, je l'ai trouvé très bien. Ah, c'est un film plutôt drôle, plutôt réussi. Hein. Ah, il y a des scènes dedans en plus, on s'y attend pas, on les voit pas arriver. Qui doivent beaucoup à ces deux personnages, ces deux acteurs principaux. Hein, il faut oui, le dire. Pour moi, ça repose quasiment entièrement là-dessus. Comme ah, film, oui, oui, hein. Oui. Si Chabat et Gainsbourg n'étaient pas là. Bah, surtout plus, Gainsbourg fille. Hein. Oui, bien sûr. Gainsbourg fille, hein, pas le fumeur de. Et puis, oui, Chabat. Il y a une scène, et je pense que tu sais laquelle, de laquelle je vais parler, où j'imaginais pas Charlotte Gainsbourg dans ce genre de truc. Non, j'imaginais plus Serge Gainsbourg, justement, oui. Dans ce genre de truc. Chabat, je l'imaginais parfaitement là-dedans, parce que j'ai déjà vu faire des conneries dans les années 90 sans problème, mais alors là, non. Voilà. Ceci dit, Charlotte Gainsbourg, faut pas oublier qu'elle joue pour Lars von Trier, hein, régulièrement. Oui, donc, oui, oui. Elle s'était fritée avec avant, et puis après, elle a joué pour Lars von Trier pour Nymphomaniac, ouais. Dès le début, je crois. Elle avait pas joué avant. Elle avait joué dans Antichrist avant. D'accord. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, elle était dans Antéchrist. J'avais complètement oublié. Elle s'était fritée avec pour un terme qui était. J'ai l'impression que Van Trier s'est frité avec beaucoup de monde. Oui, je crois qu'il aime bien se friter avec tout le monde. Je crois qu'il aime bien chercher la polémique, des fois, Van Trier. Oh bah, carrément. Oui. Ah oui, tout à fait, il vit par ça. Hein. C'est bizarre, Nymphomaniac, quand même. Je veux dire, rien qu'avoir choisi Björk pour un de ses films, avec Björk qui disait « Ouais, je m'en fous de votre interview, foutez-moi la paix », j'ai trouvé ça génial. Et donc, bah, j'ai pas grand-chose à dire à part regardez-le, ce film est juste à voir, parce qu'on peut pas, je peux pas teaser plus que ça, je peux pas trop parler. C'est bien filmé, c'est assez bien rythmé, on s'emmerde pas vraiment. Ah non, ça fait son office de voilà. Comédie romantique, ça passe vraiment bien le temps, c'est bien foutu. Bah, il y a des bons acteurs. Voilà. Ouais. Voilà, prenez du popcorn et préparez-vous à rire deux trois fois, quoi. On l'a tous vu sur cette table, en fait, ou... Moi, j'ai vu il y a longtemps, parce que j'ai quelques bribes qui me viennent à l'esprit. D'accord. Bah, moi, je l'ai revu il y a 2-3 jours. Pour. Ouais, vu que je savais que t'allais parler. Pour les révisions de ce podcast, c'est ça. Il faudrait que je le revoie. Ouais. Et que moi qui bosse pas en regardant tous les trucs que les autres m'ont proposé. Oui. Ah, là, c'est tombé sur la mauvaise période, je bossais pour une fois. Ah, est-ce que t'as revu que celui-là? Ouais, j'ai eu le temps de revoir que celui-là. En fait, je suis le seul à avoir bossé sur ce podcast-là. Et écoute, je suis désolé, j'avais un travail. Et alors? Il y a une femme, des enfants. Je travaille dans un hôtel. Son hôtel. Ah oui, c'est vrai. C'est son hôtel. C'est le sien. J'ai vu passer les collègues de Julia Roberts au début de Pretty Woman. Ah la vache. Ouais. Ah la vache. Ils t'ont apporté des coraux ou... Comment ça se passe? Et puis je travaille sur une émission sérieuse aussi. Ouais. À côté de ça. Tu nous parlais de travailler avec Edmouna d'ailleurs tout à l'heure. Oui, bah une émission sérieuse, c'est ce que je disais. Voilà. Bon, perds pas la parole et passe à ta recommandation, parce que je pense qu'on a fait le tour pour Prête-moi ta main. Ah oui, tout à fait. Alors maintenant, je voulais savoir qui reprend le flambeau. Bah, ce cher Issam, bah, bien entendu. Ouais. Ah, en fait, on va faire une boucle. Moi, je vais commencer sur un film qui est vieux, c'est le plus vieux de la sélection. 1977, il me semble. C'est ça, c'est 77. C'est ça, t'as vérifié. Et je trouve... je pouvais pas parler de comédie romantique sans parler de Woody Allen. J'ai hésité entre plusieurs et j'ai choisi finalement un de ses grands classiques, Annie Hall, donc réalisé en 1977. L'histoire d'amour, alors un peu déconstruite dans la narration, entre une femme un peu fantasque, un peu paumée, appelée Annie Hall, et le personnage de Woody Allen, qui est, comme tous les personnages de Woody Allen, un artiste sous psychothérapie, obsédé par la question juive et par son rapport avec les femmes. Ça, c'est un film qui a poser le style de Woody Allen, en fait, parce qu'avant, il faisait des comédies plus absurdes, souvent au scénario un peu plus... un peu plus flou, c'était plus des films à sketch, quasiment. Mais on retrouve quand même encore le côté absurde des films à sketch dans celui-là. C'est ça. Ben, on le retrouve... Ça commence à s'éloigner, mais on le retrouve quand même. Mais c'est là qu'il commence à poser plein de blagues sur Freud, plein de blagues sur le judaïsme, et surtout la ville de New York... qui, peut-être pour la première fois chez lui, est vraiment très mise en avant dans ce film-là. Ça ira encore plus loin quelques années plus tard avec Manhattan. Mm. C'est là qu'il s'impose en tant que réalisateur, et pas juste en tant qu'acteur et que scénariste de talent, parce que la réalisation est super classe, ça tente plein de trucs. Ah oui, là, la caméra vit, la caméra bouge avec les personnages dans celui-là. C'est ça, et moi, c'est un film qui me fait mourir de rire. C'est... la scène où ils discutent de trucs banals avec Annie Hall et que c'est sous-titré avec les pensées qu'ils ont dans leur tête, et qu'ils pensent qu'au cul tous les deux, je trouve cette scène hilarante. Ou la scène où ils montent en bagnole avec elle qu'elle conduit comme une ouf. Elle conduit n'importe comment, lui il est là à côté. Vous n'allez pas un petit peu trop vite là? C'est. Voilà, avec aussi une petite réflexion sur la nature des relations humaines, parce que finalement c'est un peu ça la conclusion du film. Et beaucoup. Enfin, ouais. Pour moi, c'est peut-être l'une des premières œuvres, que ce soit cinéma, série télé ou quoi, qui met en avant les relations toxiques. C'est ça. Parce que clairement, elle vit une relation toxique avec lui. Bah, un peu dans les deux sens, parce qu'elle, elle est bizarre aussi. Hein. Oui, mais c'est quand même plus lui qui est vraiment, qui est vraiment possessif, imbu de lui-même. Elle est plus gentillette, quoi, comparée à lui. Mais oui, c'est clairement un film sur les relations toxiques. C'est rigolo parce que Manhattan, c'est presque l'inverse, du coup. Pour le coup, Manhattan, c'est vraiment l'amour pur, quoi. Bah, et puis, la relation est plus toxique dans l'autre sens. Oui, c'est plus, ça va, toi. Oui, elle... Oui, dites-le tout de suite que ça vous intéresse pas, hein. Non, je le vois qui baille. C'est parce que vous n'aimez pas les réalisateurs juifs, c'est ça. Alors, c'est pas du tout ça. C'est un amalgame absolument déplorable. Non, on n'aime pas les réalisateurs pédophiles. Aussi, oui. Bref, voilà, donc Woody Allen, c'est en tant qu'artiste, pour sa filmographie, voilà, on va préciser ça, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'adore ce qu'il fait quand il fait des comédies, ça me fait beaucoup rire. Quand il fait des drames, je trouve ça magnifique. Voilà. Blue Jasmine. Blue Jasmine, dans Match Point, c'est un thriller génial. Enfin, Match Point. Voilà, c'est un très très grand réal, je trouve. Paris à minuit, très très beau aussi. Minuit à Paris. À minuit à Paris, ouais. Très très beau aussi. Ouais. Vraiment un bon film. Mais même ses films mineurs sont dans l'ensemble vraiment bien, Woody Allen. C'est un des rares réalisateurs dont j'ai eu tous les films, donc 47 quand même, je suis content de moi. Bravo. Mais oui, il y a des vrais passages, il y a vraiment un moment de folie dans Annie Hall. Ouais, le passage où ils sont, tu sais, où ils font la queue au cinéma. Oui. Et où t'as un mec pète-couille derrière eux qui raconte, qui se la pète. Qui parle réalisateur et tout, et à un moment t'as Woody Allen qui se retourne vers lui en disant mais vous dites des conneries, venez regarder, le réalisateur il est juste là, et il va derrière un meuble et il tire par une main, et t'as un réal qui arrive, oui effectivement c'est pas ce que je voulais dire. C'est très très drôle, c'est complètement fou. Puis il est rempli de répliques. Woody Allen, quand il fait des comédies, a un talent pour écrire des petites piques assez cultes. Et puis il y a très souvent un brisage de quatrième mur avec Allen qui s'adresse directement au spectateur, qui fait directement face caméra et qui s'adresse aux téléspectateurs. Ce qui revient encore une fois très souvent dans sa filmographie. Il y a même un passage en dessin animé avec une parodie porno de Blanche-Neige. Oui, oui. C'est oui. N'importe quoi. C'est Woody Allen. Hein, je... C'est ça. C'est... Donc voilà, je vous conseille Annie Hall et je vous conseille, pour ceux qui n'auraient pas encore exploré sa filmographie, Woody Allen en général. Ouais, c'est un bon film, Annie Hall. Voilà. Très intéressant pour les thèmes qu'il aborde. Quoi. Puis le jazz, la petite musique jazz en fond, voilà, c'est... Tout m'est sympathique dans ce film. On avait compris. Mais pas uniquement parce qu'il est juif. Ça aime bien insister sur les juifs ici. Ah bah oui, c'est... On est produit par Israël, hein, je te rappelle. Bah j'attends le chèque, moi. Oh putain, produit par Israël. Ah bah Israël. Nous, on l'attend plus. Oh putain. Ah ouais. Il va falloir qu'on discute après. On n'aime pas trop la Palestine par chez nous. Alors moi, je me barre avant qu'on se fasse le chèque. Ouais, allez. On va se prendre une bonne. D'ailleurs, on annonce officiellement notre sortie de l'UNESCO. Les bonnes références à South Park, ça fait toujours plaisir. Donc, on va passer au second film anglais de cette sélection, puisque Cashback, on ne l'a pas précisé, en était un. Quatre mariages et un enterrement de Mike Newell. Est-ce que ce très cher Issam peut nous rappeler si Mike Newell a fait d'autres petits trucs à côté? Bon, c'est Wikipédia qui va me le rappeler déjà. Ah bah, notre ami Wiki qui en ce moment demande des sous. Alors, oui, bah, c'est pour ça que ça m'était longtemps à s'ouvrir en fait. Si chaque... Et quand, ouais. Et quand il t'en demande, il te le demande pas à moitié, quoi. Ouais, alors, je le connais pas, mais il a réalisé un truc qui s'appelle Le Cheval venu de la mer. Je trouve le titre intéressant. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Si, il a réalisé Denis Brasco. Attends, ah oui, Denis Brasco, très très bon, Denis Brasco. Le Sourire de Mona Lisa. Que sympa aussi. Là, on va être sur du moins sympa. Harry Potter et la Coupe de Feu. Je l'ai pas vu. Oh, c'était de la Prince chiasse. Of Persia. Oh, c'est de la chiasse. Prince of Persia, ça reste un petit divertissement sympathique. Alors, le titre me dit quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. L'amour au temps du choléra. Bah, et, la vie, c'est pas comme Harry Potter. Non. Et De Grandes Espérances, en 2012, une adaptation de Dickens, mais je ne sais pas si j'ai vu celle-là. Bah, au temps du choléra, je pense que les bisous devaient avoir un goût de sang, en fait, un petit peu. Un téléfilm, L'homme au masque de fer. Enfin, voilà. Bon, on ne va pas faire toute sa filmographie. Il a fait des trucs. Non, surtout que pour la télévision, il a fait une chier, hein, de trucs. Disons qu'on va retenir surtout Le Sourire de Mona Lisa et Denis Brasco, surtout. Ouais, surtout Denis Brasco. Surtout Denis Brasco. Et que Wikipédia demande 2 milliards d'euros. Par personne. Il y a des années où il a fait 7 films hein, pour la télévision. Ah la vache. On peut payer en plusieurs fois. Donc, du coup, 4 mariages et un enterrement avec Hugh Grant. C'est même le film qui a propulsé Hugh Grant, qui a transformé Hugh Grant en nouvelle belle gueule du cinéma, tout simplement. Parce qu'après ça, il a enchaîné les rôles. Love Actually, je crois qu'il est dedans, on y revient. Hugh Grant, le journal de Bridget Jones, et sa suite. Il a enchaîné pour disparaître aussi vite qu'il est apparu au milieu des années 2000. Là, maintenant, Hugh Grant, tu n'entends plus parler. Ce qui est super, c'est que les gens se rappellent plus de Bridget Jones, d'ailleurs, maintenant, que de 4 mariages et enterrement. Ouais. C'est... Mmh. Oui. Il est passé. Et avec lui, dans 4 mariages et un enterrement, Andy McDowell, la magnifique Andy McDowell. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point-là. Oui, oui. C'est quoi, ça? C'est ton point sur la table ou c'est quelque chose qui est sous la table? Je sais pas. Je suis posé la même. Hein. Je laisse l'auditeur imaginer. D'accord, ok. C'est-à-dire que j'ai pas vu ses bras bouger, donc je suis inquiet. Je suis assis à côté de lui. Hein. Alors... La table se soulève. Du spiritisme ou autre chose? Il y a joué dans Escroc mais pas trop de Woody Allen, merci. Ah, merci de suivre, désolé. C'est ça. Et lui, il est dans sa bulle, 8h. C'est ça. Moi, je revérifie les informations. Je fais en sorte que ce podcast soit un minimum culturel. D'accord. Est-ce qu'il y avait Alain Chabat Monsieur aussi Corot. Dans le film? Il a joué aussi dans Cloud Atlas. Oui, effectivement. Ah, mon Dieu, ce film. Mais dans les années 2000, il fait plus rien, Hugh Grant, après. T'as pas, c'est un « Oh mon Dieu, c'est bien » ou non, Dieu, c'est qu'il m'a fallu plusieurs fois pour tout comprendre. Ah oui, bah, c'est un peu volontaire, je pense. Ouais, ouais. Par contre, je te rassure, 4 mariages et un enterrement, c'est simple à comprendre. Bah oui. Parce que t'as 4 mariages et un enterrement, et basta. Et mais vraiment, quoi. Parce que le film a très peu de scènes en dehors de ces événements. Enfin... Et les 50 premiers mots du film, c'est putain. Oui. Qui l'a vu autour de cette table, déjà? Moi, il y a très longtemps. Très longtemps? Je l'avais vu au cinéma. D'accord, à l'époque. Ouais. Moi, non. Ah, t'es un vieux. Tu l'as pas vu? Ouais. D'accord. Alors... Du coup, pour te faire le pitch, c'est très simple. On suit le personnage de Hugh Grant, qui, avec toute sa famille et ses proches, sont régulièrement invités à des mariages. Puisque dans le film, on va vraiment vivre 4 mariages d'affilée, avec un enterrement, je crois que c'est après le 3e mariage qui est l'enterrement, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va pas dire qui décède, hein, parce que quand même, ça serait limite spoilé. Mais vraiment, il y a très très peu de scènes en dehors de ces événements-là. C'est limite l'enchaînement des 3 mariages de l'enterrement et du dernier mariage, c'est limite direct. Alors, j'ai une question à la con. Est-ce que tu as vu la VO du film? Oui, je l'ai vu en VO. C'est quoi le mot qu'ils utilisent pour le début du film? Alors, c'est sous-titré par putain, mais en fait, c'est pas fuck, c'est une déformation du mot. D'accord, parce qu'en fait, je sais que tu peux, voilà, au niveau des, la réglementation est très claire au niveau des films aux USA, par exemple, et il faut pas qu'il y ait plus. Ouais, mais plus... c'est anglais là. Oui, mais après il y a la diffusion, voilà, en salle, donc les publics américains, enfin, c'est-à-dire, c'est quand même une certaine part de marché. Et donc savoir comment ils s'étaient démerdés, si jamais ils avaient dû sortir fuck 50 fois d'affilée, comment ils auraient pu réussir à diffuser le film proprement. Donc ouais, non, d'accord. Ils ont dans du PG sorti, t'as le droit de le dire qu'une fois, c'est ça. Une fois, et c'est pour ça que dans un des X-Men, ben dans First Class. Dans First Class, ils attendent le moment où il y a Logan. C'est lui qui le dit. Pour qu'il dise juste fuck yourself, go fuck yourself, et c'est la seule fois que tu l'entends fuck dans tout le film. Après, est-ce que cette loi existait déjà en 1993 quand est sorti 4 mariages et un enterrement ? Je sais pas. C'est ça qu'il faudrait savoir. Mais bon, bref, du coup, comme Pretty Woman, c'est du pince sans rire niveau humour, bah, pour le coup, c'est un film anglais, donc c'est très, très sobre, très très calme. C'est un petit peu barré, c'est vraiment de l'humour un petit peu foufou. Je pense à cette scène où t'as le personnage de Hugh Grant, donc qui s'appelle Charles, qui s'assoit un moment à côté d'un vieux, donc quelqu'un sans doute de sa famille, et il se présente, il lui dit « Bonjour, je m'appelle Charles », et le mec t'es fait « Non, c'est pas possible, Charles est mort il y a 20 ans. » « Mais je suis un autre Charles. »« Non, je connaissais très bien mon frère. » Mais quoi? Et c'est souvent de l'humour complètement fou comme ça. Il y a aussi l'échange des bagues. Oui, au début, ouais, parce que c'est, alors, dans le premier mariage, c'est lui le garçon comment d'honneur. Ça, d'honneur. Et donc, il doit ramener les alliances, sauf bah, qu'il les oublie. Et donc, du coup, bah, il se démerde pour choper des bagues dans le public. Donc, on lui file une vieille bague avec des espèces de bonbons dessus. Et une bague avec un... avec un c'est une bague de... tête de mort. C'est ça, une bague satanique. Et donc, tu vois la mariée et le marié qui se les enfile autour du doigt. Et tu vois la gueule du prêtre, genre, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'accepte pas. C'est ça. Et alors, c'est bien le bon prêtre, parce qu'il y a un des prêtres, en tout cas, au moins, qui est joué par Rowan Atkinson dedans. Oui, c'est le second. C'est le second. D'accord. Prêtre, ouais. C'est donc, pour ceux qui ne voient pas pour le nom, c'est Mr. Bean. C'est Mr. Bean, qui joue le second prêtre et qui, en fait, se plante sur tout sur l'ensemble de son discours pour faire le mariage. Il se plante sur le nom, il fait des bourdes au niveau des phrases. C'est-à-dire, au lieu de dire, au lieu de dire prêtre, il va dire piètre ou ce genre de d'ânerie. Donc, son discours à lui est super drôle. Par contre, il ne le joue pas façon Mr. Bean. Il le joue de façon très propre, très... Même s'il a des mimiques à la con. Il a des mimiques à la con, mais c'est pas... Enfin, il a quand même fait un personnage différent. Oui, oui. Mais c'est pas que... j'ai sorti... Non, mais j'en doute pas. Ah, mais d'accord. C'est juste est-ce que Mr. Bean existe... Est-ce que Mr. Bean existait déjà à cette époque-là? Oui. En 93, oui. Ah oui, ouais, ça existait c'est déjà. C'est vieux, hein, Mr. Bean. Ah ouais, c'est vieux que ça. Ouais. Oh, oui, il était... D'accord. Tu regardes de toute façon les premiers Mr. Bean, tu vois qu'il est plus jeune que... Ouais. Mais, et donc, du coup, le fil rouge du film, ça va être le fait que le personnage de Hugh Grant va rencontrer une amie de la famille à ce moment-là, une américaine, et qui bah, il va essayer de la draguer tout au long du film, donc réparti sur les quatre mariages et l'enterrement. Ça va être ça, le fil conducteur général du film. Jusqu'à, on s'en doute, le mariage final, où c'est son mariage, mais où il y a le petit suspense de fin, parce que à chaque fois, au début d'un mariage, on nous montre la carte d'invitation, et donc on voit les deux noms, sauf que là, on voit le nom de Charles et le nom de la mariée qui est caché par des fleurs. Et donc, jusqu'à la fin, t'as le petit suspense, mais oui, qui est la mariée, en fait. Oui, oui, parce qu'en plus, il n'y a pas qu'une seule femme qui est en lice. Qui est potentiellement, voilà, acquise à sa cause. Mais voilà, très bon film. Clairement, une comédie un peu fofolle, un petit peu barjo comme une vraie comédie anglaise, en fait, tout simplement, avec de bons acteurs. C'est vrai que tu l'as pas vu, donc je ne sais pas pourquoi je me tourne vers toi. Va-t'en, Manon. Non, mais je regarderai un jour. Un jour. Tu as tellement de choses à regarder. C'est ça, j'ai 200 DVD en attente chez moi. Donc, 4 mariages et un enterrement? Non, mais je le finirai bien par le trouver, c'est le genre de truc qui se trouve d'occasion. Oui, oui, ça. Voilà, donc je finirai bien par tomber dessus. Surtout jour. Que le film a bien marché, donc normalement, tu devrais pouvoir le trouver, effectivement. Entre deux Jackie Chan, pas en VO. Mais donc oui, un bon divertissement. 4 mariages et un enterrement, ça fait partie de mes recommandations perso pour les comédies romantiques. Est-ce que Alex, tu veux enchaîner? Bien sûr. Avec ta seconde recommandation. Alors, je voulais parler du film Une fiancée pas comme les autres. Alors, le titre original, c'est Lars and the Real Girl. Je pense que c'est beaucoup plus connu par ce titre-là. Réalisé par Craig Gillespie. Donc, est-ce que vous savez s'il a fait d'autres films? Non. Je ne crois pas. Moi, je ne connais pas. Inconnu au bataillon. Non, mais moi, je suis déçu que tu n'aies pas mis de titre canadien. Quoi, c'est lequel? Je sais pas. Ah, probablement Lars et la vraie fille. Hein. Oui, ça doit sûrement un truc comme ça. Ouais. Avec Ryan Gosling qui joue son Ryan Gosling, comme d'habitude. Emily Mortimer, Paul Schneider et Kelly Garner. Oui et non. Je pense qu'on était encore dans la bonne phase de Ryan Gosling, je pense, dans ce film-là. Avant qu'il rencontre, qu'il fasse Drive, c'est ça? Ouais, qu'il se tétanise un peu plus. L'histoire, elle est un peu à double tranchant, je trouve. À double tranchant. Bah oui, parce que en fait, tu trouves de l'humour dans le malaise, quoi. Mais... Ah oui, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc l'histoire, elle est un peu... Oui, elle est simple. On retrouve en fait Ryan Gosling qui joue le rôle d'un frère... De Lars. De Lars, qui habite dans le... C'est un garage, je crois. Oui. Qui... Le garage, en fait, de... De la maison de son frère. De la maison de son frère, qui est en couple avec sa femme, etc., qui en ont marre de couver le petit frère qui habite à côté, etc., de se coquetiner. Donc, ils essayent de le pousser petit à petit dans la vie active et en, notamment de lui trouver une femme. Oui, plutôt une femme, parce qu'il est déjà dans la vie active, il a déjà un travail. Oui, mais ouais, voilà. La finalité, c'est de lui trouver une femme pour qu'il s'en aille et qu'il vive sa vie, quoi. Mais en fait, c'est surtout parce qu'il est très associable. Mm. Il est très, très vouloir vivre tout seul. Il est très maniaque. Il n'aime pas, l'affection des autres envers lui. Voilà, il le dit que quand quelqu'un le prend dans ses bras, ça lui fait mal. Mm. Juste, ça, c'est un petit aparté. Il y a un truc que je déteste dans les films romantiques, c'est quand on exprime, par exemple, qu'on ne peut pas vivre si on n'est pas avec quelqu'un. Alors, ça, c'est... Alors, c'est le problème que j'ai eu au tout début du film. Voilà. Parce qu'au début du film, la femme... Lui dit, mais il faut lui trouver une femme. Voilà, elle est vraiment violente, elle est très insistante, ouais. Et ça aussi, ça m'énerve. Ouais, elle est un peu relou. J'aime pas quand on pousse les gens à faire ce qu'ils ont pas envie de faire. C'est ça. Voilà. Alors, au début, oui, genre, quand elle l'invite à... T'sais, au début du film, elle veut vraiment l'inviter à manger. Il dit, alors les femmes, comment ça il se refuse, passe Il refuse, et après, bah, quand il revient du boulot, genre, elle lui saute dessus, elle le plaque au sol, vas-y, viens, tu vas venir manger avec nous. Bah non, s'il veut pas, il veut pas, quoi. Même et... son frère, au départ, il est là à dire, bah non, on le laisse tranquille, oui, voilà, enfin, laisse-le tranquille. Fait sa vie, quoi, c'est bon. Et c'est vrai qu'il y a un moment où il y a un personnage qui dit, vivre tout seul, c'est pas normal. Enfin, vivre sans vouloir de compagnie, c'est pas normal. Ça m'a un petit peu fait tilter, parce que bon, voilà. Chacun vit comme il veut, merde. Ah, c'est un peu un truc de génération, je pense. Mais après, c'est que le début du film, parce qu'après, on se rend compte vraiment qu'en finale, c'est pas vraiment une volonté. C'est plus, mentalement, il est comme ça, mais il aimerait bien en sortir, en fait, de cet état-là. Et donc, Lars. Lars, au bout d'un moment, il va trouver son compte, au niveau de l'agente féminine, justement, en trouvant une... C'est un mannequin. Bah, c'est une poupée gonflable moderne, quoi. Ouais, c'est une poupée gonflable, mais plus ultra, quoi. C'est ça, en fait. Que tu peux faire vraiment sur mesure, tu peux tout choisir, quoi. Et c'est là qu'on rentre dans la partie que je disais tout à l'heure, où un peu malaisante, mais qui te fait sourire, un peu rire, et bon, bah, parfois, oui. C'est un peu triste aussi de voir la... Bah, typiquement, cette scène où il accepte d'aller manger chez eux, ouais. et donc, au début, ils sont tout contents, ouais, il accepte de venir manger chez nous et tout, et scène d'après, quand il l'amène, on les voit tous les deux, on voit le couple qui est comme ça, genre... Qui les regarde fixement, qui a pas l'air de comprendre, et après t'as la caméra qui se tourne, et là tu vois Lars avec à côté sa poupée gonflable. Et parce que pour lui elle est vivante. Parce que pour lui elle est vivante, c'est vrai. Voilà. Elle s'exprime, elle a des sentiments. Et en fait ça va lui permettre de s'évader et de pouvoir. De s'ouvrir un peu. De s'ouvrir au monde en fait. Parce qu'il la balade un peu partout, à un moment il va chez le médecin, je crois. C'est ça, et parce que du coup, et c'est ça qui est assez touchant et qui donne des scènes drôles, c'est que toute la ville décide de jouer le jeu et de faire comme si cette poupée gonflable existait vraiment et parlait vraiment et avait des vraies interactions. C'est-à-dire que t'as l'hôpital qui va utiliser la poupée, qui va l'ausculter, pour rassurer Lars parce que pour lui elle est malade. Ah, et puis même t'as aussi les gens qui s'occupent des petits enfants dans les hôpitaux qui vont prendre la poupée, tu sais, qui vont lui mettre un livre qui raconte une histoire automatique et ils vont faire comme si c'était la poupée qui lisait l'histoire aux enfants, quoi. Elle va vraiment devenir un nouvel habitant de la communauté. Voilà, et ça c'est vraiment bien amené tout ça. Et en parallèle de ça, on a un personnage féminin qui commence à s'intéresser à l'art. Voilà. Qui... Alors, on parle d'un personnage féminin qui s'intéresse à un cinglé qui vit avec une poupée gonflable, hein, c'est ça? Bah parce qu'il est touchant. D'accord. Ouais, parce que tu comprends aussi que pendant tout le film, les gens se rendent compte que c'est grâce à cette poupée qu'ils commencent à s'ouvrir au monde. Oui. Parce qu'avant ça, il parlait à personne en fait. D'accord. Il parlait à personne, tout le monde le connaissait, tout le monde était gentil avec lui puisqu'il savait qu'il avait un problème. Travail, mais... Voilà, c'est ça. Alors que maintenant, grâce à cette poupée, eh ben, il va dans les soirées organisées par ses collègues. Voilà, et donc, les gens se rendent bien compte qu'il commence à s'ouvrir au monde grâce à ça. À la fin du film, il se rend compte que s'il parlait à personne, c'est qu'il était muet. C'est super triste, ça m'a fait pleurer. Qu'il est con, tu l'as même pas vu. Non. Arrête de mentir. Moi, ce que je préférais, c'est le moment où la poupée parle. Vraiment. Ah, par contre, il y a un film où une poupée gonflable s'éveille un peu comme dans Pinocchio. Ça s'appelle Air Doll, c'est japonais et c'est vachement bien. Bah, là aussi, c'est vachement bien. Mais tu sais, à un moment, la poupée, elle a un bras bionique. Non, j'ai connu. Non, justement, c'est que oui, à aucun moment, le film sombre dans le fantastique. Ouais, c'est vraiment... Ça reste très, très à terre. C'est platonique, ouais. Et puis la fin est plutôt... La fin est à la fois belle et tragique, en fait. Mm. Mais vraiment. C'est vraiment un très beau film, en fait. Mais ça marque un tournant pour le personnage, pour ça, en fait. La perce avec une aiguille. J'ai tellement imaginé la fin tragique avec la poupée qui se dégonfle avec un bruit ridicule. Mais en s'envolant dans tous les sens. Mais c'est pas une poupée. Non, juste le... Mais c'est pas une poupée gonflable. Mais en fait, ah, vous comprenez pas, c'est pas une poupée gonflable comme ça, c'est vraiment un robot, quoi. Ouais, ah, c'est limite, c'est une poupée vraiment robotique, c'est articulée. Ça que c'est un mannequin, en fait. Oui, ce qu'on appelle. Donc avec un vrai visage qui ressemble à un vrai visage humain. Ce qu'on appelait les realistic dolls. Voilà, c'est ça. C'est super réaliste de poupée gonflable. Ah, merde. C'est pas un bout de plastique dégueulasse, quoi. Oui, sinon, ah, parce que j'essaie d'imaginer. Tout à l'heure, j'imaginais une poupée gonflable. Le film, il est pas très loin. Non. C'est-à-dire qu'une poupée. Non, c'est vraiment, il peut l'asseoir sur une chaise. Oui, bah c'est une realistic doll, c'est pas une poupée gonflable. Oh, c'est vrai terme, voyons. C'est-à-dire que tu la vois, je pense que tu la vois de loin, tu peux confondre ça avec une vraie personne, quoi, en la voyant de loin. Pas à ce point-là, quand même. Si, en la voyant très loin, en la voyant loin, de dos, dans l'obscurité. La nuit, dans une brèle sombre. En fermant les yeux. C'est pour ça que moi je voulais dire mannequin, mais je trouvais pas le terme. Tu t'y connais mieux que moi, on dirait, là-dessus. Donc, Je cherche une photo. Ah bah, je vis seul, hein. Tu sais, chez moi, j'ai tout un harem. Je les commande spécialement au Japon. Voilà, elle ressemble à ça. Ah putain, c'est creepy. Ah bah oui, c'est creepy. Ça reste creepy dans tous les mais cas. Mais c'est pour ça que je dis que c'est malaisant, mais en même temps, c'est... Bah ça, typiquement, c'est la fameuse scène où il accepte d'aller chez son frère et sa belle... Et qu'il la présente, en sa belle-sœur, qu'il leur présente. Et donc, tu les vois tous les deux comme scotchés, comme ça, qui bougent pas. Et après, t'as la caméra qui se met à filmer Lars et tu vois la poupée à côté de lui, quoi. Voilà. Non, mais le concept est intéressant. Et Ryan Gosling est intéressant dans ce film. Mais Ryan Gosling est plutôt bon même dans le film. Ouais, moi je le mets Ryan Gosling, mais je peux concevoir qu'on puisse dire, comme on disait tout à l'heure, qu'il a un jeu d'acteur vachement... Plat. Limité. Plat, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que Ryan Gosling, tu le vois avant Drive, il y a pas mal de films où il est bon, mais lui-même avait dit dans une interview il y a pas longtemps qu'il en avait plein le cul de jouer comme ça. Mm. Qu'il en avait marre, qu'on lui demande ça, qu'il avait envie de jouer vraiment, lui. Oui, ouais, c'est devenu un peu sa marque de fabrique. C'est ça. Quoi, mais même lui, il en peut plus. Bah, tu m'étonnes. Mais dans ce film-là, il y a des vraies émotions qui passent au travers de lui, pour le coup. Ouais. Vraiment. Et voilà, d'ailleurs, la fin rigolo, est très très belle. La photo que tu m'as montrée, je trouve que le look qui a été donné au personnage, c'est un peu le même que celui de Joaquin Phoenix dans Her. Bah, le film peut faire penser à Her, hein, déjà pour le sujet, quoi. Oui, c'est ça. L'histoire d'amour avec quelque chose qui n'est pas réel, sauf que dans Her, il y a une vraie interaction, parce que c'est une vraie intelligence artificielle. Au niveau du caractère du personnage, voilà. On peut les rapprocher là-dessus. C'est ça. Parce que c'est pareil, dans Her, le personnage est lui aussi. J'aurais dû en parler, Her, j'aime bien. Hein. Mais on peut trop bien le conseiller, moi aussi. Genre, après coup, je me suis dit, putain, c'est con, j'aurais j'ai dû le mettre pensé, dans ma liste. Trop con. Mais oui, pour moi aussi, Her, c'est l'un des grands films de ces dernières années dans les comédies romantiques. Même si Her, c'est plus un drame romantique. Ouais. Oh là là, tais-toi, toi. C'est quoi que t'aimes pas dans Her? Non, y a rien que j'aime pas particulièrement, c'est sympa. Ouais, ça t'a pas... Sympathique, quoi. Moi, j'ai chialé, moi, à la fin de Her. J'ai pas moi chialé, aussi, mais j'avais une conjonctivite. Mais j'ai bien aimé, ça m'a bien touché. Comme c'est ça, de faire de la plongée pour aller voir des coraux. Hein. On chape des conjonctivites. Je fais beaucoup de recherches. Je prépare un livre, une thèse sur les films coraux. Est-ce qu'on dit coraux, le coraux? Non, mais vraiment, du coup, Lars... Je parlerai de Big Fish dedans. Du coup, Lars and the Real Girl, c'est vraiment un film que je recommande. Bah, moi aussi. Mais vraiment à fond. Surtout si on a bien aimé Heure, des films avec cette thématique-là, en fait. C'est l'évasion, vouloir sortir de son quotidien, en passant par quelque chose, une vraie découverte, en fait, du coup. Parce que pour lui, c'est la découverte de la sociabilité. Et puis, comme je disais, il y a un peu de tout dedans. On y trouve son compte, il y a de l'humour, il y a du touchant. Puis les personnages sont cool, quoi, que ce soit le... Alors, il y a peut-être le personnage du frère qui est très en retrait. Bah, il est tout le temps sur la même longueur d'onde. En fait. Voilà. Il est tout le temps là, mon frère, je sais pas comment le. Ouais, voilà. Lui parler. Mais le personnage de la psy est plutôt cool. Enfin, la psy, la médecin, mais qui sert de psy du coup, en même temps, qui est plutôt cool. Au début, la sœur du. La femme du frère, elle est assez insupportable, mais au bout d'un moment, on s'y attache. Tous les habitants du village aussi. Voilà, c'est ça. C'est sympa. Donc, c'est vraiment un film que je recommande vraiment à 100% pour le coup. Yep. Je pense que c'est à moi maintenant. Oh, j'avais fait oui, un silence d'un coup, mais oh, pas c'est juste, hey, c'est aucune juste, transition. C'est juste pour t'embêter. Ah, c'est horrible. Allez, tu peux y aller. Sauf si. Vu qu'on a décidé effectivement d'éviter absolument le thème d'Halloween et de partir dans les films romantiques, j'ai décidé donc de prendre un film avec Tim Burton, Johnny Depp et Helena Bonham Carter avec dedans des morts vivants. Voilà. Bien joué. Ouais, je me suis bien gouré. On s'en fout, c'est quand même une comédie avec un petit peu de romance. Les Noces funèbres, film d'animation de Tim Burton. Ouais. Alors, c'est son troisième film. Deuxième long métrage d'animation. Mmh. Parce qu'il y avait aussi un court métrage d'animation qui avait été fait. Ah oui, si tu comptes Vincent, oui. Ah, bah, Vincent. C'est quoi le premier? Bah, c'est quoi le premier? Bah, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bah, non, c'est pas lui qui le réalise. Ah oui! Il est juste scénariste. Oui, juste scénariste. Par contre, il était tellement présent sur le plateau que c'est comme si oui. il réalisait. Bah, on l'associe à lui, oui. Parce que toutes les images. C'est comme Henri Selye qui met indirectement Burton et co-réalisateur quand même. Oui, il est co-réalisateur. C'est pas le réalisateur principal, quoi. À chaque fois qu'on faisait les photos, il y a toujours Burton qui était en plein milieu du truc en train de patasser les. Oui, tiens-moi! C'est le design de l'univers. C'est ça, mais bon, Selye, pour le côté animation, il est pour beaucoup aussi, quoi. Ah oui, non, mais c'est une co-réalisation. C'est ça. C'est une co-réalisation. C'est pour ça que j'aime bien recadrer en général quand on dit c'est un film de Burton. Non, c'est quand même vraiment Henri Selye qui a fait beaucoup derrière. Finalement, du coup, la réalité est plutôt nuancée. Et du coup, c'est l'occasion de conseiller James et la peste géante, qui n'est pas assez connu, je trouve. Ouais. Qui est plutôt un film plutôt cool. Et c'est aussi. C'est surtout Coraline. Et c'est surtout ça que j'allais dire. Aussi Coraline, mais les deux. Hein. Alors, je préfère Coraline. Oui, bah après, les deux sont très distincts, mais. Tu vas y arriver. Donc les noces funèbres. Mais qu'est-ce qu'il dit lui là? Je te parle d'un film avec des zombies. Qui a invité ce mec? Mais la nécrophilie. Fallait pas l'inviter. C'est pas que des squelettes, la fille elle est zombie, elle a encore de la chair sur elle. Hein. C'est vrai. C'est pas faux, mais. Il y a une araignée. C'est un film avec Mr. Freeze. mais si elle meurt, elle réveille pas. Enfin, les autres se transforment pas en zombies, donc c'est pas un zombie. Alors le zombie n'est pas obligé de contaminer les autres pour être zombie. Ah, je suis pas d'accord. Ah, on va partir sur un débat sur le zombie. Alors, on a combien de temps? Donc, les noces funèbres de Tim Burton. Non, dans l'évangile selon Saint Romero, le zombie quand il meurt. Oui, mais ça, c'est selon Saint Romero. Mais si tu prends les débuts avec les traditions qu'on retrouvait dans les rites vaudous, ah oui, le zombie était une création chimique. Il y a deux types différents de zombies. Il y a le zombie tel que posé par Romero, et il y a le zombie tel qu'on le voit dans L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven. C'est deux zombies totalement différents. Oui, il y a ceux qui courent. En général, ceux qui courent, c'est pas des zombies, c'est des infectés. Ouais, c'est désinfecté. Mm. Qui sont nés grâce à... Une arme bactériologique. Non, merde, c'est quoi le film anglais de Danny Boyle? 28 jours plus tard. Ouais. Putain, quel grand film. Grand film. Sinon, si on prend par exemple le film, enfin la série Walking Dead, ou même la bande dessinée. Non, on prend pas. Ah, bah, ils appellent tous aux zombies, hein. C'est des marcheurs. Oui, c'est des marcheurs. Des quoi? Des réveillés. Des quoi? Mais c'est des zombies, ça se voit. C'est des personnages qui veulent pas dire le mot zombie. Ouais, c'est peut-être parce que je pense que... Il y a peut-être un copyright, tu vois. Non, Walking Dead fait partie de ces univers où en fait le zombie n'existait pas. Oui, c'est où en fait il y a eu jamais une notion de zombie, donc les gens savent pas ce que c'est en fait. Certainement. Voilà, du coup il n'y a pas de zombies. Normalement, dans un monde où il y a des zombies. Tout le monde aberrait sa zombie. Bah, tout le monde sait déjà comment réagir. Bah oui, tout le monde sait comment réagir, donc potentiellement il n'y a même pas d'invasion, quoi. Oui, on se dirait, ah, balle dans la tête. Blam Voilà, les 10 premiers cas, c'est bon, ils sont rectifiés. C'est ça. Ah, ça dépend si le virus peut circuler par l'air. Oui. Ah, virus aérobie, on est dans la merde. Puis après, ça dépend si tu fais des films pourris. World War Z. Voilà. Il y a la suite qui est en préparation, et on parlait de films pourris et de réalisateurs que j'aime pas tout à l'heure, bah c'est David Fincher qui va la réaliser. Je sais, mais c'est lui qui avait produit le premier déjà, avec production lui et Brad Pitt. Grande question à la con, à la fin de World War Z dans le film, ils ont pas construit les murs spécialement pour les zombies, ils sont juste enfermés dans la bande de Gaza, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais par contre, le livre World War Z est génial. Ouais, moi je l'ai lu. Ouais, le livre est génial. Mais c'est le truc qui m'avait choqué, c'est le détail de « Ah, le dixième homme et tout ça, machin, on a construit, voilà, j'ai décidé que ça et tout. Non, c'est de la merde, le film, le mur il est là depuis 3 siècles, quoi. Mais bon. T'as lu le bouquin? Non. T'as pas lu le bouquin non plus, Islam? Donc il y a que Alex et moi qui l'avons lu. En fait, si tu veux, le bouquin, petit aparté, après tu recommences avec les notions. Ah, ouais. Si tu veux, le bouquin, en fait, c'est c'est qu'un documentaire, en fait, c'est qu'une série de témoignages. En fait, l'invasion zombie a eu lieu, elle est terminée, et donc c'est une série d'interviews de gens qui ont survécu à l'invasion zombie et qui expliquent comment ça dans s'est déroulé pays, je crois. Dans différents pays, ouais. Comment ça s'est déroulé, comment les autorités ont fait pour la vaincre. Mm. Et genre, on apprend que c'est en Russie au début que ça a été totalement maîtrisé, parce que forcément, avec le froid, les zombies gelés sur place, ils ont pu être neutralisés rapidement. Tu vois, on t'explique plein de trucs, quoi, et c'est super cool. Et le film, le bouquin est vraiment plus bien. Intéressant quoi. Que le film, bah oui, parce que c'est film, une série de témoignages, c'est cool, quoi. J'aurais beaucoup aimé un film comme ça, limite si le 2 était comme ça. C'est ça que j'aurais dû faire. C'est un film documentaire, on a survécu à l'invasion zombie, voilà comment on a fait. Bah, peut-être qu'ils vont faire pour le 2. Non. Mais ça n'aurait pas. Putain, dommage. Je pense pas. Enfin bon, les noces funèbres, donc effectivement, Tim Burton avec ses acteurs fétiches. Ouais, Johnny Depp. Avec en plus Emily Watson et Tracey Ullman. Tracy Ullman, je vois pas qui c'est dedans. Niveau de... Je vois pas quel personnage est interprété par. Eh bien, continue à faire ton pitch, je vais chercher. Et sinon, donc, c'est, ça commence. Donc, on est dans quand même une période victorienne. Mmh. Oui, carrément. Avec des familles riches où il y a une histoire de mariage arrangé qui doit se faire. Et le personnage principal se retrouve dans une merde royale par rapport à ça, parce que si je me souviens bien, il veut l'esquiver, c'est ça ? Oui. Il veut l'éviter complètement. Alors, au tout début, oui, mais dès qu'il la rencontre... Ouais, mais au début, il l'a jamais vu. Au début, oui, il va juste les beaux-parents, il dit « Oh la vache !» Mais les deux, même. Je crois que même elle est... Oui, ils se sont jamais croisés. Les deux sont complètement arrangés. Et arrive tout un tas de péripéties qui font qu'il va se retrouver à mettre une bague, la bague de mariage, au doigt d'une morte qui avait été perdue dans un coin paumé. Alors, là, ça paraît glauquissime, mais en réalité, il passe la bague à une branche d'arbre qui se trouve être la main de la morte. Parce que sinon, c'est un peu le mec qui allait profaner un cadavre. Ah non, c'est juste qu'elle était à moitié enterrée dans un lac. C'est un marécage. Ouais. Alors, Tracy Ullman, elle joue la mère en fait du marié. Ok, ça marche. Et Danny Elfman a un rôle dedans aussi. Oui, il joue Bon Jungles. C'est ça. Celui qui chante la chanson sur le passé de la mariée. Oui, c'est ça. Ok. Il y a Christopher Lee aussi qui a un rôle dedans. Et du coup, il va devoir se marier dans le monde des morts. Il va devoir se marier avec une morte. Ouais. Et il va voyager dans le monde des morts. Monde des morts qui est très Beetlejuice. Mais si jamais on avait enfin passé la salle d'attente. C'est ça. Voilà. Et ce qui est cool avec le monde des morts décrit dans Notre Fidèle, c'est qu'il est super coloré en fait. Bah justement, ça me fait penser au dessin animé Beetlejuice. Je sais pas si ça vous a fait ce côté-là, C'est ça, et puis il y a aussi une grosse inspiration monde des morts façon croyance mexicaine en fait. Oui, le dessin animé Beetlejuice, qui est donc une comédie romantique sur un fantôme pervers et une gamine de 16 ans. C'est bon, le conseil. Ans, non, elle avait pas 15 ans. Qui déteste les vers. Je sais plus. Oui. C'était vachement bien. C'est cool. On savait rien à l'époque. Même le film est vachement cool. Le film aussi est bien. Non, je crois qu'en fait, dans l'animé, c'est complètement assumé le fait qu'ils ont complètement retiré le fait qu'il a envie de se la taper. Oui. Il n'y a plus de. Beetlejuice est gentil. Il fait peur quand même. Oui, ben en fait, techniquement, il est très méchant, Beetlejuice. Ah oui, non, c'est incroyable. Beetlejuice. J'aimais bien les animés, mais c'est trois fois. Et c'était d'ailleurs Danny Elfman qui avait remanié encore sa propre musique de façon à faire un générique très punchy. Ouais. Oui, bah, comme il l'avait fait pour Batman, la série animée, où il avait repris son thème. Et en parlant de musique, les musiques et les chansons de Noces Funèbres sont géniales. C'est génial. Mais Elfman est un génie. Génial. Tous ses BO sont géniales. Même, je veux dire... Il y a un moment où il y a scène avec une scène vraiment à la nuit des morts vivants avec des zombies qui font une invasion dans la ville. Et il y a un petit élément d'innocence qui va arriver en plein milieu, qui va nous changer toute la scène. Et c'est juste magnifique. Je veux dire, c'est des petits moments comme ça que ce film apporte. Et c'est pour ça que je conseille ce film. Ah ouais. C'est vraiment ces petits moments d'émotion où on se dit « Ouais, bravo ». Ça passe. Dès le début, moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est la famille de la mariée, Victoria, je crois, elle s'appelle. Ouais. Celle où le mari est tout petit et où la femme est super grande. C'est déjà le design des persos. Et puis, en fait, dans les paroles de leur chanson, ils insultent leur fille. Ils disent elle a une tête de truite morte. Et elle va nous rapporter de l'argent. C'est ça. Et puis, tout joue sur la petitesse du mari et la grandeur de la femme. Alors que l'autre, c'est l'inverse. Voilà, l'autre, c'est l'inverse. Mais on voit que chez eux, architecturalement parlant, tout est construit selon ça, et c'est super drôle. Enfin, comme d'habitude chez Burton, il y a 10 000 idées par plan, quoi. Mm-hmm. C'est juste phénoménal. Mais ça, on retrouve aussi beaucoup de trucs qui étaient finalement en ébauche dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mm-hmm. Et quand justement, elle a ses yeux de pin-up burtonienne, quoi. Ouais. C'est effectivement des yeux qui sont un peu atypiques, mais effectivement. Voilà, l'émotion, elle est normale, elle est relativement normale. C'est juste que la description des parents, ça donne pas envie. C'est ça. Ça n'a pas trop envie. Parce que les parents, c'est des connards. Ouais. Alors, Burton, j'ai un gros bouquin chez moi, c'était sorti il y a quelques années, de ses dessins. C'est un énorme pavé, il va peser 3-4 kilos. Le petit garçon huître ? Non, ça c'est une série des poèmes illustrés qu'il avait fait, mais il y a un bouquin de 500 pages de dessins qu'il a fait soit en général, soit pour ses films, et c'est magnifique. C'est les dessins préparatoires pour les Batman notamment sont sublimes. Il y a aussi les dessins préparatoires pour Superman qui sont plutôt intrigants. Oui. Superman avec Nicolas Cage. Parce que ça, on y revient toujours. Eh ouais. Moi j'aurais bien aimé voir. Hein. Et Batman. Il y avait un Batman dedans ? Non, je disais juste qu'on revenait tout le temps à Batman aussi un jour. Ah oui. Ça, ça m'intéresse ton bouquin. Et du coup, est-ce qu'il y avait les renards écrasés qu'il dessinait quoi, sur le tournage de Rox et Rocky ? Non, ça y a pas. Ah, dommage. Par contre, il y a des trucs qu'il avait fait pour Taram. Ah oui. Ah, les chaudrons magiques. Mmh, qui n'ont pas été gardés au final, mais il y a certains de ses dessins préparatoires pour Taram. Bah, si on voit Taram écrasé en même temps, oui. C'est pas Taram. Non, non, mais c'est... ils sont beaux ces dessins. Ah, mais je n'en doute pas. Hein. Il sait bien dessiner les renards écrasés après tout. Ah, ça, c'est parce qu'il ne pouvait plus les conditions de travail qu'on lui a posé faire des trucs mignons. Et là, le mec, voilà. Il ne faut pas oublier qu'il a commencé comme animateur chez Disney. Quoi. Mm. Juste après avoir fait des trucs déjà qui allaient fixer son caractère, donc passer de court-métrage angoissant, mais voilà, à ça, quoi. Tu te dis non. Non sur Rox et Rocky, en plus, un Disney bien trop méconnu, je trouve. Oui, oui c'est un des meilleurs, je trouve. Clairement, alors que c'est pas l'un des plus vus par les gens, pourtant. Et un des rares Disney qui ne se finit pas sur un happy end. Mm. Et ça c'est je veux dire, c'est assez important de le noter, quoi. C'est vraiment cool, Rox et Rocky, vraiment très mignon. Ils avaient pris conscience que une histoire pour enfants ne doit pas forcément finir par un happy end. C'est ça. Et après, ils sont revenus en arrière en disant « Bah les couilles, frère !» en pas connu de court-métrage de Burton, il a fait un Hansel et Gretel. Ah ouais ? C'est, ouais. Enfin, je crois que c'est Hansel et Gretel. Oui, c'est Hansel et Gretel. C'est son seul court-métrage en fait, qui est disponible sur aucun DVD. Donc, ah d'accord. Parce que Frankenmini et, oui, ça se trouve partout. Et Vincent. Et Vincent, on les trouve sur les DVD de L'Étrange Noël. Ouais. Tu les trouves même sur YouTube. Bah, celui-là, il se trouve aussi sur YouTube. Je te laisse chercher. C'est n'importe quoi. C'est pas son plus abouti, loin de là. Bah. Même en court-métrage, c'est pas son plus abouti. Vincent mais est vraiment cool, par contre. Et Vincent, c'est Vincent, c'est, Vincent, c'est quand il était face à la dernière année de... d'études. Ouais. D'études, ouais. C'était un court-métrage pour les cours. Ouais. Attends, je m'envoie à Frankenmini, tu le trouves pas en DVD ? Si, Frankenmini, si. C'est, ah, si, si, c'est l'autre. Frankenmini, le court-métrage, pas le film. Ah oui, d'accord, le court-métrage. On est déçus, c'est quand même le mec qui se faisait, qui éloignait les gens de lui, il s'était fait retirer ses dents de sagesse, et il avait des cotons pour retirer les saignements, et il avait tendance, le midi, en plein milieu de la salle où tout le monde mangeait, à retirer ses cotons, de façon à laisser couler le sang, de façon à ce que personne l'approche. Ah la vache. C'est... ah oui, là, Burton... Perché, hein. Mettons... Ah, mais il a quand même réussi sa vie. Hein. Ah bah, mais ça n'empêche rien. Hein. Mettons, on y viendra à une émission Burton, ça sera obligé. Je pense que ça sera obligé. Et puis il y a des milliers d'anecdotes sur Burton, donc on va rien trouver des trucs. Je pense que c'est un de mes réalisateurs favoris, j'ai lu énormément sur Burton. Et je pense qu'à nous quatre, on a beaucoup trop d'amour pour lui pour, voilà, pour pouvoir c'est lui consacrer une anecdote qui m'a toujours amusé, c'est sur le tournage de Catwoman, enfin de Batman. Returns. Heureusement que c'était pas lui qui a fait ça. Non, mais ça concerne Catwoman, justement. Ah. Il avait pris Michelle Pfeiffer et il y a une autre actrice qui voulait absolument le rôle et qui, du coup, se baladait dans les studios en tenue cuir, en abordant tout le monde pour qu'on lui donne le rôle. Oh la vache. Et ce film, en plus, où les acteurs ont décidé de leur propre chef de faire des trucs de fou, genre par exemple avoir un oiseau dans la bouche ou faire des trucs comme ça. C'est un peu de leur propre chef, mais je pense que c'est un peu décidé parce que c'est un 69 métaphorique en fait. Burton, enfin le pingouin qui caresse la chatte de Catwoman pendant qu'elle gobe son petit oiseau. Oui, mais à côté de ça, le fait d'avoir l'oiseau dans la bouche, je pense que c'était vraiment, si j'ai bien compris, c'était vraiment la décision de l'actrice. Elle devait pas l'avaler. Voilà. Bah oui, encore. Non mais ça aurait été très con. Non mais c'est pas faire pour le cinéma. Ah, ceci dit, des acteurs qui ont avalé des trucs bizarres pour des films, il y en a. Hein. Ouais, c'est bon. Mais bon. Le fait que, par exemple, qu'elle lèche cette... Non, je parle pas de... Ce sera un autre podcast. Le fait qu'elle lèche cette de cuir aussi, ça, c'était pas prévu, à la base. Ah oui, c'est une impro, ouais. C'est l'impro où je dis, ouais, ok, la scène est vraiment creepy as fuck, et sexy en même temps, je sais plus quoi penser. C'est ça. Disons, oui, ça... C'est un film dont je me demande comment il a réussi à PG-13. Je pense que oui, Pfeiffer dans son costume. Je pense qu'il est quand même. Hein, je pense que Pfeiffer dans son costume de Catwoman, ça a fait monter les. Ah bah d'un coup, il devait y avoir un silence. Je pense que ça a fait monter les hormones de pas mal d'adolescents. Je pense que la notoriété de Catwoman a encore, en partie, une des résultantes de cette scène-là. Quoi. C'est simple, ils ont repompé la scène. plan par plan dans Gotham. D'accord, la voilà. Saison 4, vraiment, t'as la jeune Catwoman, la gamine qui se fait pousser d'une fenêtre, elle tombe, t'as des chats qui arrivent autour d'elle, elle se réveille. Ah mais Batman Returns, voilà. C'est... même dans... Sauf que là, c'est mal fait. Même dans Dark Knight Rises, Batman Returns est pompé à mort. Ah oui, oui. Il y a la scène de balle quasiment à l'identique. Ouais. C'est, pour moi, ça reste le meilleur film Batman et peut-être le meilleur film de super-héros que j'ai vu. Clairement, mais tu sais, normalement, on l'aborde les mois prochains pour notre numéro spécial. Ah, donc c'est bon, on fait ça. Adaptation DCU et MCU. Donc on en reparlera le mois prochain. Mmh. On va passer à la seconde sélection d'Issam, du coup, maintenant, vu qu'on a fait le tour sur les Noces funèbres. Un film qu'on recommande tous les quatre, hein, je pense. Ouais. Encore une fois. Ouais, ouais. Issam. Parce que la nécrophilie, c'est cool. Ah, parfois du bon. Voilà. Non, ça craque un peu, mais après ça va. C'est... Tout à l'heure, on parlait de Polanski, maintenant on parle de nécrophilie, on fait la moyenne des deux et on arrive à un truc raisonnable. Voilà, c'est ça. Il manque un peu de zoophilie et puis c'est bon, on aura tout fait. Eh ben justement. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Non, mais techniquement. Ou danser avec les loups comme tu veux. Il y a l'ours de Jean-Jacques Cano, mais c'est hardcore. J'ai une scène avec un cheval qui est c'est terrible. Ou alors les oiseaux d'Hitchcock. Il a six chiens fidèles. Les oiseaux d'Hitchcock à la limite. Ouais, bah dans ce cas-là, j'envoie les sauvages. Techniquement, dans Twilight, il y a de la nécrophilie et il y a de la zoophilie, mais il y a des vampires et des lions. Mais si vous préférez les tripes tentacules, 20 milieux sous les mers de Disney, c'est très bien aussi. Bon, à part tes zoophiles terminées, est-ce que vous pensez qu'on va gagner ou perdre des followers avec ça? Je sais pas si on va en gagner beaucoup. Par contre, ce qu'on aura, bah, ce sera des bons. Ceux qui restent, ils sont pour un jeu. Ils seront fidèles parce qu'il n'y a personne d'autre qu'en parle. Hein. C'est comme les films coraux, il n'y a personne d'autre que nous qui en parle. C'est vrai que j'ai vu aucune émission sur les films coraux sur Arte, je suis outré. Bon, donc mon deuxième film de ma sélection, qui est un film choral en plus. Et on va aller du côté de Hong Kong, parce qu'après tout, je suis archiviste du cinéma, donc pour moi, le cinéma asiatique, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Je pensais que tu le garderais pour la fin, celui-là. Non, j'ai envie de finir sur l'autre. C'est Chungking Express, réalisé par Wong Kar-wai, alors réalisateur hongkongais, donc. Avec Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, alors qui est d'origine japonaise comme son nom l'indique, mais qui n'a joué quasiment que dans des films hongkongais, Tony Leung Chui et qui est français comme son nom l'indique, voilà. Et mais... Fei Wong, qui n'a quasiment jamais joué, qui est une chanteuse à la base. Fei Wong. On dirait le nom d'un personnage de Tekken. Et c'est très triste qu'elle n'ait pas pu jouer parce que c'est une actrice géniale. Il y en a quand même une qui s'appelle Brigitte. Hein. Alors c'est. Après, c'est très courant dans les noms asiatiques d'avoir des prénoms occidentaux. Non, en fait, c'est pas leur vrai prénom. C'est comme. C'est un peu comme Jet Li, Jackie Chan, Bruce Lee et compagnie. C'est des pseudonymes qu'ils prennent pour l'international. Mais après, c'est parce que justement, pour pouvoir s'imposer sur le plan international, leurs noms originaux sont souvent soit trop durs à prononcer, soit trop atypiques. Par exemple, John Woo, lui, son nom et son prénom sont des pseudonymes parce que son nom de famille s'écrit NG. D'accord. Voilà. Après, t'as la même niveau mangaka au Japon. Oui, bah oui. Je te rappelle que l'auteur de Hajime no Ippo s'appelle George. Ouais. George Abe. Du coup, voilà, c'est une petite anecdote. Pareil, Tony Leung Chui, Tony, c'est pas son vrai prénom. Tony. En fait, alors, lui, c'est particulier, Tony Leung Chui, parce que il y a deux Tony Leung. Donc en fait, Chui, c'est son vrai prénom, pour le différencier de l'autre Tony Leung, qui est Tony Leung Café, je Tony crois. Tony 2. Ouais, c'est ça. Voilà. Bref, donc Chungking Express, ça se passe à Hong Kong de nuit, quasiment entièrement. Et sans éclairage. Oh bah alors, chez Hong Kar-wai, non, pas trop. Ouais, non. C'est ça. En général, les surtout jeux... que c'est Christopher Doyle qui a l'éclairage dans celui-là, donc un très très très grand directeur de la photographie qui a beaucoup travaillé avec Hong Kar-wai notamment. Ah, puis Hong Kar-wai, les jeux de lumière et voilà, tout, il adore ça. Quoi. C'est ça. Ça suit deux histoires qui font à peu près chacune la moitié du film. Deux histoires. Romantique entre un flic, donc deux flics différents, hein, et une femme. Dans la première, c'est une femme qui est un peu dans les milieux criminels, on ne sait jamais exactement ce qu'elle fait, enfin, apparemment, elle aide des réfugiés, elle travaille dans la drogue, des trucs comme ça. Et ça suit une nuit, une seule nuit, qu'elle passe avec ce flic. Et dans l'autre histoire, c'est un policier complètement paumé et déprimé après une rupture, qui, tous les soirs, va manger à la même petite gargote de sandwich, de trucs rapides, Et la serveuse de là-bas, qui est jouée par Faye Wong, va décider de s'immiscer dans sa vie, parce qu'elle est tombée amoureuse de lui, et lui le rendre de nouveau heureux. Il y a notamment une scène qui est magnifique, où elle se rend dans son appartement, et où en fait elle reloupe complètement l'appartement, elle change tout, de manière à le rendre plus lumineux, plus moderne, pour qu'il soit dans un environnement plus positif dans sa vie de tous les jours. Scène qui a été reprise dans Amélie Poulain, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, Jean-Jacques Hano. Non. Pas merde, comment il s'appelle Il a fait Alien 4. Oui. Comment il s'appelle ce con Jeunet. Voilà. Mais qui lui aussi est fan des ambiances lumineuses. Oui, particulièrement. Un petit peu saturées. Ouais. C'est un film que j'aime beaucoup. Alors, c'est une comédie romantique à moitié parce que tout n'est pas comique, mais il y a des scènes qui, moi, me font beaucoup rire. Toi, t'es bizarre. Non, mais surtout dans la première moitié, c'est gratuit. En fait, le personnage du flic passe son temps à bouffer parce qu'il est déprimé. Et donc, pendant la nuit, il te raconte qu'il est au fur et à mesure, c'est une sorte de running gag. Il s'avale des dizaines et des dizaines de sandwichs dans la nuit. Il bouffe de l'ananas cru à toutes les sauces. Enfin, ça me fait beaucoup rire, personnellement. C'est vrai que c'est drôle. Ouais, c'est vraiment bizarre. Hein. Oui, non, mais raconte comme ça. Mon préféré, c'est quand il mange son troisième ananas. En fait, Wong Kar-wai, c'est un réalisateur qui filme quasiment que des histoires d'amour. Tous ses films, même quand il fait des films de sabre comme Les Cendres du Temps ou The Grandmaster, finalement, il y a toujours de l'amour sur une histoire d'amour. Et sur l'errance de ses personnages. L'errance est très importante chez lui. Il y a des montages souvent très particuliers parce que c'est un réalisateur qui a l'habitude d'énormément tourner, ça paraît paradoxal, mais improviser pendant les tournages selon ce qu'il a à sa disposition. Dans l'ensemble, les tournages chez lui durent une éternité. Et au final, il se retrouve avec énormément de matériel à monter et donc il construit son histoire presque au montage. Et ça donne des résultats que je trouve assez fascinants, foisonnants d'idées. Chaque plan est un tableau chez lui. Disons qu'il n'a pas de fil conducteur fixe au début, il a un plan, un storyboard. Et, puis voilà, film. Et dans l'ensemble, le fil conducteur est assez ténu à la fin, vu que les histoires sont toujours très floues. C'est ça. Chez lui. J'adore les ambiances qu'il crée, j'adore son style visuel. Il privilégie plutôt la beauté de l'image et justement faire passer une histoire par l'image que par des dialogues. C'est ça, par la vraie narration, regards, voilà. Beaucoup. Il est plutôt pour de la narration plutôt muette et passive en fait. Mm-hmm. Et passive. C'est intéressant, je veux dire que là, la façon dont on s'est décrit, la façon dont il travaille, c'est comme si, en fait, c'est quelqu'un qui faisait des carrés de couleurs et qui, après, les assemble pour faire une image en mettant de côté, en disant « Non, mais celui-là, finalement, je le prends mais pas. » Mais je pense qu'il y a un peu de ça dans sa façon de procéder. En fait, sa manière de procéder, pour faire un parallèle avec le comics, fait beaucoup penser à la méthode Marvel des années 60-70, où, en fait, les scénaristes venaient avec une histoire, ils filaient l'histoire au dessinateur, ils donnaient, en fait, les grands ponts de l'histoire au dessinateur. Mmh. Le dessinateur avait carte blanche pour faire les dessins qui lui plaisaient selon l'histoire, et ensuite, c'était le scénariste qui rajoutait les bulles, tout simplement. D'accord. Il n'y avait pas vraiment de réunion entre eux, voilà, chacun avait carte blanche de son côté. Ça fait un petit peu penser à ça, en fait, à la méthode Marvel, sa manière de réaliser à Wong Kar-wai. Encore un peu, mais c'est rare. Voilà, maintenant, c'est quand même assez rare. Maintenant, c'est limite plus C'est l'Hollandais qui fait plus ça que... Ouais. C'est vrai que maintenant, chez les gros, chez Marvel et chez DC, c'est quand même plus le scénariste qui a la main sur tout, en fait. Ouais. Qui dit au dessinateur, je veux que tu fasses ça, ça, ça, je veux que la case elle soit comme ça, comme ça. Bah, c'est pour ça que maintenant, les dessinateurs se barrent les indés, quoi. Ça dépend toujours des duos, après. Voilà, c'est ça. T'en as qui sont plus en synergie que d'autres. Bah voilà, quand c'est des gens qui ont déjà travaillé ensemble depuis longtemps, ils savent très bien ce qu'ils attendent l'un de l'autre, donc du coup, ça passe beaucoup mieux. Bah, et ça se remarque tout de suite, d'ailleurs. Il y a des trucs encore chez DC où j'ai l'impression que c'est encore un peu plus spontané que le dessinateur, plus ou moins, le pouvoir de faire ce qu'il veut. Je pense notamment par exemple au Harley Quinn, où t'as l'impression que le dessinateur il s'est fait des kiffs sur certains plans, quoi, des trucs où il se dit ça va être génial. Mais je pense que c'est assez compliqué d'avoir ce genre de synergie qui marche, dans la mesure où on en parlait une fois dans l'autre podcast, écoutez-le, il est vachement bien. C'est les dessinateurs des fois changent en plein milieu, donc il y a rarement des couples stables de scénaristes et de dessinateurs, et à partir de là pour avoir une synergie, voilà, pour Harley Quinn c'est un bon exemple forcément. Parce que c'est le même couple qui faisait le titre depuis 4 ans, donc c'est ça, c'est là, c'est Palmiotti et ils ont arrêté, mais et Connor, c'est ça, ouais, et Connor. Et donc le fait que ce soit Sarah Connor pour un album, le fait que ce soit le même dessinateur sur tout l'album, déjà ça permet justement de poser les trucs. Bah, ou dernièrement, Snyder et Capullo sur la série Batman qui ont tenu de nombreuses années ensemble, hein, sans être interrompu. Ouais. On en pense ce qu'on veut. Ah, mais le début du run est bien, hein. Après, c'est après que ça devient caca. Ouais, hein. Mais ça devient caca au scénario, jamais au dessin. Ouais. Capullo, il est toujours là pour faire son art. Ah, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ça reste toujours magnifique. Bref. Et quelle série Batman ? La série principale Batman avant Rebirth. Visiblement, quand on donne du DC à un mec qui s'appelle Snyder, voilà, c'est ça pas une bonne idée. C'est ça. Sauf Star Batman. Non. Vous battez pas. Donc, pour revenir à Wong Kar-wai, il y a aussi une très grosse importance de la musique chez lui. Alors, dans l'ensemble, c'est un mélange de morceaux qui existent déjà avant, de chansons pop. Dans Chungking Express, il y a California Dreaming qui revient souvent, et une reprise en chinois, en cantonais, de Dream Person, par Fei Wong d'ailleurs. Et des pistes originales, mais dans l'ensemble, les pistes originales, il appelle différents compositeurs. Mmh. En fait, c'est des musiques originales, mais qui sont composées, qui sont utilisées comme si c'était des morceaux qu'il reprenait, qui existaient déjà et qu'il reprenait parce qu'il les arrange à sa sauce, il les met là où il veut. Il demande pas au compositeur de composer pour un passage précis de ses films. Donc ça donne un résultat assez intéressant. Encore une fois, vu qu'il y a beaucoup de scènes muettes, bah, il y a beaucoup de scènes où c'est la musique qui est mise très en avant. Voilà, je vous recommande Wong Kar-wai, je vous recommande Chungking Express, parce que c'est peut-être la meilleure porte d'entrée dans son cinéma, encore plus qu'In the Mood for Love, je trouve. Oui, qui est un petit peu compliqué à suivre, In the Mood for Love. Ouais. Il est très bon, mais il faut s'accrocher quand même. Ouais. Et encore, je trouve que 2046, c'est encore plus compliqué. Ouais, ouais. C'est le premier Kar-wai que j'ai vu, ça a été une énorme claque. Mais il est plus compliqué. Et petite anecdote sur Chungking Express, parce que dans l'ensemble, comme je l'ai dit, les tournages sont interminables avec lui, et comme il a des grandes stars, ça coûte cher, très cher, ces films. Et il tournait à l'époque Les Cendres du Temps, donc un film de sabre, donc déjà avec des chorégraphies, des trucs, enfin c'était un délire complet. Le tournage s'éternisait, il y avait plein de grandes stars, c'était dans un désert, donc ça coûtait une fortune à tous les niveaux, le matériel se cassait, ils avaient besoin de ventilateurs, parce que sinon c'était pas tenable. Et ça s'appelle Don Quichotte, ça, avec le Terry William, ça. C'était le remake. D'accord. De toute façon, c'était un hommage. Le remake en congais. Et il y a ce film qui s'éternisait, c'était un gouffre financier, et les producteurs lui ont dit, bon, bah, mec, t'es gentil, mais tu vas nous faire un petit film, tu vas te débrouiller pour nous faire un truc qui rapporte un peu d'argent, là. Donc tu gardes les mêmes acteurs, plus ou moins, tu tournes de nuit, c'est pour ça que Chungking Express est majoritairement de nuit, et tu nous fais ça dans une ville, et surtout, tu nous fais ça rapidement. Et donc Chungking Express est peut-être le seul film qui est fait à peu près rapidement. Et ça a rapporté une fortune, effectivement. Il a bien rapporté, je crois. Et il l'a fait accidentellement parce qu'un autre de ses films coûtait trop cher. Voilà. C'est tout. Eh ben, on est parti du coup pour le dernier tour de table de recommandations. On va commencer avec ma dernière recommandation, du coup. Encore un film, je pense, qu'on a tous vu autour de cette table. Un grand classique des comédies, que ce soit comédie ou comédie romantique. Un jour sans fin, de Harold Ramis. T'as pas vu Un jour sans fin ? Non, très très bon film. Je pense que du coup, tous ceux qui l'ont vu autour de cette table sont d'accord. Oui. Hein ? Ah oui, très bon film. Avec Bill Murray et le retour de Andy McDowell dedans. L'histoire est très simple, on suit donc Bill Murray qui joue un météorologue imbu de lui-même, complètement le mec irascible comme beaucoup de rôles joués par Bill Murray, j'ai envie de dire. Météorologue, hein, il est pas journaliste, hein. Ben, il présente la météo. Oui, enfin, il présente la météo. Oui. Voilà, mais comme tout présentateur météo, ils ont très souvent des formations de météorologue. C'est, les mecs, ils prennent pas le premier venu. Ouais, tu vas faire la météo, connard. Ça, c'est marrant. Les mecs, s'y connaissent un peu. D'ailleurs, il y a un préquel qui est en préparation sur ses études de météorologue. C'est des études sans fin. Oh, putain. Et donc on suit ce mec-là qui, comme tous les ans, va pour le jour de la marmotte qui se trouve, c'est un événement qui existe pour de vrai en plus sur le sol américain. C'est ça qui est beau. Qui se passe dans une toute petite ville où en fait il y a une légende, une croyance populaire qui dit que si la marmotte, quand elle sort de son nid à l'arrivée du printemps, voit son ombre et qu'elle prend peur, qu'elle retourne dans son terrier, ça veut dire que l'hiver va encore perdurer. Et si elle ne voit pas son ombre et qu'elle n'a pas peur, ça veut dire que l'hiver arrive sur sa fin. Et donc il se... Mais en France, on a à peu près la même chose avec les fameux saints de glace. Je sais pas si quelqu'un connaît autour de cette table cette croyance populaire. Alors c'est une croyance populaire Des agriculteurs, paysanne, ouais. Voilà, c'est les paysans surtout qui dit, c'est Saint Ménard, Saint je sais pas quoi et un autre saint. Et ça, en fait, ça dit que si il fait froid les 9, 11 et 13 mai, eh ben on aura un été pourri. Et s'il fait beau ces jours-là, ces trois jours-là, ça veut dire qu'on aura un très bel été. Voilà, c'est aussi une croyance populaire française. C'est l'équivalent un peu du jour de la marmotte aux États-Unis, quoi. Et donc voilà, ce journaliste accompagné... C'est une histoire à 3 saints, quoi, comme dans Total Recall. C'est ça. Tu vois, dès qu'il y a des saints, on peut plus tenir. C'est pas dans le remake. Je n'ai pas vu le remake. Le remark. Le remark. Je n'ai pas vu le remerde. Le remerde. Un nouveau mot. J'approuve. Et donc voilà, ce météorologue journaliste accompagné de sa petite équipe se rend dans cette petite ville pour, comme tous les ans, et ça commence même à l'emmerder, faire le fameux documentaire annuel, le fameux marronnier sur le jour de la marmotte. Et Jean-Pierre Pernaut, il aime bien faire ça. Donc le jour où ça se passe, bah ça se passe. Ah, c'est pour ça que le remake français, en fait, ça s'est pas fait parce que c'est Jean-Pierre Pernaut qui se rendait au jour de la marmotte, il était super content et tout. Oui, comme chaque année. Alors que lui, il est pas très content d'être là, il veut se barrer et le jour une se fois, termine. Faire l'almanach Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que je vais pouvoir terminer l'histoire du film? Et donc, il termine sa journée, le lendemain, il se réveille normalement, sauf que le jour se répète, et ainsi de suite, le jour se répète, et ainsi de avec suite. Avec la même musique. Avec la même musique au et réveil. Avec toujours les debout mêmes... les campeurs, et haut voilà. Les cœurs, c'est la journée de la marmotte. C'est ça. On va cailler aujourd'hui. C'est ça, avec toujours la même routine qui s'installe. Et version américaine, si je me souviens bien, enfin version originale, c'est It's Marmottel, ou un truc comme ça. Non, non, c'est les mecs qui parlent normalement, ils parlent normalement. Le jour de la marmotte, ouais. Mais en tout cas, oui, c'est la musique après, on l'a en tête. Hein. Ouais, ouais. Ah putain, le réveil matin, j'en pouvais plus. Et donc, du coup, alors au début, il va un petit peu être perturbé, c'est normal, c'est un petit peu perturbant quand même comme situation. Après, il va commencer à profiter un petit peu de la situation, à foutre dans son pieu toutes les nanas de la région un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, il va quand même se rendre compte qu'il commence à avoir de l'affection pour la nana de son équipe, et il va apprendre à la connaître au fur et à mesure, et il va essayer de la draguer au fur et à mesure. T'as zappé aussi un passage très important, c'est qu'à un moment, il tente de mettre fin plusieurs fois à sa vie. Ce qui est hilarant. Il en peut plus. C'est-à-dire qu'il tente de s'électrocuter, il tente de se foutre. Alors, ça, c'est pas au début. Hein. Ça, c'est vraiment plutôt vers la moitié du film. Non, mais avant de commencer à vouloir sortir avec elle, il passe par toute une phase de déprime où il n'arrive même pas à en venir. Là, ça, c'est une scène. Quand il est avec la marmotte au volant de la voiture, c'est génial. C'est quand il kidnappe dans le vide. C'est quand il kidnappe la marmotte, qu'il a posé la marmotte devant lui, que c'est la marmotte qui tient le volant. Et que tu vois la marmotte en gros plan. C'est une scène qui est géniale. Et il est poursuivi par son équipe et les flics du coin. Et après, il se jette dans le fossé. Donc tu vois la bagnole qui s'explose en bas du ravin. Et t'as la nana qui fait « Oh mon Dieu, Phil !» Et t'as le cameraman qui fait « Mais peut-être qu'il a survécu. » Et là, t'as la bagnole qui explose. Ah non, peut-être pas. C'est génial. Et oui, après, t'as toutes ces tentatives où il est avec le grippin, il balance le grippin dans le bain pendant qu'il est dedans. Voilà, t'as plein de tentatives de suicide vraiment géniales, quoi. Avec la tête de Bill Murray. Qui est extraordinaire. Très pince sans rire, lui aussi. Oui, complètement. Il fait un casse aussi, mais alors le plus beau casse du monde. Oui, parce qu'il a tout prévu en avance. Il a repéré. Mais il l'a fait plusieurs fois, en fait, je crois. Oui, c'est ça. Il le tente plusieurs fois, son casse, jusqu'à ce que tout soit super léché. Mais du coup, on voit qu'une seule tentative, celle où elle réussit, quoi. C'est comme quand il apprend le piano, en fait. Oui. Il apprend le piano parce qu'il prend plein de leçons et du coup, à la fin, quand il arrive, c'est ma première leçon. Ah, mais vous jouez super bien, en fait. C'est ça. C'est, genre... c'est mon élève. C'est genre, il arrive, je viens pour une leçon de piano, mais je suis déjà avec une jeune étudiante. Et là, il sort 1000 balles de sa poche. C'est très urgent. Et du coup, t'as la meuf qui vire la petite. Et hop, il va faire sa leçon. C'est génial. Mais elle est virée comme une merde. C'est ça. C'est oui. C'est... Et c'est comme ça qu'il apprend tout, en fait. Bah, il apprend aussi beaucoup avec un sans-abri. Oui. Voilà, il apprend beaucoup avec un sans-abri. C'est à partir de là qu'il apprend l'affection, en fait, et à ressentir des émotions pour les autres. Parce qu'il est vraiment imbu de lui-même au début. Hein. Et ouais. Après, il veut sauver tout le monde. C'est ça. Ça devient Superman. Parce qu'il y a la scène qu'il saoule. Il y a la scène qu'il saoule tous les jours. C'est celle de son ancien pote de lycée, là. Qui tous les matins, le fait hey, Phil, tu te souviens de moi? Et il y a un matin où dès que l'autre s'approche de lui, bam, il lui envoie une grosse droite. Il en peut plus, quoi. Tellement drôle, cette scène. Et du coup, à chaque fois, il recommence sa conquête... Du début. Ouais, depuis le début. Mais donc, à chaque fois... Du coup, il en apprend de plus en plus. À chaque fois qu'il fait une erreur, il sait qu'il ne doit pas la refaire le lendemain. C'est ça. Il a tellement rodé ça, qu'à la fin, il pourrait faire son visage sans regarder dans la glace. Et il le fait. Il fait son visage dans la glace sans problème, en la regardant, mais il dit, maintenant, je pourrais le faire les yeux fermés. Et puis, c'est comme ça qu'il apprend tout, en fait. Parce que même pendant la période de drague, en fait, on voit qu'il y a des jours où il ne laissait pas de la draguer, où il utilise juste juste des journées pour apprendre des trucs en fait. Ah oui, c'est, il arrive dans la pièce. Devient super intelligent. Ça, j'avais trouvé ça super. C'est, il arrive dans la pièce. C'est quoi ton plat préféré? C'est ça. Ok, merci. Donc il prend des et le, du coup, le lendemain. Il cuisine. Ouais. Il dit, alors, je t'ai préparé ton plat préféré. Je suis sûr que tu vas adorer. Ah, mais je t'ai jamais dit mon plat préféré. Ah. Quelle intuition. C'est ça. Il y a la scène géniale aussi où il est en train de regarder le Jeopardy à la télé là, avec tous les vieux de l'hôtel. Et il donne toutes les réponses. Tu les connais par cœur. T'as tous les vieux qui les regardent comme ça, genre. Il y a un moment, il donne la réponse avant que le présentateur de l'émission ait posé la question. Et donc, quand la réponse est bonne, t'as la vieille qui regarde, genre. Hein? C'est tellement drôle. Et la femme, elle flippe jamais qu'il sache autant sur elle. Bah, il y a des moments, si. Alors... Mais après, il lui explique assez rapidement. Parce que oui, il est un petit peu farfelu comment il explique ça, genre, je suis un dieu. Hein? Et vu qu'il se foire souvent, il se prend des tartes dans la gueule, très souvent. Il y a même T'as tout un montage claque dans la gueule. Il y a un montage claque dans la gueule, voilà, c'est juste des claques dans la gueule qui se prend. Il date de quand comme film? 92 ou 13. Début des années 90. Ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait une grosse inspiration jeu vidéo pour ce film, parce que c'est un Die and Retry. Ah oui. Ah bah ouais, film. Ce que vous me dites, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Bah d'ailleurs, ça a inspiré beaucoup de trucs, hein, regarde. Non, mais c'est... Là, plein. Oui, par contre, il faut préciser, il ne faut pas forcément qu'il meure pour recommencer la journée. À partir du moment où soit il meurt, soit dès que la journée revient soit à 6h du matin, dès que ça revient à 6h du matin, paf, il se réveille dans son lit, et voilà. Il y a aussi le montage, pétage de plomb, défonçage de réveil à coup de poing. Oui, le réveil en plomb. Qui c'est là, boum, boum. Et du coup, enfin, sans spoiler la fin... Comment tu veux... Comment tu veux... Ouais, tu veux savoir si c'est un feel-good movie ou ouais, si ça voilà, se fait une mal. Il y a une logique et tout. Ouais, ah oui, il y a une logique et une vraie fin. Enfin, ça tient debout, quoi. Alors par contre, il n'y a pas d'explication sur pourquoi le temps remonte. Oui. Voilà, mais c'est tant mieux. Bah tant mieux, parce que on s'en fout. Tu t'en fous, ouais. 93. Mais voilà, c'est... Mais quand tu vois ce qu'il a appris, tu penses qu'il a passé des années dans sa boucle temporelle, quoi. C'est le mec qui... connaît la seconde ouais, près qui à tel endroit. Enfin voilà, c'est quand tu es un gamin à un moment. Donc là je montre la fameuse scène avec la marmotte derrière le volant. Oui, je veux dire, il sait à la seconde où sont les gens. C'est-à-dire qu'à un moment, tu le vois marcher tranquille. Là, regarde-le, il fait « Oh merde, je vais être en retard !» Il fonce, il rattrape un gamin qui est tombé d'un arbre. C'est ça. Il fait « Alors, petit, la prochaine fois, peut-être que je serai pas arrivé à l'heure. Hein. » Ah, c'est ça qu'il dit dans la VF. Voilà. Parce qu'en VO, en VO, en fait, il le ramasse. Et pendant qu'il le remet au sol, il dit « On dit quoi ? On dit quoi ? On dit quoi ?» Et le gamin, il se barre et il fait « Ah, c'est ça ! Jamais tu me diras merci, petit enfoiré !» Il dit aussi, enfin, je sais plus, c'est merde pour dire qu'un jour, il arrivera peut-être pas à l'heure. Et puis, et surtout, me dis pas merci. Voilà, un truc comme ça. Et ouais, et du coup, en fait, dans les derniers jours, on voit qu'il aide tout le monde. Genre, avant, il aide ce gamin. Après, paf, il file au restaurant pour aider un mec qui est en train de s'étouffer. Donc, tu sais, il lui fait la prise en appuyant sur l'estomac pour qu'il recrache. Et il sauve plein de gens comme ça. Et donc, du coup, à la fin, pendant la grande fête, quand il fait un slow avec la nana qu'il essaie de conquérir, bah, t'as tout le monde qui le remercie dans toute la ville. Genre, oh merci, sans vous, je serais mort. Oh là, merci d'avoir sauvé mon fils. Oh là là. Alors que avant c'était un inconnu quoi pour c'est eux. Ça. C'est... Oui, un peu un connard quoi. Un inconnu connard qui est arrivé le matin même et du coup bah oui c'est, et c'est vraiment le héros en une journée. Et puis oui c'est vraiment ce passage là avec le sans-abri qui est d'ailleurs très émouvant déjà. Ouais. Tout ce passage là et c'est ça surtout qui lui fait comprendre l'empathie et le fait devenir humain en fait. Et le fait que certaines choses sont inéluctables. Oui c'est et vrai, donc des trucs que tu ne peux pas voilà. Ça, c'est terrible, ça. C'est un très, très, très, très beau film. Très, oui, très drôle. C'est que c'est un film très drôle, qui a une vraie morale. Et du coup, avec un moment et très dur. Et qui n'impose pas trop sa morale. Non. Non, tu la ressens. Tu la ressens sans qu'on te l'impose. Donc, c'est bien foutu. Et puis surtout que c'est une morale assez saine, quand même. Parce que dans le fond, la morale, c'est faut pas être un connard, quoi, dans la vie. C'est ça. On peut dire quand même, c'est quand même une morale qu'on sera tous d'accord avec. Hein. Mort, de temps en temps. Ça dépend, hein, ceux qui réussissent bien. Hein. Ça fait vraiment partie de mes feel good movies de Noël. Ouais. Ah, typiquement, oui, c'est un film. Je le remettrai cette année, je pense. Typiquement, c'est un film de Noël. Hein. Ouais. Typiquement, un film de Noël, clairement. Mais donc, oui, réalisé par Harold Ramis. Scénarisé par. Je crois pas que ce soit Harold Ramis qui l'ait réalisé celui-là. Mais scénarisé. Mais donc, Harold Ramis, à qui on doit le scénario de Ghostbusters et Ghostbusters 2 déjà. Le mec, il pèse un petit peu, quoi. Enfin, et il pesait. Ghostbusters, le jeu vidéo sur PC, je crois aussi, parce que c'était le vrai scénar qu'aurait dû avoir pour Ghostbusters 3. Il joue dedans, ouais. Mais enfin, qui pesait du coup, puisqu'il nous a quittés en 2010, il me semble. Voilà. C'est con qui. Alors, comme d'habitude, c'est Hollywood attend la mort du mec qui voulait absolument une suite à Ghostbusters pour lancer la suite de Ghostbusters, quoi. C'est. À chaque fois, c'est comme ça, quoi. Ouais, mais en virant complètement le scénario de base. Voilà. Tu vois, C'est super. La télévision américaine a attendu que Dean Anderson soit beaucoup trop vieux pour refaire MacGyver, quoi. Alors que lui, depuis des années, il veut faire un film MacGyver et jouer dedans. Bah non, maintenant, mon gars, t'es trop vieux, on va appeler une nouvelle équipe, on va faire des liens avec des petits jeunes. Puis dans quel état il est aussi ? Dean Anderson ou le nouveau MacGyver ? Non, Dean Anderson. Les deux, hein. Parce que le nouveau MacGyver, c'est de la merde aussi. Non, mais je veux dire Dean Anderson. D'accord. Sinon... Les cachetons. Ah oui. Ah bah c'est pas... Mm. Par contre, un truc qui m'avait surpris, c'était de revoir... comment il s'appelait ? Celui qui était dans la série Code Quantum, Scott Bakula. Scott Bakula, ouais. Scott Bakula, ça m'a fait bizarre de le voir dans la série NCIS. Je savais pas du tout. J'ai vu ça la dernière fois. Je regarde pas du tout la télé. D'un seul coup, je vois Scott Bakula. Je lui dis, il s'est passé quoi ? J'ai voyagé dans le temps. Je suis retourné dans les années 90. C'est ça. Secours. Mais ça m'a fait marrer. Ouais, et puis je pense qu'on a tous beaucoup d'amour pour Bill Murray aussi. Hein. Oui, ah, aussi ça. Bill Murray, ouais, c'est quand même un acteur extraordinaire. À chaque fois ses apparitions, c'est un acteur qui est doué d'autodérision, quoi. C'est surtout ça. Mm. Et qui a un capital sympathie énorme. Il suffit de voir son rôle dans Zombieland. Justement, voilà. J'ai pensé Zombieland, on voit sa maison avec son côté moi sur les tableaux. Les trucs. Bill Murray, un autre film dans lequel je l'adore, c'est quand. Rushmore. Oui. C'est, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas vu. Très bon. De Wes Anderson, donc déjà un très bon réalisateur et qui a souvent collaboré avec Bill Murray, même dans, il fait un caméo dans quasi, au moins un caméo dans quasiment tous ses films. Mmh. Et il fait pas une voix dans Mr. Fox ? Si. Ouais. Si. Et c'est pas le narrateur ? Si. Voilà. Je crois. Ça passe. Et il apparaît dans tous, c'est dans des tout petits rôles des fois, mais il y est tout le temps. Et puis il y a des rôles où il est plus important, genre La Vie Aquatique. Dans La Vie Aquatique, et y en a trois où il est important, c'est Rushmore, La Vie Aquatique et La Famille Tenenbaum. Oui. Sinon, par exemple, dans Le Train, le Darjeeling Limited, il joue juste le voyageur en retard qui rate le train au début. Bref, et Rushmore, en fait, il joue un patron, un dirigeant de fac, comment on appelle ça ? Oui, non, je vois tout à fait. Le doyen ? Ouais, voilà. Ah, oui, voilà. Doyen de fac. Oh. Qui se retrouve en compétition avec un de ses élèves pour l'amour d'une prof de la fac. Et il est très drôle dedans. Voilà, donc je vous conseille vraiment Rushmore. C'est Wes Anderson et Bill Murray à leur meilleur. Et Schwartzman aussi, parce que c'est lui qui joue les tuyens. Bah, globalement, Bill Murray sait choisir ses films aussi. Hein. Oui. Globalement, il fait attention dans quoi il joue. Quoi. Sauf Garfield. C'est son regret. Mais je pense que c'est parce que Bill Murray, il aime bien tout ce qui est cartoon et tout. Il aime bien tout ce qui est dessin animé, bande dessinée, donc je pense que ça devait lui faire plaisir de jouer dans Garfield. Bon. Et après, il a regretté. Ça a tourné comme ça a tourné. Hein, mais... il est aussi dans Space Jam. Hein. Ouais. Mais ça, c'est son amour des cartoons, justement, qui fait qu'il est dans Space Jam. Hein, plus que... Space Jam, alors... Ouais. Bof, ça a mal vieilli. À côté de ça, la technologie utilisée, alors que c'était pour économiser les bouts de ficelle au début, la technologie qu'ils ont utilisée pour l'animation des personnages et ce côté relief sur les personnages était géniale à l'époque. Mm-hmm. C'est justement, c'est ça qui a vieilli maintenant aujourd'hui. Le côté relief est un petit peu dégueu. Ouais, mais à l'époque, tu voyais ça, tu disais, oh putain, il faut réaliste. Ouais, ouais. Voilà, ouais, je kiffais. C'est l'époque où on trouvait les jeux 16 bits réalistes. Hein, donc, C'est à l'époque où on avait beaucoup d'imagination. Voilà. On était sympa quand même. Hein. Bon, bon. Les Japonais continuent à faire des trucs avec 16 bits. Hein. Ouais. Non, relève pas les bits. Dibble Blake. On a fait le tour sur Un jour sans fin. Ouais, je pense voyez-le. Qu'on recommande tous les trois à 200%. C'est ça. C'est clairement un film qu'il faut voir quand on aime les comédies romantiques. Puis quand on a un petit coup de déprime. Ouais, un jour sans fin, ça fait du bien. Ce genre de film, ça fait clairement du bien. Et ben voilà, moi j'en ai fini avec mes recours, on va passer à la dernière d'Alex, du coup. Ouais. Et il me semble que ça c'est un film que tu es le seul à avoir vu pour le coup. Ouais, donc ce sera rapide je pense. Donc Hors du temps, un film avec Rachel McAdams, donc une récurrente du genre romantique bien connue, et Eric Bana, réalisé par Robert Schwenk. Eric Bana, le premier Hulk, ouais. avant Edward Norton et avant celui qu'on a maintenant. Super Hulk. Non. C'était héroïque. Moi, le Hulk de Ang Lee. Moi, pour moi, Hulk, ça reste Lou Ferrigno, et puis voilà. Hulk Hogan. Donc Hors du temps, ça mélange plutôt du fantastique et donc de la romance, puisque on est dans la romance. Eric Bana, en fait, il joue le rôle d'un mec qui est atteint d'une maladie qui le fait voyager dans le temps, mais sans pouvoir contrôler ce pouvoir, justement. Ah. Donc il se retrouve dans le passé, dans le futur, c'est pas lui qui décide. Donc en fait le film se concentre à la fois sur son passé à lui, donc il revit des moments avec son père ou même des moments où il était jeune, mais aussi des moments avec Rachel McAdams qui est sa femme dans le présent et le futur, mais aussi dans le passé où elle va la découvrir petite pour découvrir son histoire, etc. Et même, en fait, ça va créer un espèce de millimélo temporel où elle va le voir quand elle était petite, puis elle va le chercher quand elle sera grande, etc. Bref, ça va créer un millimélo temporel comme on en connaît tout le temps, en fait, des espèces de paradoxes inexplicables. Mm-hmm. Au niveau de la relation amoureuse, de toute façon, c'est du classique, hein, je veux dire, c'est son prince charmant qu'elle rêve depuis qu'elle est toute petite, et quand elle est grande, elle le voit, etc. Okay. Pas grand chose de plus à dire, de toute façon. En fait. Il a l'air tellement blasé. C'est un film où il y a des voyages temporels qui sont pas maîtrisés par un mec. Bah ouais, c'est le reproche comme d'habitude, que j'ai... quoi. J'adore ce film parce que, ouais, le côté fantastique, vraiment, ça m'a beaucoup plu quand je l'avais vu. Mais c'est vrai que c'est pas logique. Il y a des paradoxes qui sont inexplicables. Ah, mais tous les films avec voyage dans le temps, t'as des paradoxes de fou. Hein. Ah, oui. Tous. Mais il est très touchant. On découvre plein de passages, justement. Moi, j'ai beaucoup plus aimé la partie sur lui où on revient des passages avec son père, etc., qui sont vraiment cool. Et bon, il y a aussi des passages dramatiques avec elle, après dans le futur, qui découvrent, enfin qui développent leur relation amoureuse, etc. Voilà. La petite est d'accord avec toi. Ouais, on dirait. On l'a vu en... Non, je... non, mais le pitch est intéressant. Ouais, bah, j'ai un peu de mal à le vendre, mais ouais, moi c'est vraiment un film qui me plaît beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Mais j'aurais dû parler de Heure, franchement. Bah, profite. J'y ai pas pensé. Parle-nous de Heure. À la limite. Non, je pense qu'on le fera dans une autre podcast. Dans une autre podcast recommandation. Parce qu'on fera plusieurs podcasts recommandations. Je peux pas me le garder. De ce que je vois, ça nous d'amour amuse avec un robot. Ouais. C'est pas un robot dans Heure. On peut faire des trucs sur l'intelligence artificielle, ce serait cool. Mais parce que je vois que ça nous amuse bien de faire des trucs recommandations, donc on en fera d'autres. Et puis ça nous détend un petit peu. Il y a eu un film entièrement scénarisé par une intelligence artificielle. C'est un court métrage qu'ils avaient fait comme ça. En programmant une intelligence artificielle pour qu'elle sorte un scénario de court-métrage, et c'est disponible sur YouTube, je crois, ça n'a aucun sens, en fait. C'est assez rigolo à voir, parce que ça prouve bien l'importance de la présence humaine pour ce genre de processus créatif. Ça n'a vraiment aucun sens. Et je crois que récemment, il y a une intelligence artificielle qui a été programmée pour faire la suite de Game of Thrones. Bon, ça fait 4-5 saisons. Hein. On appelle ça les spectateurs. C'est... aussi, ouais. Mais sinon, ouais. Si, le truc de Besson, ça marche bien. Là. La machine à... Lucie ? Non, la machine à faire des films de Mosinor. Ah, ouais, c'est... Alors là, c'est un chauffeur de taxi qui sauve une pute. Le frein, il casse les gueules à un gros black. Non, mais en plus, parenthèse, j'ai vu le baiser mortel du dragon l'autre jour que j'avais jamais vu. Et c'est tellement exactement... Mais t'as tout, t'as la pute, t'as les taxis, t'as les Audi et t'as le gros blanc, quoi. Alors il faut pas. Mais Mosinor est un génie. Mosinor, il a tellement. Voilà, du coup, bah, c'est pour ça que Besson s'est senti obligé de faire Lucie, tu vois. C'est ça. Parce qu'il s'est dit, ah, c'est bon, j'en ai marre. Et il a ouvert Mosinor la section. Il a ouvert la section commentaires sur cette dernière vidéo. Ah oui ouais. Besson. Non, Mosinor. Mosinor. Mosinor, maintenant, oui, quand il fait des vidéos, maintenant, c'est dans l'instant. Mais enfin, Lucie, ça règle pas tous les problèmes parce qu'elle casse la gueule à des Chinois. Hein. Il y a des Audi aussi, donc. Ouais, mais ce coup-ci, c'est une nana, tu vois. C'est la fille qui. Voilà, on s'en fout. Non, mais à la limite, le problème de la méthode Besson, c'est souvent dans les films qu'il produit et pas dans les films qu'il réalise, parce qu'une héroïne chez Besson, c'était pas la première fois, faut pas déconner. Oui. Mais bah oui, il y avait Nikita, par exemple. Ouais, même dans Léon, elle a un rôle assez important. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, quoi qu'on en pense. Le cinquième élément. Bah lui, il aime pas, donc il va pas le défendre. Si, j'aime bien. Ah, t'aimes bien. C'est moi justement qui aime pas le cinquième. Ah, c'est toi qui aime pas, c'est moi qui aime pas. Ah oui, c'est toi. Même la scène de chant, là, en plein milieu. Non. C'est chiant. Donc, parenthèse, Besson, du coup, apparemment prépare Lucie 2, mais lui, il veut pas qu'on le dise. Mais bon. Ah, ça fait un moment. Prépare Lucie 2 quand même. Qu'il disait ne jamais faire, il y a quelques années. Voilà. Et c'est, en fait, c'est quand ça commence quand il y en a un qui formate la clé. C'est ça. C'est ça. Du coup, il la tue. Alors, non, en fait, c'est pas ça qui se passe, c'est que au moment d'extraire la clé, il y a un problème Windows. Mais c'est, faut toujours dire extraire le périphérique. C'est maintenant, ça. Mais on l'aura répété 200 fois. Le périphérique peut être retiré en toute sécurité. C'est ça. Bon, allez, Issam. Ou alors, c'est qu'ils essaient de la brancher sur un Mac et c'est pas compatible. Il s'en bat les couilles. Allez, Issam. Donc, ta dernière recommandation. Moi, ma dernière recommandation, c'est on va revenir à un film français. Ouais. Prête-moi ta main, voilà. Cocorico. C'est On connaît la chanson de Alain René, donc qui est un film de 1997 avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri qui sont aussi les scénaristes. André Dussolier, Lambert Wilson et Sabine Azéma. Donc Dussolier, Azema, Wilson et Arditi. Il y a aussi Arditi que t'as oublié de préciser. Ah, moi, c'est pas moi, c'est Wikipédia. Hein. Il y a Pierre Arditi aussi. Mais de toute façon, le casting est fou. C'est un peu la troupe Rennais, en fait. C'est Azema, Dussolier, Arditi et Wilson. Ils apparaissent dans plein de films d'Alain Rennais. Et comme c'est des acteurs géniaux et que c'est un réalisateur génial, bah, ça donne toujours un résultat de très bonne qualité. C'est un film coro. Ouais. Il va falloir qu'on crée un macaron. En plus, il y a une métaphore avec des méduses à un moment. Ah, ouais. L'histoire, je vais pas vraiment la résumer. On va dire que c'est des histoires de couples qui vont et viennent. Ah, c'est de la tranche de vie. C'est ça, c'est de la tranche de vie. La particularité. Ouais, du pas film... la peine de nous le dire, on connaît la chanson. Et la particularité du film, c'est que tout au long du film, des extraits de chansons populaires françaises sont insérés. Alors, c'est des extraits qui vont être chantés en playback par les acteurs, c'est-à-dire ils bougent les lèvres comme s'ils chantaient la chanson. Par contre, ce qui est laissé en fond sonore, c'est la vraie chanson par son véritable interprète. Donc, des fois, on va se retrouver avec Sabine Azéma qui se retrouve avec la voix de France Gall qui chante Résiste, enfin des trucs comme ça. Avec la voix de Joey Star. Ça arrive qu'un mec ait une chanson chantée par une femme. Ça arrive plusieurs fois dans le film ou inversement. Je pense que ça me choquerait moins que Azéma sur la. Sur du Joey Star. C'est, voilà. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Hein. C'est très drôle déjà parce que. Bacri sur du Larousseau. Non, mais. Bacri, à un moment, chante une vieille chanson des années 30. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est très bien écrit parce que Bacri et Jaoui sont des très très bons scénaristes. C'est très bien filmé, c'est avec une certaine finesse, mais René, c'est quelqu'un qui s'amuse à reprendre les codes d'autres genres, d'autres arts, pour les incorporer dans le cinéma. Donc là, il y a pas mal de codes du théâtre et du musical qui vont se retrouver retransmis dans le film, mais de manière à... ça rend pas théâtre filmé pour autant. C'est très cinématographique. C'est léger, j'adore la majorité des chansons qui sont présentées dedans, donc il y a un petit côté un peu jukebox ambulant qui, moi, me plaît. T'aimes bien les coraux, de toute façon. Donc... Voilà. C'est ça. C'est ta canne. Ah bah oui, c'est ça. J'en ai chez moi dans un aquarium. Je regarde ça tous les soirs pendant des heures. Pour s'endormir. Voilà. Donc voilà, je recommande. J'aurais du mal à en parler plus avant. Ouais. Parce que c'est un film vraiment tranche de vie. Et puis l'audio compte beaucoup. Donc ouais. En fait, sans tu peux pas décrire leur senti audio. Puis c'est pas pour rien qu'il a repris des chansons populaires. Je pense que le propos, c'est vraiment... Ouais, c'est ce que je raconte, c'est des histoires d'amour très ordinaires. C'est... Effectivement, tu disais, on connaît la chanson comme une blague, mais c'est exactement ça. C'est, on sait comment ça va se terminer, on sait comment ça va se passer, mais on le vit quand même, quoi, et ça reste comme une chanson populaire. Et voilà, il y a des chansons que pratiquement tout le monde connaît, enfin connaissait au moment du film. Ouais, c'est ça, il y en a certaines qui sont un peu passées de mode. Voilà, ça, maintenant c'est... Donc voilà, grosse recommandation sur celui-là. Non, moi, et cool. Pour René en général, hein, c'est, je pense, un des meilleurs réalisateurs français, il a une filmographie passionnante. Son autre film avec Bacri, enfin scénarisé par Bacri et Jaoui, Smoking No Smoking, je sais pas si vous l'avez vu. Avec Pierre Arditi encore. Pierre Arditi et Sabine Azéma, les deux, seulement eux. Alors en fait, c'est deux films, il y en a un c'est Smoking, l'autre c'est No Smoking. C'est très long, hein, parce que les deux ensemble ça dure 5 heures. Oui. Oh, ça va. Mais généralement on en regarde un. Ah non, j'ai regardé les deux défilés, moi. Et en fait, l'histoire, c'est les deux commencent exactement de la même façon, mais au bout d'un moment, dans Smoking, un personnage décide de fumer, dans No Smoking, il décide de pas fumer. Et ça oriente l'histoire dans deux sens différents. Et à plusieurs, on a une première histoire qui se déroule dans chacun des deux films. Et puis à un moment, ça te dit, et si à ce moment-là, tel personnage avait fait tel choix ? Et ça te donne une deuxième fin au film. Et comme ça, au total, sur les deux films, on a 12 fins possibles avec la même base commune. C'est que des scènes à deux personnages, parce que tous les personnages du film sont joués par Azema et Arditi. Donc ils jouent, je crois qu'elle joue 4 personnages et lui 5, ou l'inverse. Et pareil, c'est génial à voir. Quoi. Ouais, c'est très drôle, le concept est génial. Ça fait une... Oui, ça fait une... Et voilà, ça fait une expérience intéressante. C'est ça l'expérience. Et en fait, c'est toujours ça, René. Il part d'un concept et il fait un film super intéressant derrière. Je me souviens de la boîte, j'avais la boîte français, DVD chez moi et c'était effectivement une sorte de paquet de cigarettes. Ah, t'as une édition collector alors. Ouais. J'ai pas celle-là, moi. T'es dégueu. C'est la mère qui l'avait eu pour son anniversaire. Est-ce que tu jalouses bien? Ouais, toi, c'est... t'as des coraux, mais envie... lui, il a une édition collector. Il a envie de te défoncer. C'est là. Ça. Il a un meilleur film coraux que moi. Koro-sensei. Non, j'ai dû arriver. Ouais, t'as parlé de Méduse tout à l'heure, j'ai pensé à coraux. Si tu veux, il peut t'échanger 3 coraux super contre ton 3 coraux, ton coraux super. Ah là là. Donc, grosse recommandation sur. Ouais, voilà, et sur. Encore une fois, c'est comme pour Wong Kar-wai et Allen, en fait. Je recommande ce film, mais le réalisateur ouais. qui est derrière aussi, qui est mort il y a quelques années. Mm. Mais non, il est sur une île avec Elvis. Rip. Ouais. Avec Elvis, Tupac et Michael. Michael Jackson. Michael Jackson. Oui. Et Jimmy McCullough. L'avantage de René, c'est qu'il a un héritier spirituel avec Dalidas. Et Raptor Jésus. Et Jean Rochefort. Raptor Jésus. Il est sérieux. Je savais pas que Raptor Jésus et tout ça. Tu connais le pastafarisme ? Franchement, Ravis, c'était classique. Putain, Raptor Jésus, quoi, merde. Ah la vache. La fille sur Raptor Jésus, hein, quand même. Oui. Ah bah, c'est une belle conclusion mais, pour l'année. Hein. Mais il faut parler de Raptor Jésus, c'est tout. Donc, on va passer. On va terminer les recos avec Necro, qui du coup va nous parler d'une série. Comme ça, on va embrayer un petit peu. On va voir si on peut conseiller des séries un petit peu rigolotes, un petit peu romantiques, même si dans les séries, c'est plus compliqué, vu qu'en général, il y a de la romance dans toutes les séries, ou dans énormément de séries, même si c'est pas le sujet principal. Donc, je pense qu'on va plutôt parler de trucs un petit peu comédie. Et puis, on va s'arrêter là après. Bah, Stranger Things, déjà, il y a un peu moins de. Dans 24 heures, chrono aussi, il y en a pas les masses. Ah ouais, il y a des séries où il y en a pas. Hein. Après oui, t'as l'amour entre camarades, entre enfants, quoi. L'amour affectueux, quoi. Pas l'amour vrai. Ah oui, dans Stranger Things, oui. Les bros. Voilà. Par contre, il y a un faux raccord dans le premier épisode qui m'a tout niqué. Mais il t'en faut peu. Ah non, mais c'est... Toi. C'est vraiment le faux raccord qui est tellement évident que tu l'as dit. Eh putain, les gars! Wow! Bah, c'est vrai que le personnage qui est blanc et qui devient noir, c'est un peu gros, quoi. J'en étais sûr que t'allais sortir. Alors, juste pour le truc, c'est-à-dire, j'ai commencé il y a très peu de temps, et là, il y a il y a le frère et la sœur qui sont en train de s'engueuler à table parce que le frère a mis de la sauce que la sœur ne voulait pas dans l'assiette. Et pendant ce temps-là, t'as une scène au téléphone et tu vois une vue sur la table derrière, légèrement floutée. Il n'y a pas la sauce. Sauf qu'ils sont en train de s'engueuler, tu les entends. Et là, tu vois, ils sont tous sages derrière, alors que t'as la voix qui continue, il se passe plus rien derrière. Ah. Et là, ça rezoome sur eux, et là, ils sont vraiment encore en train de s'engueuler, mais normalement, en bougeant et tout. Et du coup, ça... Mais non, mais c'est que c'est un montage alterné, c'est pas la même temporalité. C'est pas la même temporalité, c'est... Et si jamais ils se battaient pas C'est juste que c'est une chose étrange, quoi, c'est tout. C'est ça, c'est une Stranger Things. Non, mais ça va être expliqué dans la saison 3, ça. Bah oui, mais tu connais pas le fameux « ta gueule, c'est magique » Bah voilà. Ouais. Bon allez, vas-y, parle-nous. Et en parlant de magie, on va parler de Desperate Housewives. Je vois pas le rapport, mais... Ah, tu vas le voir très vite. Il dit qu'il voit pas le rapport. Qui commence avec la mort d'une femme. C'est vrai que c'est magique. La mort, c'est magique. En parlant de la mort d'une femme, il y a une femme qui est morte pendant un concert de Sardou. Vous avez vu ça? Quoi? Oui, j'ai une femme qui a fait une crise cardiaque pendant un concert de Michel Sardou. Ah, ça devait être les Connemara. Ah, c'est le Connemara. Ah, ça c'est... À chaque fois, ça emporte une dizaine de personnes âgées. C'est le concert qu'il a fait dernièrement, là, le concert d'adieu. Bah, ah, mais... C'était un gros concert d'adieu. Hein. Mais c'est quand ils ont fait les pogos, ça, non? Maintenant, quand il y a les grosses chaleurs, les concerts de Sardou, ils font porter les boules caisses en même temps qu'ils donnent des bouteilles d'eau. Non, c'est voilà, c'est horrible. Non, j'ai un ami qui a eu un commentaire très juste, c'est les femmes des années 80 qui vieillissent. C'était pendant le headbanger. Alors, donc, qu'est-ce qui est magique dans Desperate Housewives? Donc, il y a une femme qui meurt. Oui. Et voilà. On va suivre finalement l'histoire de ses 4 meilleurs amis. Ouais. Mais la narratrice, c'est celle qui est morte. Mmh. Oui, c'est et là déjà, que c'est magique. Et déjà, c'est magique. Voilà, c'est ça qui est magique. D'ailleurs, c'est le seul truc magique dans tout le. Alors d'ailleurs, il y a quelques épisodes au fil de la série qui sont narrés par d'autres morts. Oui, bah oui, parce qu'entre temps, il y a des morts. Ouais. Hein. Il y en a un paquet. Donc créé par Mark Sherry avec Terry Hatcher, Felicity Huffman. Marcia Cross et Eva Longoria. Alors, faut savoir qu'en plus, ces actrices-là étaient toutes proches de la quarantaine ou avaient la quarantaine et étaient connues pour d'autres séries, d'autres trucs, d'autres machins. Donc, elles étaient assez connues quand elles ont fait la série. La plus connue étant quand même Terry Hatcher. Oui, pour Terry Hatcher, pour Lois et Clark. Mais alors, ce qui est super, c'est qu'il y a des actrices, elles sont tellement belles que je me disais, mais non, c'est pas possible, elles ont pas 40. Ah oui, je croyais que t'allais dire botox. Elles sont pas à part Terry Hatcher. Terry Hatcher est magnifique dans cette série. Même Eva Longoria, elle le fait pas. Moi je trouve qu'elle l'est fait, mais dans le bon sens. Oui, mais celle qui fait vraiment plus son âge, c'est l'autre. C'est la blonde. C'est la blonde, ouais. Longoria, c'est peut-être aussi lié à son personnage qui est très froid, donc qui fait plus âgé peut-être aussi au niveau coiffure. Non, elle est pas froide, Longoria. Au contraire, elle est extra. Ah non, je confondais avec Marcia Cross, pardon. C'est le personnage de Brie qui est froid. Ah, bah, d'ailleurs, oui, elle fait presque son âge aussi. Qui veut tout maîtriser à la perfection. Je confondais les deux noms. C'est Marge Simpson. Brie, c'est Marge Simpson. Mais Marge Simpson en pire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Marge Simpson fusionné avec les valeurs Flanders. Oui, parce que très religieuse. Et qui se retrouverait dans une situation où elle veut une famille parfaite. Et que ça se sache que sa famille est parfaite. À côté de ça, elle apprend que son fils... alors, son fils a des relations gays. En même temps, il est à moitié tox, si je me souviens bien. Mmh. Son mari l'a trompé. Il part à l'armée, puis il arrête l'armée. Enfin, c'est n'importe quoi. Il lui arrive toutes les pires merdes du monde. Et elle fait tout pour que ça ne se sache pas. Mais c'est un putain de personnage. Et au final, son fils, il devient pire qu'elle, après. Oui, mais elle a quand même une certaine maîtrise au début du truc, où elle les met ou pas tout de suite en disant ouais. Ah, ça va pas se savoir. Le fils devient cool dans les saisons suivantes. Ouais, à la fin, oui, il est cool, mais dans le milieu, ça devient vraiment la grosse pute. C'est dans l'ensemble, les enfants se développent bien, que ce soit le fils de Brie ou la fille de. Bah, la fille, elle s'efface un peu plus. Non, je pensais à la fille de quand De Terry Hatcher. Ouais, de Terry Hatcher. Ouais. Comment ça. C'est une série que globalement, on a un peu tous suivi sur les premières saisons, si je comprends bien. Ouais, c'est une des rares séries que j'ai suivi jusqu'au bout. C'est ce que j'étais en train de dire, je me disais, mais merde. Ouais, j'ai beaucoup vu Desperate Housewives. D'accord. Alors, Desperate Housewives, pourquoi moi ça m'a attiré cette série-là au début? Au début, je voyais ça comme une sitcom à la con. Eva Longoria. Et je me disais, tiens, c'est super, il y a Terry Hatcher qui fait des trucs, quoi, c'est tout. Et puis je m'en foutais. Et c'est quand j'ai su qui avait fait la musique. Danny Elfman. Et normalement, Danny Elfman qui fait une musique pour un truc, c'est que normalement, il y a quelque chose. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même regarder un épisode 2. Et à partir de quelques épisodes, ça commence à partir en steak. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une histoire d'un mec qui a été... Il y a eu un meurtre. Le mec est enterré... je me souviens plus. Est enterré derrière une des maisons du quartier. Et c'est un quartier où tout est impeccable, tout est beau. Tout le monde... Personne n'a de problème de thunes. Tout se passe bien. C'est un quartier bobo. Hein. Ah, c'est le quartier très bobo. Ils ont tous du fric, tout va bien. Et là, Sex and the City, quand même. Oui. Tout ne va pas forcément bien parce que finalement il y a plein d'histoires de meurtres, de mœurs et tout ça, et ça dérive de plus en plus. Même un petit peu trop au bout d'un moment. Ça devient un peu kitschoui. Mais il y a un moment où ça devient une sorte de Games of Thrones où tu sais plus qui va, oui, qui va crever ou ça reste fun et regardable. Une saison où t'as une famille black qui s'installe dans le quartier et on nous fait plein de mystères autour d'eux et au final c'est. C'est juste son fils qui a tué quelqu'un. Ouais, puis ça fait un petit peu pétard mouillé. Il y a un des fils qui est fou, qui est informé dans la cave. Non, je crois qu'il est pas fou, il est handicapé. Oui, voilà. Mental, Il a tué quelqu'un. De toute façon, mon personnage préféré dans les débuts, c'est Brie Van Der Kamp. C'est Brie. Brie, c'est vraiment. Suzanne, elle est cool. C'est un j'adore. Donc Suzanne, Terry Hatcher. Ouais, j'adore l'actrice. Insupportable, Terry Hatcher. J'adore l'actrice, moi. L'actrice, je l'aime bien, mais c'est le personnage, je le déteste. Ah, mais elle est gauche. Après, c'est peut-être la VF qui est pire, mais. Ah, peut-être. Mais elle est gauche au possible, elle se foire tout le temps. Je veux dire, l'un de ses premiers rendez-vous romantiques qu'elle fait, elle finit par se retrouver à poil dans un buisson parce qu'elle s'est loupée et qu'elle s'est vautrée dans le buisson. Et du coup, elle est. Voilà, la première rencontre romantique, la première soirée romantique qu'il devait faire, c'est tu peux aller me chercher des affaires, s'il te plaît, pendant que je t'attends dans le buisson. Puis même, je trouve que quand tu fais le bilan de la série, que t'as vu tous les épisodes, c'est le personnage qui a le moins évolué, j'ai l'impression. Ah bah, celui qui a le plus évolué, c'est Brie. Oui, clairement. Mm. C'est Brie et Eva Longoria aussi. Le personnage de Eva Longoria a évolué beaucoup aussi. Après, Suzanne lui arrive beaucoup. Linette. Linette lui arrive beaucoup de choses, mais en général, elle reste la même. Bah, le couple à Linette, c'est surtout le mari qui évolue pas mal. Ouais. Bah, c'est peut-être les plus stables. Hein, voilà, c'est on suit une évolution. Et son mari. Et on a les moments, on a quand même l'horreur humaine qui apparaît à certains moments où on se dit ah la vache, ah ouais. Tu parles de qui? L'horreur humaine, en général. Ah, c'est des fois, que tu parlais de quelqu'un, c'est une métaphore. Voilà. D'accord, ok. Et des fois, l'horreur romaine qui vient même des personnages principaux, qui d'un seul coup décident de profiter de situations de façon complètement dégueulasse. Big up à Eva Longoria, hein, aussi. Voilà, quand elle profite de son mari qui est aveugle. Mais dès les débuts, son mari est aveugle, point barre, c'est « Ah, tu vas voir, je vais te chouchouter, je vais m'occuper de toi et tout. Attends, faut que je m'occupe d'un truc pour toi. » Voilà. Non, en fait, elle l'entraîne en voiture, elle le laisse dans la voiture avec le macaron handicapé sur la bagnole et elle fait toutes ses courses et elle revient 2 heures après, un truc comme ça, en disant « Ah, excuse-moi, j'ai vraiment été bloqué dans le service et tout, c'était terrible. » Alors qu'en fait, non, on n'avait rien à branler. Mais ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution morale et mentale des personnages au fur et à mesure du truc. Quoi. Moi, pour le coup, c'est pas une série que j'ai regardée jusqu'au bout. Au bout d'un moment, ça m'a lassé. Alors, je l'ai pas regardé jusqu'au bout. Je la continuerai sans doute un jour. J'ai pas ressenti de grosses déceptions, de grosses trahisons en la regardant. La fin est décevante. La fin, genre la dernière saison. La dernière saison est plutôt cool, globalement. Bah, la dernière saison, elle se concentre sur les personnages. En fait, il y a plus trop d'histoires de crime. Ouais, c'est ça. Elle revient un peu au bas, donc je la trouve vraiment cool. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait dérangé. Elles sont comme ça. C'est vrai que ce qui m'avait dérangé, c'est les cataclysmes du quartier de plus en plus over the top. Quoi. Genre l'avion qui s'écrase dans le quartier, mais mon dieu quoi. La tornade. Ah, c'était une tornade qui s'était retrouvée aveugle. Mais voilà, il y a eu tornade, il y a eu l'avion. En plus, c'était saison après saison quoi. La tornade et l'avion, c'était coup sur coup quoi. Et là, tu fais non mais. Oui, mais attends. Vous allez trop loin. Attendez, on a quand même eu la petite maison à Paris avec la barrière qui s'arrachait tous les 3 épisodes. Tout le monde qui manquait de crever tout le temps. Dont j'ai appris il y a pas longtemps comment ça finissait. Vous savez quand on finit la petite maison dans la prairie? C'est dramatique, je crois. C'est horrible. Ah oui, c'est super dramatique. Il y a un promoteur immobilier en fait qui veut racheter l'intégralité du terrain et pour éviter qu'il l'ait, ils font tous péter leur maison. La série se termine sur tous les mecs qui les font sauter à la dynamite. Mais comme ça, au moins, c'est un moyen de ne pas faire de suite, en fait, d'arrêter vraiment la série. Donc voilà, c'est un des premiers travaux de Michael Bay. Hein. la série a duré quand même pendant 20 ans. Hein. 20 ans où ils étaient là-dedans. 20 ans de Charles Ingalls qui coupe du bois. Ah, Et puis, il devait avoir de quoi se chauffer pour l'hiver. Alors, lui, il n'en avait pas marre parce qu'il faisait partie d'une secte... Une secte à base catholique. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, il a fait les routes du paradis juste après. Ouais. Il était à fond dedans, lui. Par contre, c'était le seul qui était à fond dedans, parce que le reste du cast, il y en a quelques-uns qui ont vraiment pété les plombs, parce que 20 ans, c'était trop long, et qu'il n'avait plus de vie à côté de ça. Notamment la petite là, qui jouait la connasse de service, là. Ouais. Bah, l'actrice. Celle qui avait des traces, ouais. L'actrice a dit que ça lui a pourri sa vie, ce rôle-là. Parce qu'après, tout le monde l'a considéré comme une connasse dans la vraie vie aussi, quoi. Laura Ingalls aussi, c'est une catastrophe. Les actrices, les acteurs, c'était mort derrière. Mais sinon, pour en revenir à Desperate Housewives, disons que ce qui est cool avec Desperate Housewives, c'est déjà, ça fait partie des premières séries qui renouvellent un petit peu la série télévisée américaine. C'est des séries, ça fait partie de cette mouvance de séries avec Lost et avec d'autres séries qui ne se focusent pas que sur un personnage principal. Oui. Ça fait partie de ces séries qui n'ont pas qu'un personnage principal, qui ont une ribambelle de personnages principaux. C'est moins marquant, mais Doctor House, les personnages secondaires sont quand même assez mis en avant. Oui, mais c'est des Big années Up après. À numéro 13. Ah non, c'est la même année que Desperate Housewives. Ah ouais, c'est la même année. Ouais. Et Big Up à numéro 13. Hein. Oui, numéro 13. Mais tout ça, c'est le renouvellement des séries US qui avant. Et ces deux séries que j'ai suivies jusqu'au bout. C'est une des meilleures. La dernière est excellente. De quoi de Doctor House. Ah, mais la fin de Doctor House, c'est génialissime. Pareil, encore c'est une série. On spoil rien. Magnifique. Une série que j'ai lâchée en cours de route. Regarde juste la dernière saison. Ah, mais je regarderai, mais c'est parce que j'ai pas le temps. C'est pour moi, la 7 était plus faible. Mais 6 suites sont excellentes. Mais ouais, ça faisait partie de ce renouvellement de séries télé. Où à l'époque on avait que des caméléons, des profilers, des trucs avec. Caméléon, c'était trop bien. Ouais, mais c'est des séries très centrées sur un personnage et basta quoi. Sentinelle. Cette. Charmed. On se fait toute la trilogie du samedi là. Buffy contre les vampires. Voilà. Alors par contre, je tiens à corriger un petit truc que t'as dit tout à l'heure. Enfin, deux petits détails par rapport à Danny Elfman qui n'accepte pas n'importe quel projet. J'admire profondément Danny Elfman. Il a quand même fait 50 nuances de gris quoi. Ouais. Ouais. Là il commence à vieillir. Non mais par contre musicalement c'est excellent 50 nuances de gris. Mais dans ses choix il vieillit. il fait quand même des Burton encore, des Guzman Sant, et il va faire Justice League. En fait, maintenant, Danny Elfman, j'ai l'impression qu'il se concentre sur les petits projets accessoires auxquels il tient. À l'époque, c'était vraiment les trucs qui le passionnaient. Il disait « Ah, ça, je veux !» Mais maintenant, en fait, je crois qu'il accepte des gros projets qui lui rapportent beaucoup pour après pouvoir faire des... Il fait mal de petits projets où il est payé un euro symbolique. Donc, il est bien obligé, enfin, un dollar symbolique. Oui, d'accord. Donc, il est bien obligé à côté de faire des gros trucs qui rapportent masse de pognon. Donc, du coup, il lui fait une Luc Besson, en fait, en quelque sorte. C'est faire des trucs qui rapportent du fric pour pouvoir faire des trucs qui lui plaisent. C'est pas faux, sauf que lui, même ces trucs qui rapportent du fric sont de bonne qualité. Voilà. Ah oui, non, j'ai pas dit que... Non, c'est... Non, mais sinon, c'est à peu comment près ça. Comment ça trash. C'est... Danny Elfman n'a jamais fait un film où on casse la gueule à un groupe d'accord. Et deuxième précision, les autres musiques de la série, hors générique, sont aussi très très bien ensemble. Et c'est Steve Jablonski qui s'en occupe. Et en fait, pourquoi dans tes news, il n'y a pas la mention que le tournage de Taxi 5 est terminé ? Tu me dis. Oh la vache ! Mais oui ! Mais oui, j'ai oublié ça, le tournage de Taxi 5 est terminé. Voilà. C'est encore le vieux monsieur qui est un chauffeur de taxi ? Alors non, apparemment, lui, il est en prison. Je pense. Par contre, c'est toujours. Enfin, il y aura toujours le commissaire, apparemment. Parce qu'il avait fait un clip très entraînant entre temps. Ah, c'était. Ah, c'était merdique. C'est la première fois que quelqu'un qui chante pas. Ah la vache. On a fini avec Desperate Housewives. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre comme. Un petit truc dedans. La musique, effectivement, fait son travail donc, pendant toute la série. Et juste ces petites notes de musique qu'on entend de temps en temps. Si jamais vous avez vu la série, voilà, vous avez ces petites notes en tête. Ça allait très très bien. C'est génial. C'est Steve Jablonski qui s'en occupe. Un compositeur assez inégal, mais qui a fait des très bons trucs. C'est aussi lui qui est derrière les BO des Transformers. Dans le même style. La musique, les lumières, l'étalonnage, tout est parfait. Les décors sont géniaux. Bah, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment investi un quartier. Ah oui. Ils sont yep. Alors que non, c'est un truc entièrement construit. Mais c'est super. Hein, c'est impeccable. Bien fait. Ouais. Et oui, on passe du loufoque gentillet au trash difficile. Donc ouais, on a de tout là-dedans. Voilà. Ah, Desperate Housewives, une petite série, une petite série qui commençait petite série et qui a terminé grande série, disons. Je sais pas si c'était prévu que ça dure aussi longtemps, mais. Je ne pense pas. Bah, c'est comme tout, ça a bien marché, donc on en rajoutait un peu, quoi. Et disons qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a des séries qui sont calibrées pour durer longtemps de base. Tu vois, il y a des séries maintenant qui sont pensées en amont. Bah, c'est comme pareil pour le cinéma, il y a des films qui sont pensés en amont pour être des blockbusters. Ou alors il y a des mecs qui font des films en pensant aux Oscars, quoi. Ça existe de plus en plus, ça aussi. Harvey Weinstein. Là, je pense à la série... Stargate SG-1, pas les autres, je m'en fous des extensions. Alors je vois pas où est le romantique là-dedans, mais. Non. Non, mais dans les séries où ça sent que c'était pas prévu, que ça dure aussi longtemps. Oui. Et c'est allé jusqu'au point où ils changent les rôles des acteurs, ils changent les acteurs en cours de route en mode bon. Faut qu'on trouve un truc parce que lui il en a ras le cul de faire l'émission à la con et se et du coup bah oui ça a duré 9 saisons quand même hein. 9 saisons hein. 9 ou 7 je sais plus et avec une certaine justesse, c'est à dire qu'il y a eu des moments de mou mais il y a quand même une certaine justesse jusqu'au bout et après il y a les deux films qui concluent le truc en disant c'est bon on finit. Les deux téléfilms. Ils ont tartiné en deux téléfilms. Mais ça restait sympa jusqu'au bout, ça. Mais c'est rare, les séries qui restent cohérentes jusqu'au bout, parce que justement, elles sont pas prévues pour durer autant de temps. Pourtant, moi, j'arrive à penser à une série qui aurait dû s'arrêter au bout de 6 saisons. Ils en sont à plus d'une trentaine, ça marche toujours bien. C'est lesquels ? Bah oui. Ça devait s'arrêter avec le départ du premier docteur. Bah oui, mais en fait, non. Ils ont trouvé cette astuce-là, et c'est ce qui a rendu la série culte. Oui, comme quoi, des fois, un petit... mais au fait, ça extraterrestre. Et s'il changeait de visage et qu'il avait plusieurs vies, ok. Voilà. En plus, à la base, Doctor Who, c'était une série pour éduquer les jeunes, quoi, les plus jeunes, non ? Il y avait un côté plus éducatif. Il y a un côté moralisateur. Moralisateur, mais c'était pas non plus. Enfin, ça a perdu un peu de ce côté-là. Mais... Ah, mais ça c'est comme ça l'a perdu assez rapidement, en fait. C'était un petit peu comme certains dessins animés où à la fin le personnage te faisait la morale. Quoi. Ouais, il y a encore un peu cette morale-là, notamment avec les parties. Pas avec David Tennant, mais la partie avec. Smith. Avec Matt Smith, où tu retrouves quelques morales qui sont glissées, mais de façon beaucoup plus subtile. Ouais. Et où finalement, c'est les leçons de vie sur les propres doutes qu'il a lui-même. Et où là, c'est Clara, par exemple, qui va le remettre sur le droit chemin. Et c'est là que la leçon de morale arrive. C'est niveau leçon de vie, la période Matt Smith, à l'épisode avec Van Gogh. L'épisode avec Van Gogh, l'épisode avec aussi une baleine stellaire. Ouais, on les a perdus. Là, on les a perdus. Putain, la morale est là, quoi. Jusqu'au film. On est foutus, là, Alexandre. Il attendait que je le dise et je l'ai dit, il fallait pas. Bref. Oui, on a fini avec Desperate Housewives. Oui, on a terminé avec Desperate Housewives, je pense. Et donc, je conseille. On conseille tout le monde autour de cette table. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre comme série télé Alors moi, je pourrais venir 30 secondes sur un film. Enfin, rapidement sur un film. Ah, le mec qui veut jamais rien respecter. Quoi. I Love You, Philip Morris, si vous l'avez pas vu. C'est une comédie romantique inspirée de faits réels avec Jim Carrey et Evan McGregor dans les rôles principaux. Et Jim Carrey joue un arnaqueur qui monte des plans de plus en plus ubuesques pour satisfaire son amant joué par Evan McGregor qui lui rêve juste d'une vie rangée en fait. Il y a quand même une scène et je rappelle que c'est inspiré de faits réels où Jim Carrey, le personnage de Jim Carrey arrive à s'évader de prison en faisant croire qu'il est mort du sida. C'est très très drôle, les deux acteurs sont très touchants et leur couple fonctionne super bien. Et voilà, c'est une comédie romantique, peut-être un peu atypique, une des rares comédies romantiques homosexuelles auxquelles j'arrive à penser. Est-ce que ça met ça en avant, le fait qu'il soit gay ou pas? Ah, c'est vrai! Pas tant que ça, c'est juste. Au début, le personnage de Jim Carrey est parfaitement. On le découvre, il nous explique, ouais, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai tout ça. Et tout à coup, ça fait, ah, au fait, je suis gay. Et là, tu le retrouves au lit avec un mec. Et un jour, il décide de tout envoyer balader et d'assumer ça et de vivre avec un mec. Mais après, ça leur est très rarement renvoyé. Parce que ça, c'est ce qu'il faudrait de plus en plus. Ils ont juste films, une série, c'est juste des homos. Le fait que les personnes soient gays, que ce soit normal et qu'on s'en foute et qu'on passe à autre chose. C'est anormal, anormal entre guillemets, les 5 premières minutes quand le personnage de Jim Carrey n'est pas encore sorti du placard. Ouais. Mais une fois qu'il l'assume, ok, c'est comme ça. Mmh. Voilà. Parce que c'est vrai que là, je voulais. Un moment, j'ai failli mettre dans les suggestions, mais on m'a dit, bon, c'est pas tant que ça, c'était Buffy. Oui, mais là, par contre, pour le coup, le côté romantique dans Buffy. Ah, il y a plusieurs romances. Ah, mais voilà, ça fait partie. Et des fois, les romances. Parce que, comme dans toutes les séries, il y a de la romance, mais sinon. Oui, des fois, c'est la romance qui tient l'arc complet. Hein. Ouais, mais là, le sujet principal de Buffy, c'est ni la comédie, ni la romance, pour le coup. Donc, mais par contre, ce qui m'a plu, c'est l'évolution de la romance au fur et à mesure des saisons. C'est-à-dire que ça commence par une romance vraiment à l'ancienne, on va dire. Puis, d'un seul coup, ça part en steak parce que cette romance-là réveille une créature mauvaise. Donc, du coup, là, on arrive sur une fille qui commence à se méfier un peu plus des relations avec les hommes, donc on arrive sur quelque chose qui est assez terre à terre. Et après, finalement, ça finit quand même par une toujours pour Buffy avec une relation de cul où il y a même plus vraiment d'histoire de romance et où c'est quelque chose qui est vécu assez naturellement, bizarrement. Toute la partie avec Spike, je sais pas. Alors si ça, je peux aller jusqu'au bout de Buffy. T'avais vu toi ? Pas jusqu'au bout. D'accord. Alors en fait, j'ai pas trop accroché moi. En fait, t'as vraiment cette évolution de vie sur le personnage au fur et à mesure des années et dans la série. Il y a aussi des relations gays et lesbiennes qui sont complètement normales. C'est-à-dire qu'on s'en fout. On s'en fout vraiment. C'est genre que ça va juste marquer un personnage à un moment parce qu'il sortait avec une nana et quand il revient beaucoup plus tard, il s'aperçoit qu'elle sort avec elle-même avec une nana. Bon, là, ça l'a un peu affecté, mais sinon, ça aurait pu être un mec, ça aurait été pareil, quoi. On s'en fout complètement. D'accord. Mais donc, sinon, comédie romantique. Parce que Jean-Michel nique le fil rouge à ma droite. Ma gauche là, il a tout baisé le conducteur, maintenant on est dans la merde. Donc bon, est-ce qu'il y en a d'autres? C'est pas mon émission, hein, c'est pas à moi de recadrer les chroniqueurs. Ah bah non, mais quand tu veux les recadrer et qu'ils arrivent pas. Donc là, on est que dans la série romantique, hein, c'est ça? Ouais, non, pas forcément romantique. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller comme bonne petite comédie? Ah. Il y en a des très connus, il y aurait du Friends par exemple, il y aurait du. Merde. Voilà. Bah moi, sérieusement, je pense à New Girl. Ouais, New Girl. Deschanel, mais... Alors, il y en a deux que je confonds, c'est à chaque fois, il y en a un, c'est Miracle dans la 8ème rue, et un autre, Miracle dans la 9ème avenue, et à chaque fois, je me gourre. Dans le doute, regardez les deux. Oui. Si on parle que ça devient bordélique. Ouais, si on parle de trucs comiques en général, t'as parlé de Brooklyn Nine-Nine, une fois, non? Oui, qui est complètement... Oh, c'est génial, ça. Brooklyn Nine-Nine, c'est de l'humour totalement barjo. C'est une pépite, c'est trop bien. Ah bah, tu suis... Tu l'as vu la dernière saison? Ouais, je suis pas encore un jour, mais... Oh, elle est géniale. C'est extraordinaire. Avec Terry Crews qui est juste énorme dedans. Oh là là. C'est Police Academy, mais encore plus fou. Encore plus fou. Encore plus fou que Police Academy. Oui, c'est possible. C'est possible. Il y a le premier Hulk qui est un très bon film comique. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Il parle de série. Les mecs, ils comprennent pas, quoi. Ah putain. Il y a la série Hulk qui est un très bon film comique. Ah putain, mais Jean-Philippe nique le fil rouge et Dominique nique le conducteur, quoi. Ouais. Nique. Comme on disait tout à l'heure, il y a toutes les sitcoms. Mais bon, ça voilà. Bah voilà, c'est pas... ça. Bah là, tu prends Friends, ils sont tous sortis ensemble les uns les autres. Non, moi, à la limite, pour conclure, je conseillerais bien une série plutôt récente, parce qu'elle est à sa deuxième saison. C'est The Good Place, qui, depuis cette deuxième saison, est diffusée sur Netflix chez nous, au rythme d'un épisode par semaine. Il y a Grey's Anatomy aussi, qui prend plus. plusieurs histoires de romance dans le lot. Parce que c'est vraiment catalogué comme une série romantique, hein, Grey's Anatomy. Si, en série romantique, il y a Outlander. Oui, qui passe actuellement sur Netflix. Ah ouais, Mature Mother. Et donc, du coup, est-ce que je peux parler de Good Place ou c'est pas possible? Bande de petits enfoirés effrontés. Bah. Ouais. En fait, de Good Place, tu. Moi, j'ai bien envie de revenir sur Doctor Who. Oh, toi, ta gueule. Alors, comment c'est fait avec le Daekalium, c'est fait comment? Ah la vache. Dans The Good Place, tu suis l'histoire d'Eléonore qui est morte renversée par un camion qui transportait du Viagra. Ça commence bien. Des fois, la vie, c'est triste. Qui se réveille au paradis, donc le fameux Good Place. Sauf que Eléonore, en fait, c'était une connasse, un but d'elle-même. Et en fait, elle a rien à foutre au paradis. Sauf qu'elle est au paradis. Ah. Et du coup, elle a pas tendance à agir comme quelqu'un qui devrait être au paradis. Et ça fout un petit peu le bordel dans le paradis, tout simplement. On la met avec sa soi-disant âme-sœur, qui, alors j'ai oublié le nom du personnage, mais qui est un jeune homme très porté sur la philosophie, sur la littérature, donc tout le contraire de ce que elle l'intéresse globalement. Donc elle va évoluer dans ce petit quartier, ce petit Good Place, alors qu'elle a rien à foutre là. Et elle est entourée de personnages plus farfelus les uns que les autres, et tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui devraient pas être là. Genre, non, je vais pas le dire parce que mais c'est Saint-Pierre trop... qui est bourré, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu rentres. Merde. Il y a où ma liste? C'est une série, mais vraiment à mourir de rire, qui en dépeint un paradis. En fait, dès le début de la série, on te fait comprendre que, ouais, en fait, les chrétiens, c'est de la merde ce qu'ils ont dit, les musulmans, c'est de la merde, les juifs, c'est de la merde. En fait, il y a un seul mec qui a trouvé un peu près ce que c'était, c'est lui. Et là, tu vois la photo d'un mec lambda dans le bureau du mec qui l'accueille. C'est juste un mec avec les cheveux frisés, comme ça, un petit peu gros. Et j'aurais dit, c'est lui qui s'est rapproché le plus de la vraie vision du paradis et de la religion en tant que telle. Tu fais, mais quoi? Random mec. C'est ça. Et c'est genre, il t'explique qu'il a pensé à sa vision un soir où il était bourré. Et si le paradis, c'était un truc où il fallait manger des curlis tout en regardant des clips de Marilyn Manson. Et voilà, c'est bon, c'est parti. Et du coup, elle, en fait, toutes les catastrophes qu'elle fait, ça a un impact ensuite sur le Good Place. Genre, à un moment, il y a une soirée pour accueillir les nouveaux arrivants. Elle se bourre la gueule, elle bouffe toutes les crevettes qu'il y a au buffet. Et le lendemain, Good Place est envahi par des crevettes géantes qui volent dans le ciel. Tu fais, mais what the fuck? C'est que de l'humour à la con comme ça. Et c'est super chouette. Donc c'est format sitcom, 20 minutes par épisode. Heureusement, la chaîne a décidé de nous faire grâce des rires enregistrés, il n'y en a pas. Mais c'est romantique ça du coup. Il y a une petite romance qui se crée, mais c'est vraiment une série détente quoi. Là c'est le truc feel good quoi. Comme ouais, là c'est vraiment une série feel good. C'est du 20 minutes par épisode, sans rire enregistré. Il y a quoi, je crois qu'il y a une quinzaine d'épisodes pour la première saison. La fin de la première saison redistribue complètement toutes les cartes. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment, tu finis la saison 1, bah tu sais pas ce que va donner la 2 quoi. Parce que tu tombes sur le cul quoi. Ils ont trouvé un truc pour... la saison 2 va être différente, et ouais, la saison 2 est différente de la première, c'est vraiment chouette. Et toujours aussi bien. Alors, toujours aussi drôle pour l'instant, ouais. Donc oui, The Good Place, je recommande fortement, c'est avec... comment elle s'appelle? C'est avec Kristen Bell, voilà, c'est revenu. Donc une actrice qui est plutôt... J'ai cru que t'allais dire Kristen Stewart. Non. Petit moment d'adaptation. Mais voilà, The Good Place, c'est vraiment une chouette petite série. Petite question, parce que c'est important, est-ce que c'est une série coro? Pas y arriver. Ah là là là. Sinon, les deux premières saisons de Misfits. Oui, Misfits, qui est plutôt drôle. Il y a juste les deux premières saisons. Mais oui, parce qu'après, ça devient de la grosse merde. Après, ça devient nul. Il y a un remake américain qui est... Un remake d'américain, pardon. Les deux premières saisons de Ash vs Evil Dead. Non, je dis de la merde. Là, on serait vraiment dans le domaine Halloween, là, par contre. Dans le domaine Halloween, complètement. On le fera à la Saint-Valentin. Voilà, c'est ça. Bah ouais. Bah, je pense qu'on peut clôturer ce podcast, messieurs. Bon, on a même pas parlé d'Orgueil Préjugé. Orgueil Préjugé et Zombie. Bah, c'est bon. Non, mais c'est bien, Orgueil et Préjugé. Et Zombie? Non, même sans les zombies, c'est bien. Oui, non, mais la version zombie. La version zombie est cool aussi. Voilà. Bonne nuit. Au revoir. Bon, il est l'heure de faire le dernier tour. Allez, je ferme le micro. Quelle bande d'enfoirés. Il est l'heure de faire le dernier tour de table. Issam, on s'en fout. C'est bon, on sait qu'il va aller faire sa prochaine saison du cinéma à l'archiviste. Que mes couilles, il a un nouvel ordi, il va bientôt la tourner, voilà. Alors, t'as intérêt à mettre des coraux dans tes décors. Ah ouais, tu veux petit, hein. J'y penserai, promis. Non, bah, c'est, j'ai pu reprendre le travail vu que j'ai effectivement un nouvel ordi. Donc, ah, tu n'es plus un fainéant c'est ça. Ah, ton président va échouer. Prochain épisode, j'espère, dans un mois, j'espère, si tout se passe bien au niveau du montage. Voilà. Nécro, est-ce que ton projet avance? J'étais pas sûr. Difficilement. D'accord. Bah, difficilement au niveau des. Oui, si, c'est techniquement il avance, mais difficilement au niveau de la matière que je veux autour. Plutôt plastique ou plutôt latex? Bah, là pour l'instant, là c'est plutôt cuir avec des pointes. Là. Ah, d'accord. Cuir moustache donc. Donc en fait, je me suis rendu compte que le jeu que je voulais traiter en premier, bah finalement, ça va être vraiment le. Bah traite-le en dernier du coup. Ah. Quel génie. Mais quel génie. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai. 1000 euros pour ce conseil. Non, je tiens absolument à le faire en premier. C'est-à-dire que si je réussis celui-là, après les autres, ça passera crème. D'accord. Quoi. Mais c'est-à-dire qu'en comme fait, dans c'est... je suis tombé sur le jeu Super NES qui était jamais sorti en France, qui est excellent, mais dont personne pratiquement n'a... Enfin, auquel personne pratiquement n'a joué. Donc c'est compliqué. Et qui a 5 avis en 10 ans sur jeuxvideo.com, simplement parce qu'il a existé en version anglaise sur DS. Voilà, sinon personne n'aura touché au truc. C'est ça. T'as des hobbies vachement bizarres. Hein, ouais, je sais. Et toi, Alex? Eh ben, en actu, pas grand-chose, non. Ah, mais on te retrouve où? Sur Twitter. D'accord. De Casse sur Table. Et de la guerre des claps. Surtout Casse sur Table. Et moi, vous me retrouvez, comme d'habitude, à la boutique Au Gré des Bulles. T'as vu, aujourd'hui, on a été calme, on n'a pas fait beaucoup de pubs pour Au Gré des Bulles. D'accord. T'es content? Oui, très heureux. Au 44 rue du Jard à Reims, et également bah, dans nos deux podcasts Casse sur Table et La guerre des claps. Mais en fait, tu peux encore faire la pub en plein milieu de la vidéo, parce que de toute façon... Mais non, c'est pas moi qui fais le montage, c'est Issam. Ah. Non, mais on ajoute une page de pub Au Gré des Bulles. Nous rappelons que c'est... Au Gré des Bulles, 44 rue du Jard, à Reims. Radio Londres. C'est ça. J'adore avec, faire les voix comme ça. Avec des comics et des mangas francophones. Bien de chez nous. Bientôt chez vous. Pensez à lire Eltrick. Actualité, le nouvel album des Pieds Nickelés. Le nouvel Astérix est sorti, n'oubliez pas, achetez-le à la librairie Au Gré des Bulles. Astérix le Gaulois. Bon, il est temps de dire au revoir. Allez, ouais. Salut. Salut. À la prochaine, à dans un mois. À dans un mois pour une nouvelle émission.